Et après l'émission, après la VinFun, tous les soirs, il y a du pipeau, bien sûr. Et oui, avec Mickaël, No Limites. Tout à fait. Et est-ce que le doc voudrait éventuellement que Polo lui joue un peu de pipeau? Mais moi j'aimerais bien. Oui, bien sûr. Ah. Du pipeau, attends, oui. Je le sens. Attention, il sort de l'étui. Sors ton gros pipeau, Polo. Voilà. Allez, spéciale dédicace pour le doc. Vas-y. Attention, 3, 4. Bravo. Ah. T'es un artiste, bravo, un vrai Polo. Voilà, quand même, quel talent. Bravo. Je vous aime. Quel talent. Voilà, ben j'espère que le doc se rend bien compte de la chance qu'il a. Absolument. J'en suis tout ému. Me voilà rassuré. Bon, bah nickel, bah passez une bonne soirée. Et une minute en avance, c'est bien. Ouais. Ben bah, oui, je sais pas pourquoi. Bah mais... écoute, moi non plus. Bah écoute, une minute de rap de Mickaël, No Limites. Voilà, ouais. C'est parfait, jusqu'à très bien. Jusqu'à 2h du mat, profitez parfait. Bien. Allez, bonne soirée à vous. Bisous, les pilous. On est parti là, évidemment, en direct dans toute la France jusqu'à 2h du mat sur Fun Radio. Tous les soirs, 23h, 2h. Ah, vous avez encore fait les couilles longtemps, là. Mickaël, No Limites. Sur Fun Radio. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. J'espère que vous allez bien. Vous avez passé une bonne journée, un petit peu comme d'habitude, sous le soleil d'ailleurs. Ouais. Tout le monde avait droit du soleil aujourd'hui, c'est cool. Alors, moi c'est Mickaël, pour ceux qui viennent de débarquer. On est ensemble tous les soirs de 23h à 2h du mat. Et puis le dimanche évidemment de 20h à minuit. Alors si vous avez envie de venir délirer avec nous, eh bien c'est très simple. Un seul numéro, enfin deux dans l'absolu, 01 42 48 5000 ou pour la Belgique 02 851 4x0. Et puis vous passerez l'antenne avec moi, comme Juliette d'ailleurs qui est avec nous déjà. Bonsoir Juliette. Bonsoir Mickaël, bonsoir l'équipe. Comment ça va? Ça va, merci vous. Bon, bah oui, tranquillement. Et on parle de quoi dans un instant avec toi Juliette? Ben en fait, moi je peux me percer le ventre. D'accord. Mais ma mère ne veut pas. Non, sans déconner. Bah écoute, on va en parler dans un instant Juliette, tu restes là? Ouais. Bon, bah bouge pas de là, Juliette. Je rappelle également que si vous voulez venir délirer avec nous, vous êtes les bienvenus. Alors, il y a toujours Kelly au standard, hein. Sandro est toujours malade. Vous pouvez la joindre évidemment au 01 42 48 5000 ou au 02 851 4x0. Et je tiens quand même à féliciter Kelly qui a quand même eu plus de 2000 likes sur sa pas sur sa page, mais sur la photo où on a mis la photo de Kelly. Bravo. Je veux féliciter le mec qui fait le recrutement, merci. Quoi. Voilà. Donc, Kelly qui vient de dire bonsoir. Merci. Bonsoir à tous. Voilà. Bonsoir, on dirait PPDA. Bonsoir. Voilà, donc Kelly, vous pouvez aller retrouver, vous pouvez la voir évidemment, voir à quoi elle ressemble. Ouais. Attention, c'est la vraie Kelly. Ah oui. Ah, c'est une vraie Kelly. Ah oui. C'est la vraie Kelly. Voilà, sur le Facebook de l'émission, facebook.com/Mickaël officiel. Alors je l'ai mise hier, donc fouillez un petit peu dans tous les posts. Alors on a déjà essayé aussi de l'emmener sur sa mobilette. C'est Toff évidemment qui a essayé d'emmener Kelly sur sa mobilette. Malheureusement, le problème de la mobilette évidemment de Toff, c'est qu'elle a un petit peu de mal à démarrer, quoi, comme d'habitude. Hein. Allez. Oula. Oula, et comment t'expliquer que là elle a failli démarrer? Voilà. Bon, nouvel échec donc pour Toff comme d'habitude. Qui a essayé de serrer Kelly hier soir, ça n'a pas marché. Ouais, je comprends pas, pourtant j'avais mis toutes les chances de mon côté. Ouais, mais c'est peut-être ça le problème. J'avais fait le plein, j'étais parfumé. Ouais, c'est ça, allez. Bon, bah écoute, je sais pas, peut-être qu'elle tombera plus sous le charme de Polo avec son pipeau, c'est je vrai, sais pas. Ouais. Voilà, donc le pipeau hein, qu'on vient, qu'on a joué là, on va le refaire encore un petit coup, et puis on y va. Allez, hop, chaud, allez, pipeau, 3, 4. Voilà, parfait. Bon, si vous... t'aimes bien le pipeau ou pas, toi, Juliette, là, de Polo? Ouais. Et est-ce que tu kifferais faire un tour sur la moto, la petite mobilette? J'ai du monsieur emballé avec la moto. Sur la mobilette de Toff. Non. Ou alors t'as eu un orgasme comme ça directement, juste en imaginant la mobilette ou pas? Ouais, j'imagine. Ah ouais. C'est les vibrations de la mobilette qui lui ouais, font effet. Ça, ouais, mais elle vibrera beaucoup celle-là pour le coup. Hein. Bon, on écoutera aussi du son tout à l'heure avec Robin Thicke. Hey. Tu kiffes Robin Thicke ou pas avec Blurred Lines, dis-moi ouais. Juliette? Ouais, c'est bien, j'écoute de tout moi, à part le rock. D'accord, ok, pourquoi pas. Moi j'écoute de tout, avec le rock aussi d'ailleurs. Bon, je rappelle qu'il y a toujours il y a le clip de Robin Thicke qui est très très sympathique hein, pour ceux qui veulent voir des meufs plutôt bien faites. Vous pouvez aller voir évidemment, pas de problème, sur le Facebook notamment, je l'ai mise aussi il y a quelques semaines, hein, il faut aller un petit peu fouiller. Sur le facebook.com/Mickaël officiel, je vous calerai aussi le son de Stromae. Et je vous l'ai fait découvrir un soir, Florida et Pitbull. avec Can't Believe It sur Fun Radio. Et attention, restez bien sur Fun Radio, puisque dans moins de 10 minutes, je vous balance aussi la petite colle de ce soir. Ouais. On va jouer d'ailleurs avec la colle là, d'ici quelques instants. Hein. Ce sera avec Donovan. Et vous allez pouvoir repartir peut-être avec votre PS3. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Ce sera d'ici quelques instants sur Fun Radio. Et puis en parlant du Facebook, justement, alors j'ai mis sur votre Facebook, justement, une vidéo d'une mère qui fout la honte à son fils devant le bus qu'il conduit à l'époque. À l'école, pardon, je dis n'importe quoi. Donc si jamais, éventuellement, vous avez vous aussi, vous vous êtes tapé la honte un jour ou l'autre avec vos parents, je sais pas, votre père, votre mère qui vous a déposé à l'école ou qui vous a foutu la honte, je sais pas, moi, dans un centre commercial, dans un magasin, à l'école, peut-être, éventuellement. Je peux faire toute l'émission avec ma mère, si tu veux. Mais Christophe, je ne vois pas pourquoi tu dis ça. Moi non plus, maman. Je ne comprends pas pourquoi tu dis ça, je t'ai bien élevé. Oui, oui, bien élevé, oui. Mais alors, je ne comprends pas pourquoi tu dis ça. Mais c'est pas pour ça que tu ne m'as pas mis la honte. Est-ce que tu veux une claque sur ton beau visage? Beau, je ne sais Tiens. Pas. Voilà, c'est tout ce que tu mérites. Okay. Non, mais dites donc. Et parle un peu mieux à ta mère. Oui, c'est pas. Est-ce que c'est clair? Oui, je bon. Donc, je vous ai mis la vidéo donc d'une mère hein, qui fout la honte à son fils ou à sa fille, on voit pas très bien, sur la vidéo sur le Facebook de l'émission. Maintenant, n'hésitez pas, facebook.com/mikaelofficiel. Tiens, Juliette, tes parents, toi, t'avais déjà mis la honte à un moment ou à un autre ou pas quand t'étais genre quand ils te déposaient au bahut? Juliette. Juliette. Allô. Juliette, 21 ans. Du Val d'Oise. Le piercing. Juliette, reviens non. Juliette. Non, bon, c'est pas grave. Parler avec toi. Bah, c'est pas grave, on va la rappeler dans un instant, ça a dû couper. En attendant, on va se faire la colle, tiens, puisque il est déjà là, Donovan. T'es là, Donovan? Oui. Bon, bah, sois le bienvenu, Donovan. Tiens, avant de faire la colle, puisque c'est pour ça que t'appelais, hein, mais est-ce que tes parents t'ont déjà foutu la honte à un moment ou à un autre? Non. Genre, tu sais, quand ils t'ont déposé à l'école ou un truc comme ça? Non. Non, bah allez voir la vidéo, hein, parce que ça vaut le détour. Hein. Pour ceux qui ont jamais eu des parents qui lui tapaient la honte, là, je pense que ça vaut vraiment le détour. En fait, si vous voulez, pour ceux qui n'ont pas internet, parce qu'il faut y penser aussi, oui. Si vous voulez, c'est une mère de mère d'un enfant, donc en l'occurrence, vous avez aux États-Unis, il y a les school bus, les espèces jaune. De bus jaunes là qui viennent chercher les enfants un peu partout. Et donc en fait, elle dépose son fils à l'arrêt du school bus. Le school bus arrive, le petit part et en fait là, elle met la musique à fond et elle se prend pour une pom pom girls en train de, tu sais, d'encourager son fils. Oh là là, la honte, c'est un truc de ouf. Donc allez voir sur le Facebook de l'émission. facebook.com/mikaelofficiel et puis laissez vos messages. Bon, avant de récupérer Juliette là, Donovan. Oui. Bon, alors t'appelles de Charleroi toi. Tu as 13 ans et on va se faire la colle de ce soir. Donovan, tu vas peut-être pouvoir repartir avec une PS3. Alors, pour repartir avec une PS3, il va évidemment falloir correctement répondre à la question. C'est quoi le bruit que t'as derrière, Donovan? T'as la radio? T'as quelque chose allumé? Non. Ah oui. T'es sûr? T'as le kit main libre alors, non? Non. Non, t'as pas le haut-parleur? Non, j'ai peut-être diminué le son de mon GSM comme il va... Ah bah c'est mieux, ouais, c'est mieux. Bon bah c'est très bien. Bon, Donovan, si tu balances une colle et que personne ne trouve la bonne réponse, tu repars avec la PS3. Si quelqu'un trouve la bonne réponse, évidemment, tu ne repartiras avec rien. Ok, ouais. Donovan, on y va? Ouais. On t'écoute? Ouais. Vas-y, fais péter la colle. On y entre par un trou et on en sort par deux. On y entre par un trou et on en sort par deux, c'est bien ça? Ouais. On y entre par un trou et on en sort par deux. Une porte? Non, bah c'est con en même temps. Non, c'était con. En fait. Je viens d'y penser, je viens de voir la porte, là c'est con. Bon, si vous avez la bonne réponse, il y a une PlayStation 3 qui est à gagner, à vous de jouer maintenant. Il suffit de vous rencarder sur le Facebook de l'émission. Je vais vous mettre d'ici 2-3 minutes la colle de ce soir, comme ça vous l'aurez en écrit avec le logo, enfin avec la PlayStation 3 dessus. Donc allez voir facebook.com/mikaelofficiel, vous répondez à la question. Et avant minuit 30 tout simplement, on appellera quelqu'un au hasard pour lui filer peut-être cette PS3 si il ou elle a la bonne réponse. Donovan, encore un dernier coup, répète la colle. On y entre par un trou et on en sort par deux. Très bien. Allez, bonne chance tout le monde. facebook.com/mikaelofficiel. On te récupère tout à l'heure, Donovan. Tu restes là? Ouais. Parfait. Ne bouge pas de là. Juliette qu'on récupère maintenant. T'es là, Juliette? Oui. Ah, bah voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Ça avait coupé? Oui. Bah oui, bah voilà, ce sont les choses qui arrivent. Bon alors Juliette, on va parler donc des piercings là maintenant, hein, puisque toi tu nous avais appelé parce que tu voulais te faire un petit piercing au niveau du ventre, c'est le nombril. Oui, au niveau du nombril. Et t'as quel âge? Ben, je viens de dormir 21 ans. 21 ans déjà. Très bien, très bien. Et t'appelles d'où? Ben, en fait, j'ai envie de me le faire. Non, mais t'appelles mais d'où? C'est un peu chaud. Ah, du Val d'Oise. Val d'Oise, d'accord, ok, très bien. Ouais, tu voulais te le faire, mais c'est un petit peu chaud, quoi, parce que tes parents veulent pas, c'est ça? Voilà, c'est un peu chaud. J'ai 5 frères et 2 grandes sœurs. Et c'est un peu chaud. Et ma mère aussi ne veut pas. Bon, mais bon, en même temps, t'as 21 ans, quoi. C'est-à-dire que. Faut t'émanciper, quoi. Ouais, en plus, c'est au ventre, tu vois. C'est pas comme si tu faisais un piercing. Non, t'aurais moins d'emmerde, hein, si tu faisais un piercing sur le téton. En général, tes frères et tes parents, ils verront pas, quoi. Enfin, en théorie, énormément, hein. Mais c'est vrai que t'aurais moins d'emmerde. Qu'est-ce que t'as déjà fait? Ah oui, bah, toi, il a déjà fait un piercing, lui, hein. Mais oui. Mais oui, un piercing. Et tu vas voir qu'il n'y a pas de honte, hein. Non. Ah non. Ah non, parce que Toff l'a fait au niveau du. Boum! Exactement, oui. Il est tuné. Exactement, ouais. Il est ce qu'on appelle un Prince Albert. Exactement. Voilà, c'est ça. Donc, si vous voyez pas ce que c'est, allez voir sur Google. Hein. Vous allez voir, ça peut vous faire un petit peu peur. Mais et le pire, c'est que maintenant, en fait, il reste coincé, Juliette. Enfin, attention au niveau des piercings. C'est-à-dire qu'en fait, le truc est rouillé. Ouais. Et il arrive pas. Il arrive pas. Il arrive pas à le dévisser. On peut le dévisser avec le marteau piqueur, toi, si tu veux. Ah, bah, si tu veux, ouais, voici. Avec le marteau piqueur pour voir. Attends, attends, vas-y, là, vas-y, attends, on va essayer. La mets sur la console. Vas-y, ouais, mets-la sur la console. Ouais, dégueulasse pour être lavé, là. Oh, genre. Ah, attends, j'essaye de démonter le truc là. Ça, ça va pas là. Hein. Non, c'est coincé. Hein. Ah non, ça veut pas démarrer là, ça veut pas sortir. Sale, trop sale le truc. Le... Dégueulasse. Ouais. Bon, Juliette, reste avec nous. On va parler avec toi dans un instant, avec vous toutes et vous tous également. Si vous avez aussi peut-être déjà fait des piercings, venez nous en parler. Comment ça se passe? Est-ce que vous l'avez bien mal vécu? Les parents étaient d'accord, pas d'accord? Bref, à vous de prendre le contrôle de Fun Radio jusqu'à 2h du mat. 01 42 48 5000 ou alors tout simplement le 02 851 4x0 depuis la Belgique. Tu restes avec nous, Juliette? Oui. Allez, reste avec nous, on va s'écouter comme tu le voulais, tiens, le son de Robin Thicke dans un instant sur Fun Radio. Et ce sera Blurry Lines. En attendant, il y a Patricia qui dit: moi, c'est ma mère qui d'hab fait le piercing au nombril. Et puis j'ai suivi, petite info, j'avais 14 ans. Et bonsoir Fun Radio, c'est Mélissa de l'île de la Réunion. Je vous écoute tous les soirs, bisous chez nous, il est 1h08 du mat. Ah bah très bien, ça fait plaisir d'être écouté à la Réunion. Ouais, bon, et apparemment, il y a un souci avec Twitter, ouais, marche plus. C'est cassé. Voilà, Twitter est en panne. C'est Polo, il a fait de la merde et mais tout, non, mais ça marche plus. On vient d'arriver, le Twitter est en panne, comme par hasard. C'est du sabotage. Bon, allez, on revient dans un instant sur Fun Radio. Bougez pas de là, c'est Mickaël de Limite. Prenez le contrôle, on est là jusqu'à 2h du mat. Prenez le contrôle. Envoyez un SMS à Mickaël au 64 900. Mickaël. Limite, tous les soirs, 23h, 2h, sur Fun Radio. Et on est en direct sur Fun Radio, évidemment, on écoutera Stromae aussi tout à l'heure, hein. Stromae qui était ce matin chez Bruno dans la radio. Si d'ailleurs vous voulez voir les photos, évidemment, vous pouvez vous rencarder sur le Facebook de Bruno dans la radio. Vous tapez Bruno dans la radio sur Facebook, tout simplement. On aura l'occasion dans un instant de reparler avec la colle, évidemment. On fera le jeu du je t'emmerde aussi, hein, tout à l'heure, hein. Vous savez, c'est... mercredi aujourd'hui, j'ai oublié, j'ai oublié le jour, dis donc. Voilà, mercredi aujourd'hui, on fera le je t'emmerde tout à l'heure avec des cadeaux à la clé, évidemment, notamment des stages de pilotage, hein, en voiture, du parapente, des stages de cuisine également, si vous voulez choper ça. Eh bien, on fera le je t'emmerde dans quelques instants. Vous pouvez d'ailleurs vous inscrire en appelant Kelly maintenant 01 42 48 5000. On parlera des pirontes également, là, avec la vidéo que j'ai mise sur le Facebook. Et puis, on va récupérer dans un instant Juliette avec son piercing. Voilà, tout un programme qu'on va se faire dans un instant sur Fun Radio. Le temps d'écouter. Alors, pas mal de sons tout à l'heure. Il y a Sean Paul qui arrive dans un instant. Et puis, celui qui arrive à bien s'entourer, puisque vous pouvez voir, hein, on a mis ça dimanche soir, la photo de Robin Thicke, qui est donc avec une fan, je suppose, dans une soirée. Il lui met une main au cul, voire même dedans, et donc vous pouvez la voir. Elle est encore disponible, facebook.com/Mickaël officiel. Bonne soirée, c'est Mickaël No Limit jusqu'à 2h. Allez, bienvenue sur Fun Radio, c'est Robin Thicke à l'instant qu'on écoutait avec Blurry Lines. Et puis restez bien là aussi, puisque dans un instant, je vous cale le nouveau Cruella. Criouella avec Live for Tonight sur Fun Radio, c'est ce qui va arriver tout à l'heure avant minuit sur Fun. Et puis je vous calerai aussi Sean Paul. Hein. Alors normalement il y a aussi le top tweetos là qu'on a fait hier soir, hein. C'était d'ailleurs Let's Be Freaks qui avait gagné, donc c'était celui ou celle qui réagissait le plus sur Twitter. Bon, malheureusement Twitter est en panne, on donc et on vous tient au courant, hein. J'espère que ça va être réparé d'ici pas longtemps là, Twitter est down. T'as pas des outils là? Bah si, je peux essayer, essayer de réparer un peu. Attends, je vais mettre un coup de lance-flamme pour voir là. Ça marche pas? Non. Oh là là, merde, attends une seconde, je vais... J'essaie de réparer directement, hein. Non. Marche toujours pas? Ah, il y a eu une peu, ah, putain. Un petit signe, là, de vie, mais... Ouais, écoute, non, là, je peux rien faire, malheureusement. Là, j'ai tout essayé, là. J'ai tout essayé. Je marche pas. Bon, bah, t'as essayé de mettre un point dans la gueule à Toff? Ah, et écoute, ça, je peux essayer aussi. Attends une seconde. Ça marche mieux ou pas, là, Twitter? Toff? Ça fonctionne ou pas? Moi, ça a l'air d'aller mieux, mais... Attends. J'essaie encore un coup, non? Attends, ouais. Je vais essayer de scier Twitter. Ah, alors ça marche pas. Non, merde. Essaye peut-être avec des graines pour faire venir l'oiseau. Ah, Twitter, oiseau. Oh là là. Je l'avais pas capté directement, celle-là. Elle est arrivée de loin. Hein. Attends, elle est arrivée de loin. Elle est arrivée de loin. Ah ouais, ouais, de très loin. Bon, on va jouer aussi dans quelques instants. Là, ce sera d'ici 10 bonnes minutes. On va jouer au jeu du je t'emmerde. Hein. Si vous voulez repartir avec vos cadeaux ce soir, le principe est simple. Il suffit d'appeler des gens, des particuliers, au hasard. Et donc, vous êtes deux auditeurs. Vous allez vous affronter. Et le principe, évidemment, est d'arriver à placer le plus de je t'emmerde dans une conversation la plus logique et naturelle possible. Si vous voulez jouer avec nous, un seul numéro à composer, enfin deux dans l'absolu, comme je l'ai dit, 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0 depuis la Belgique. Il y a des stages de pilotage notamment à gagner, ou encore il y a également des stages de cuisine, ou même la possibilité de faire du parapente, ce qui est quand même plutôt pas mal. Bon, j'en remets encore un petit coup là sur le... Ah, apparemment, il y a eu... ça a refonctionné, puis ça s'est arrêté, ouais. Donc je vais réessayer. Attends une seconde, je vais la re-scier le bordel là pour voir... Ouais, ah mais droit, alors, comme ça. Vas-y, ça arrive. Ça marche. Alors, attends. Alors, lance-flamme. Ouais, un coup alors, de pelle dans attends, la tête à je fais un refresh là pour voir quand même en direct live. Ça marche. Et... Oh, bon ça. Et qui est le meilleur technicien là, c'est Juliette technicien. Eh Juliette, c'est qui le meilleur c'est technicien Mickaël. Eh, t'as vu un c'est peu Mickaël. Ah, merci Juliette. Eh, je suis un grand technicien, j'ai réparé Twitter. T'es le plus fort. Vous êtes des ouf. Ouais, je sais, merci Juliette. Non mais Twitter marchait plus, ça marche. Ouais. Ça refonctionne. Non, là, t'es balèze. Ah, bah ouais, non, attends, je vais saluer tout le monde, du coup j'ai pas eu le temps là. Salut Abby, salut Chris, he's back. Il y a Dorian aussi, Let's Be Freaks qui était là apparemment, qui disait que depuis un iPhone ça fonctionnait, mais pas depuis l'ordinateur. Lucas également, il y a Laurine, Hello Kitty qui vient de débarquer, Denis, Steven, etc. etc. Eh bah soyez les bienvenus sur Twitter. Et donc du coup, comme je le disais, eh bien il y aura le top tweetos tout à l'heure. Hein, donc réagissez un maximum avec le hashtag et Mickaël, même si vous parlez avec des potes. Sans forcément écouter la radio, c'est pas grave. Vous mettez le hashtag Mickaël et tout à l'heure à 2h du mat, eh bien on fera le top tweetos, on verra les 5 plus influents sur le Twitter de l'émission. À vous de jouer, à vous de réagir, à vous de partager, de retweeter. Bref, vous connaissez le principe. On verra tout à l'heure autour de 2h du mat. T'as Twitter toi Juliette? Non, en fait tout ce qui est sur le net, j'ai tout quitté en fait. Ah bon, pourquoi? Parce que ça t'aidait pas à faire des piercings? Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est en fait parce que je suis non-voyante, tout s'est supprimé. D'accord. Ah oui, ok, d'accord, oui, bah forcément. Note, j'ai un pote non-voyant, il arrive à gérer sans problème. Hein. Internet et tout le bordel, il arrive à gérer nickel. Ah oui, mais j'ai pas encore appris, moi. Ah d'accord, ok, ouais, parce qu'après, il a un clavier spécial et tout en braille, j'allais dire en morse comme un con. En braille, donc il a un clavier en braille et tout. Non mais c'est une tuerie, franchement c'est impressionnant de voir ça. Hein. En tout cas bravo à tous ceux qui ont ce problème et qui arrivent à s'en sortir quand même. Bon Juliette, toi tu nous appelais pas pour ça à la base, tu nous appelais donc pour le piercing. Voilà, donc tu veux faire un piercing, tes parents veulent pas, mais est-ce que t'as déjà eu une discussion avec tes parents, Ouais, bah depuis depuis une semaine, je prends la tête à ma mère. Je bouffe le cerveau à ma mère, comment dire, et mes 5 grands frères. Bon, et donne-moi ton ventre, Juliette, moi je vais m'en occuper, ouais, attends, on va faire une petite... Petite incision, là. Ouais, une petite incision, attends, j'essaye encore, là. Ouh, la peau est dure, là. Top, va te laver les mains, là. Ouais, va te laver les mains, espèce de porc. Attends. Non. Je recommence encore un coup, là. Ah, ça a du mal à passer quand même. Hein. La peau est dure quand même alors, hein, Juliette. Hein. C'est peut-être ça le problème, Manotte. Hein. Non, je crois pas. Non, mais sérieusement, ils ont peur de quoi? Ils ont peur que tu chopes une maladie ou quoi? Parce que dans l'absolu, c'est pas grave, tu peux l'enlever après. Tu sais, c'est pas comme un tatouage. Non, quoi. Mais j'en ai... En fait, j'ai pas de chance depuis la naissance, alors du coup... Bon, ça va, c'est pas non plus... Non, mais c'est pas ne pas avoir de chance, c'est pas très grave dans l'absolu non plus. En fait, j'ai eu une maladie très rare en France, alors La cicatrice, elle fait déjà 9 cm, elle veut pas que je vois encore... Ah mais oui, mais voilà, non mais ça évidemment, t'as pas tout expliqué là, je peux comprendre tes parents, c'est normal qu'ils aient un petit peu peur hein, si t'as du mal à cicatriser tout ça. C'est vrai que le piercing à première vue comme ça, si tu fais pas ça, c'est un spécialiste 100% spécialiste, il peut y avoir des risques, c'est clair. Bah dites-nous vous hein, comment ça s'est passé là, si vous avez déjà fait des piercings 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0. On va en parler aussi, puis souvenez-vous qu'on devra avoir aussi notamment Amandine qui est avec nous, tiens, Virginie également pour cette affaire qu'on traîne depuis lundi là, t'es là Amandine? Oui, je suis là. Ça va bien? Ça va et vous? Bah ça va tranquille. Bon, l'affaire Amandine et Virginie, donc. Je vais récapituler en deux mots. Ouais. Donc Amandine et Virginie nous ont appelé lundi. Elles voulaient vous êtes toutes les deux en kiff sur un seul et même mec, c'est ça? Mm-hmm. Et donc vous aviez proposé de faire un plan à trois. C'est C'est ça. Voilà, donc on a essayé d'appeler avant-hier, on est tombé sur la mère du mec. On a essayé d'appeler hier, on est tombé sur personne. On est tombé sur le frère. Ouais, enfin d'abord sur personne, et puis après sur le frère. Et depuis hier, en fait, Virginie a pété un plomb, puisqu'elle veut plus qu'on appelle le gars, je ne sais pas pourquoi. Parce qu'elle est cinglée. C'est heureusement que c'est ta copine, Amandine. Hein. Donc on va. Bah non, c'est pas une copine, c'est une connaissance. Hein. Ouais, mais peu importe, enfin tu la connais quoi, c'est ça que je voulais dire. Bon, écoute, en tout cas, on va essayer de l'appeler d'ici quelques instants. Et Amandine, entre parenthèses, t'as déjà fait des piercings? J'ai un piercing à la langue et j'ai un tatouage sur la jambe gauche. Un tatouage carrément, ah ouais. C'est quoi comme tatouage? T'as quoi? C'est un grand tribal avec deux roses dessus. Et alors justement, parce que je voulais, ça tombe bien que tu parles des piercings, parce que apparemment, voilà, c'est une enquête qui a été faite. Il paraît que tous les gens qui ont des tatouages en ont au moins un dont ils ont honte. Non, moi du tout. Enfin, toi, si c'est un seul, évidemment, c'est pas pareil. Mais ceux qui en ont peut-être plusieurs, il y a toujours un de ces. Genre, ils ont été cons à un moment ou à l'autre, ils ont mis le prénom de leur copine. C'est ça. Ouais. À un moment, elle s'est barrée, tu vois. Après, on met jamais de prénom. Non. Toi, peut-être, et tu fais bien, mais là, ils y vont. Hein. Ils ont été preuve d'amour. I love, j'en sais rien, moi, Carole. Et puis après, la Carole, à un moment, elle te dit, va te faire foutre. Tu te retrouves comme un con, tu viens avec ton tatouage où il y a marqué Carole. Après, tu peux gérer, mettant Caroline. Mais bon, ça limite les choses, quoi. Tu cherches juste. Caroline, ouais, non, mais c'est vrai que c'est horrible. T'imagines? Donc, dites-nous, tiens, vous aussi, si vous avez eu honte, déjà de vos parents ou alors d'un tatouage que vous avez eu l'occasion de faire. Et toi, des parents, t'as déjà eu une honte, Amandine? Genre à l'époque, quand ils te déposaient à l'école ou un truc comme ça, genre de ta mère ou de ton père? Bah, ma mère, oui. Hein. Qu'est-ce qu'elle a fait? Ma mère, à chaque fois, nous amenait à l'école, elle avait toujours un verre dans le nez, donc elle nous tapait la honte. Ah ouais. Ouais, forcément, voilà, pour le coup, c'est normal. Moi, le problème de la mienne, en fait, c'est qu'elle a toujours été trop tu sais, elle me sauvait trop souvent, quoi. Tu vois, elle arrivait à chaque fois qu'elle arrivait, c'était ah mon chéri, blababa, tu sais, en train de gueuler. Voilà. Ouais, me prendre les joues et tout, puis c'est vrai que ça arrive encore aujourd'hui, hein. C'est ça. Non, mais c'est vrai. Mais qu'est-ce qu'il y a? Mais toi aussi, hein. Moi c'est pire. Mais vas-y Tof. Moi c'est pire. Mais moi je n'ai jamais fait de problème à mon fils. Oh bah non, oh là là. Jamais, j'ai toujours été très très bien. Vous voulez quoi, une soft ou une hardcore? Mais comment ça d'une hardcore? Qu'est-ce que tu racontes? Bah une un peu crado ou une un peu soft? Bon crado. Bah vas-y, c'est quoi tes histoires là? Peu importe, de toute façon on connaîtra les deux. Bah donc Amandine, tu veux la soft ou la crado? L'histoire de Tof avec la honte de sa mère. J'ai pas compris. La soft ou la crado, l'histoire de la honte avec la mère de Tof? Je sais pas. Merci de ton aide. Bah écoute, faisons-le. Merci. Attends, c'est quoi faire pile ou face? Attends, bouge pas. Alors, tu prends quoi, Tof? Pile? Bah, pile la crado et face. Pile la crado. Alors, attends, je lance la pièce. C'est face. C'est face. Donc, c'est la soft. On fera la crado tout à l'heure. Alors, vas-y, fais péter l'histoire. Donc, en fait, on est dans un supermarché et donc ma mère vient pour se faire rembourser un pot d'un truc qu'elle a acheté. Elle s'est pas rendu compte que c'était périmé dans le rayon. Ouais. Et donc, normalement, quand tu vas dans un supermarché, ils te remboursent en bon d'achat. En bon d'achat, ouais, c'est ça, ouais. Et ben, ma mère, non. Ma mère, elle genre, elle a ses propres règles. Non, ma mère. Mais oui, mais c'est normal, quelle bande d'escrocs. Donc, déjà, elle vient se faire rembourser un pot à 2 euros, tu vois. C'est les mecs, ils se bougent même pas, c'est pour 2 balles en général. Donc, elle vient se faire rembourser un pot à 2 euros pendant une demi-heure. Elle a pris la tête à la meuf, elle a fait venir la supérieure. Elle a fait venir la supérieure de la supérieure pour récupérer ses 2 euros, pour aller acheter un truc dans le magasin après, repasser à la caisse et payer avec ses 2 euros. Elle est relou. Elle est relou. Il est content, Tof, il est content. Donc elle aurait pris le bon d'achat. Oui, bien sûr. Non, il lui fallait ses 2 euros dans une pièce. Bon bah dites-nous si vous avez déjà eu vos parents qui vous ont tapé la honte à un moment ou à l'autre là. Venez nous en parler, 01 42 48 5000. Juliette, tu restes avec nous pour le piercing. Amandine, tu restes là également puisque dans un instant, eh bien on va essayer d'appeler Virginie et puis le mec hein, pour essayer de voir un peu où s'en est cette histoire de plan à 3, d'accord? Mm-hmm. Parfait. Et puis on va se faire la petite colle là maintenant, tiens, avec Donovan qui est de nouveau là. Donovan. Oui. Alors, répète la colle s'il te plaît. Je rappelle qu'il y a une PlayStation 3 à gagner, qu'on donnera la réponse tout à l'heure avant minuit 30 et que pour donner vos réponses, il faut simplement aller sur le Facebook de l'émission, facebook.com/mikaelofficiel. Là, il y a une photo avec la PlayStation 3. Et ben, il suffit simplement de laisser votre réponse en commentaire. Vas-y Donovan, on t'écoute. On y entre par un trou, ouais. Et on en sort par deux. Très bien, on y entre par un trou et on en sort par deux. Il y a un message qui est arrivé qui dit « Tourner dans mon cul ». Non. Non, c'est pas ça. D'accord, ok, bon bah dommage. Il y a Jimmy aussi qui dit c'est l'air. L'air passe par la bouche, puis ça ressort par le nez. Ah, pas con, ouais. Non. Non, mais c'est pas ça non plus, Jimmy. C'était bien essayé, notre. Il y avait Goulouen aussi qui dit « Salut à tous, je crois connaître la réponse à la colle, c'est de la nourriture ». Non. Non, d'accord. Jonathan qui dit la colle, c'est ton nez qui rentre dans tes fesses. Non. Non, et alors Cyril qui dit la fumée de cigarette pour la colle. Non. Non, bon, bah d'accord, ok, très bien. Bon, bah si vous avez la bonne réponse, à vous de jouer. Je rappelle qu'il y a la PlayStation 3 qui est à gagner. Et puis, bah la question, donc, hein, on y entre par un trou et on en sort par deux. Qui suis-je? Vous avez la bonne réponse, à vous de jouer. Maintenant, vous allez tout simplement déposer votre réponse en commentaire sur le Facebook de l'émission, facebook.com/MIKAELOfficiel, tout simplement. Et si vous êtes tiré au sort, la PlayStation 3 sera pour vous, si toutefois vous avez la bonne réponse. Donovan, bonne chance, on te reprend d'ici un petit quart d'heure. Ouais. Allez, okay. Bouge pas de là, en attendant bonne chance à tout le monde. Et puis on va s'écouter le son de Sean Paul maintenant sur Fun Radio, Other Side of Love. Bonne soirée avec Fun, c'est Mickaël No Limit. On est là jusqu'à 2h. Baby, you don't have to keep looking, 'cause you'd already know. C'est Fun Radio avec Sean Paul à l'instant là, Other Side of Love. Il y aura Cruella aussi avec Live for Tonight, le nouveau. On le mettra d'ici un petit quart d'heure, hein, donc restez bien sur Fun Radio. Et puis ah oui, oh là là, j'avais oublié là. Hey, j'avais oublié d'en parler. Eh ben j'ai encore fait un match contre un auditeur ce matin. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je sais. Eh ben j'ai gagné. Bravo. 4-1. 4-1. Donc bravo à TheStef34 sur FIFA, alors sur iPhone, hein, FIFA. Si vous voulez venir me rejoindre, vous tapez Mickaël No Limit sans le hashtag sur l'iPhone FIFA tout simplement. Et ben on joue ensemble, il n'y a pas de problème. Donc ce matin j'ai joué contre TheStef34. J'en remettrai un match ce soir. Alors après l'émission, si vous êtes là, genre vers 3h du mat, on peut éventuellement refaire une partie. Et puis sinon demain après-midi, pas de problème, avec plaisir. 4-1. Donc pour l'instant j'en suis à 4 matchs contre les auditeurs. Pour 4 réussites quand même, attention, 0 défaite, 4 victoires. Pas mal, pas mal. C'est quand même pas mal, c'est quand même pas mal. On sent le mec qui s'est entraîné avant. T'as vu un peu là. Donc voilà, donc venez me défier si vous voulez. Je ne demande que ça, trouver quelqu'un qui va me mettre ma race. Mais j'attends de voir. J'attends de voir. Bon, c'est en tout impossible. Cas, si je ferai un match avec Toff à l'occasion. Bien sûr. Bah, juste voir que tu m'expliques comment ça se joue et après on peut. Oh bah t'inquiète pas, il y a 3 boutons, c'est pas très compliqué hein, dans l'absolu. Et puis il faut mettre des buts, tu vois, c'est le concept. T'as 11 joueurs d'un côté, tu cours, et puis t'essayes de mettre un but. C'est de ça que vous parlez? Oui, c'est de ça qu'on parle. Okay. Voilà, donc FIFA 13, si vous voulez jouer, en attendant que le 14 sorte, eh ben vous tapez Mickaël No Limit sur l'iPhone. Si vous avez le jeu FIFA, là, ça coûte 2-3 euros si vous l'avez pas. Venez me rejoindre et bravo à TheStef34 qui a réussi à mettre un but contre 4 que je lui en ai planté. Donc, merci TheStef d'avoir joué avec moi ce matin. Merci à toi. Les autres, je vous attends. On jouera tout à l'heure après l'émission. Il y a Brandon qui a envoyé un message également, là, qui dit bravo champion. Merci Brandon. Lucie qui dit, Mickaël, fais-le en cachette le piercing. Ah, oui, ça c'est un conseil pour Juliette qu'on va récupérer là dans un petit instant. Mais avant cela, Amandine. Oui. Amandine, on va appeler ton plan à 3 là. Enfin, on va essayer en tout cas. Bon bah parfait, on y va. Allez hop, c'est parti. On avait essayé de l'appeler hier, mais c'était trop tard. On est tombé sur son frère qui a gueulé. Avant-hier, on était tombé sur sa mère qui a gueulé. Donc on va essayer d'appeler plus tôt. Hein. T'as vu, il est 11h30 seulement. Et là, on va tomber sur le mec qui va gueuler. Oui, mais ça c'est un détail. On n'arrive pas à joindre Virginie, je suis très déçu. Donc c'est Amandine et Virginie, deux copines qui sont en kiff sur le même mec qu'on est en train d'appeler là. Et en fait elles voulaient proposer un plan à 3. Non, il est sérieux là, le Ludo là. Hier aussi on a appelé vers 11h30, il a pas. Ouais, mais après il y a Virginie aussi. Ah, il est avec Virginie? Non, mais Virginie elle a harcelé de messages, d'appels aussi. D'accord, elle a l'air relou hein. T'as raison, effectivement, ouais. Bon, mais c'est pas grave. En gros, elle a peur que. Parce qu'en fait, je suis plus jolie qu'elle, je suis plus bonne qu'elle. Tu te la pètes un peu là, non? Ouais, tu te la ramènes un peu, Amandine. Non, je me la pète pas. Mais Virginie, en fait, comparée à moi, elle est plus grosse que moi. Donc en fait, elle a peur que je suis plus son homme. Ouais, mais ça veut rien dire. Il y a des mecs qui préfèrent les meufs en chair. Hein. Bah, Toff. Bah, par exemple. Il aime bien la chair. Non, mais c'est vrai. Ah, non. Bon, écoute, Amandine. C'est pas grave, on va réessayer d'appeler tout à l'heure. Moi j'ai dit lundi qu'on lâcherait pas l'affaire. Je veux parler à Ludo et je parlerai aussi, à Ludo. Je veux parler à Ludo. Voilà, donc on essaiera encore d'appeler tout à l'heure, hein, d'ici une heure. Tant pis si on tombe de nouveau sur la mer, hein, je serais désolé, mais bon, il y a un moment, c'est Ludo qui se fout de notre gueule, quoi. Voilà. Ou Virginie, enfin peu importe. Bon, Amandine, on te récupère tout à l'heure, d'accord? D'accord, à tout à l'heure. Bon, ben merci à toi, à bientôt, à tout à l'heure, Amandine. À tout à l'heure. Ciao, on va récupérer Juliette dans un instant pour parler des piercings. Et puis on va jouer maintenant au jeu du Je t'emmerde, évidemment. Eh oui, le générique. Je t'emmerde, yo. Je t'emmerde. Et je t'emmerde. Eh oui, je t'emmerde. Il y a Nicolas et Colline qui sont là tous les deux. Bonsoir Nico, bonsoir Colline. Colline, t'as déjà gravi une montagne? Colline, montagne, bien sûr, évidemment. Hop là. Elle était pas mal, elle était placée comme ça vite fait. Bon, alors Nicolas, Colline. Colline, tu appelles d'où, dis-moi? De Bourgoin, très bien, c'est dans l'Isère. Bienvenue à toi, Colline. Et puis Nicolas, tu appelles d'où, toi? Et moi, de Salon-de-Provence. Salon-de-Provence, dans les Bouches-du-Rhône. Très bien. On va jouer au Je t'emmerde, vous connaissez le principe? Ouais, vite fait. Paf, bah écoute, je vais quand même te le rappeler pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème. Alors, vous allez vous affronter, on va donc appeler des gens au hasard. On peut tomber sur des vieux, sur des jeunes, sur des mariés, des pas mariés. Bref, on ne sait pas sur qui on tombe. Garçon, fille, peu importe. Le principe, c'est d'avoir une conversation où tu places un maximum de « je t'emmerde » dans la phrase. Mais attention, la phrase doit bien entendu être logique et naturelle. Faut pas arriver juste en dire « je t'emmerde, je t'emmerde, je t'emmerde, je t'emmerde ». Ça ne sert à rien, d'accord? Donc, conversation normale et tu mets les « je t'emmerde » où tu veux, au milieu de la phrase, à la fin de la phrase, à la fin d'un mot, au début du mot, peu importe, d'accord? Vous avez compris? Pas de problème. Parfait. Ouais. Alors attention, c'est parti, on va y aller. Colline, Nicolas, on commence par qui? Bah Nicolas, on a refait. Bah évidemment. Comment je te raconte? Ah, elle est pas mal, Colline, je t'aime bien, Colline. Bon, ben, bah, Nico, oui. Bah, on va y aller, toi l'honneur alors. Hein. Tu as droit à deux appels maximum. Et puis bah on y va, premier appel c'est maintenant. Colline, tu passeras juste après du coup. Donc un maximum de je t'emmerde. Nicolas, je te souhaite bonne chance. Conversation logique, attention. Okay. Allez, c'est parti. Et si vous avez... Parce que parfois le soir on galère, hein, donc si vous avez des numéros qui fonctionnent, de gens que vous êtes certains qui sont encore debout à cette heure-ci, n'hésitez pas évidemment à nous balancer tout ça maintenant au 01 42 48 5000. Vous appelez Kelly au standard puisque Sandro est toujours malade. Bon, ça a l'air mort celui-là, c'est pas grave. Attends, on va en appeler un autre. On en appelle un autre, Nico, là. Ok, ok. Vas-y, vas-y. Allez, on y croit. Putain, on n'a pas de bol le soir, c'est un truc de ouf. Allô? Salut, ça va? Allô? Oui, mamie? Ah, je sais pas si vous êtes à la bonne mamie. Ah, si, si, si, si. Oui, c'est pour te demander, tu m'aimes? Pour l'instant, zéro. Hein, hein? Il est mauvais. Ah oui, complètement. Bah, pourquoi? Je t'emmerde. Est-ce que tu m'aimes? Hein? Oui. Mais, voilà. Mais pourquoi tu me l'as pas dit avant? Ah, il est pas bon, hein. Mais, ah, mais je merde, tu m'écoutes un peu ou quoi? Toujours qu'un seul, hein? Expliquer un peu, là. Mais, ma foi... Je te demande si tu m'aimes, mamie. Tu me dis oui ou non. Alors merde, moi je t'emmerde, ok? Alors... Ouais. Ah, il est vraiment pas bon. Ah bah la raccrochée, bravo. Eh, hey, deux, Nicolas, t'es sérieux là? Eh, 45 secondes pour remplacer que deux, t'es pas sérieux là quand même. Nicolas. Ouais. Ah putain, t'as pas été bon là. Hein, Colline, il a pas été très bon, hein. Ouais, bah, mange des gâteaux à sa mamie, ça se fait pas. Hein. Bon, attends, on va en appeler un deuxième puisque tu as droit à deux. Pareil pour toi, Colline. On y va, on en appelle un autre, Nicolas. Allez, vas-y. Eh, faut faire plus que deux, là. T'es pas sérieux, là. Deux, sans déconner. C'est ouf. Allez, on y va. Et j'attends toujours vos numéros de téléphone, hein, si vous connaissez les gens, là. Genre, oncle, tante, parents, même éventuellement. Des gens qui sont encore debout à cette heure-ci qu'on peut appeler. Vous envoyez les numéros maintenant à Kelly au 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0 depuis la Belgique. Allez-y, n'hésitez pas. Allez hop, attends, on prend quelqu'un d'autre encore une fois, Nicolas, là, vas-y. Allez. Allô? Ah, pourquoi il décroche pas? Il a décroché pourtant. Allô? Pourquoi il parle pas? Ah bah il a déjà raccroché. Bravo Nicolas. Non, elle a même pas, j'ai parlé. Ah bah je sais bien, mais à mon avis, je sais pas ce qu'elle a voulu, mais tu lui as fait peur. Comment t'expliquer, Nicolas? J'ai vu le truc, ça a décroché, ça a raccroché après ton premier allô. Ce qui est quand même pas mal. Nicolas? C'est sympa, ouais. Deux seulement. Pas mal. Nicolas. Ah ouais, seulement deux, c'est pas mauvais, c'est très mauvais, Nicolas. Je pense que tu tiens un record du plus mauvais. Ah, hier, t'as dit pareil. Hein. Ce qui est hier, pas mal. Dit pareil à l'autre personne. Hein. Ah, putain. Bon, bah, Colline. Ouais. Bon, on va appeler dans un instant, là, tu restes avec nous? Ouais, bon, oui. On fait ça juste après la pub. Bouge pas Colline, bouge pas Nicolas, on sait jamais. Attention, Nicolas peut encore gagner. On ne sait jamais. Bon, en tout cas, si vous pensez que c'est l'un ou l'autre qui va gagner, bah restez là. On aura la réponse d'ici quelques instants sur Fun Radio. Et puis on va aussi, eh bien, s'écouter dans un instant du son, bien entendu. On aura la suite, donc dès je t'emmerde, ça c'est ce qui va débarquer d'ici quelques instants. Et puis on va parler des teubés de la télé, hein, vous le savez, tous les soirs à partir de minuit, ce sont les meilleurs mongols, les meilleurs cons, les meilleurs teubés qu'on a trouvé à la télé. On fera ça d'ici quelques instants sur Fun Radio. Je vous l'ai promis, le son de Criwella. Je vous l'ai promis avant minuit, bah il va débarquer là. Criwella avec Live for Tonight. Et si vous voulez choisir un son, n'hésitez pas, on est là jusqu'à 2h, donc on a le temps. Vous mettez le hashtag Mickaël sur Twitter, puisque le Twitter en fonctionne. Hashtag Mickaël, tout simplement, et vous laissez votre message. Ne bougez pas, on revient dans un instant sur Fun. Prenez le contrôle, appelez le 01 42 48 5000 sur Fun Radio. No limit, Mickaël. Sur Fun Radio. Et en direct sur Fun Radio, effectivement, c'est jusqu'à 2h du mat. Hein. Soyez les bienvenus si vous venez de débarquer. Mickaël, No Limit. Donc c'est comme ça que ça se passe tous les soirs de la semaine, du lundi au jeudi. Ça se passe donc de 23h à 2h du mat. Et puis le dimanche soir de 20h à minuit sur Fun Radio. Prévenez d'ailleurs vos potes. Hein. Si vous êtes de retour aussi hein, dans les bahuts, n'hésitez pas à en faire la promo. Je compte sur vous. Il y a Loïs qui dit très mauvais le gars là pour le je t'emmerde. Bah, ça c'est sûr. Il y a Brandon qui dit Colin fera-t-elle mieux? Bah on verra. Théo aussi qui dit on doit appeler le gars qui se prend pour Dieu. Ouais, t'inquiète, là, c'est prévu, on fera ça tout à l'heure. Pour ceux qui n'étaient pas là hier, je vous rafraîchirai la mémoire d'ici quelques instants sur Fun Radio avec les teubés de la télé. Ce sera d'ici quelques instants, évidemment. Et puis la suite, évidemment, aussi avec Colin, avec Nicolas, là, pour le jeu du je t'emmerde. On reparlera des piercings dans un instant. Ce sera avec Juliette, également avec Ludmilien. J'avais jamais entendu parler de ce prénom-là. Oh, mais voilà, Ludmilien sera avec nous dans un instant. Et si vous voulez, vous aussi, parler des piercings, vous en avez déjà fait ou pas, ben, venez nous en parler. 01 42 48 5000. On s'écoute au nouveau Créouella maintenant. Maintenant sur Fun Radio, la bonne nuit avec Fun. Allez, bonne soirée si vous venez de débarquer sur Fun Radio, c'est Mickaël No Limit, on est là jusqu'à 2h du mat et puis il y a Steven qui dit un coup de lance-flamme dans la gueule du mec qui est passé comme un fou en voiture avec la musique à fond au bas de chez moi. Bah tiens. Allez, il l'a bien mérité. Ah bah il l'a complètement mérité là. Voilà dans sa gueule, exactement. Et puis il y a un message de Lucie aussi qui dit Mickaël, Polo pourrait-il me jouer un peu de pipeau? Bah oui, si tu veux, ouais. Allez, on y va. Allez, 3, 4. Oh, quel talent, quel talent, quel talent. Je vous aime. Et il y a Mickaël aussi qui dit petite dédicace aux agents de sécurité qui bossent la nuit, en particulier Alex et à moi. Bah voilà Mickaël. Et puis Let's Be Freaks, il dit Coca Zero plus Twitter. Et il y a le parfait pour écouter Mickaël No Limits. Et oui, effectivement, pourquoi pas, c'est vrai que c'est pas mal. Et Denis aussi qui dit sur le Twitter, là, je veux mon match contre toi pour t'offrir ta première défaite. Arrête de te la ramener, Denis, là. Sois humble, viens m'affronter. Si tu gagnes, tu pourras te la ramener. Mais arrête de te vanter en disant, ouais, je vais te mettre ta défaite, tu vas voir. On verra. On fera un match avec FIFA tout à l'heure avant. Allez, on fera ça vers 3h du mat. Si vous voulez me rejoindre sur l'iPhone, vous tapez Mickaël No Limit. Et puis si vous êtes déjà couché, bon, on fera un autre match demain, vous inquiétez pas. Il y a Mickaël Mika qui dit vous pouvez appeler Dorian Rossini aussi, s'il vous plaît, vous êtes super. Oui, oui, oui, c'est prévu. Là, on va le faire d'ici quelques instants, rassurez-vous. Et puis Loïc qui dit vas-y Mickaël, je suis chaud pour un match de FIFA. Bah je vous l'ai dit, après l'émission, ou alors demain matin, enfin demain après-midi, enfin un autre matin quoi, c'est-à-dire vers midi 1h. Ouais, ouais le matin de 14h. Ouais, quoi. C'est ça, c'est le matin de 14h, effectivement. Bon, suite des je t'emmerde maintenant là avec Colin et Nicolas. Alors, Nicolas qui donc avait fait une prestation très, très, très, très, très. Voilà, je pense qu'effectivement, tout est résumé comme ça. Colin, tu as bien fait, je pense, de faire le beau. C'est pas mal. Et donc, on va essayer de faire mieux. Enfin, tu vas essayer de faire mieux, Colin. Bah ouais. Bah ouais. Bon, le mieux, c'est de placer au. Bah, 3 je t'emmerde et tu auras gagné. Pas plus compliqué que ça. On y va, t'es prête? Okay. Allez, on appelle au hasard, je rappelle le principe pour ceux qui viennent de débarquer. Le principe donc, balancer un maximum de je t'emmerde dans une seule et même conversation. Conversation logique, bien entendu. On y va, t'es prête, Colline? Let's go. Allez, let's go. C'est parti, on y va, on appelle. C'est des numéros qui ont été envoyés par les auditeurs. Alors, si ça décroche pas maintenant, ah chier, je me déplacerai spécialement. Allez. Donc, normalement, comme c'est vous qui avez envoyé les numéros, c'est des gens, vous êtes sûr qu'ils... Hello? Encore debout. Allô? Oui? Oui, bonjour. Pourquoi vous insultez mes enfants? Comment? Vous faites erreur, là. Vous faites erreur. Je vous emmerde. Je t'emmerde. Tu commences à me gaver, ok? Que deux, Colline, elle a raccroché. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Colline. Nicolas, c'est pas perdu. Elle a mieux joué que toi, mais elle a fait que deux quand même. Bon, elle a droit à son deuxième appel. Hein, c'est parti, on y va, on rappelle. Quelqu'un d'autre, évidemment. Colline, à toi de jouer. C'est parti. T'avais bien démarré, l'autre. Hein, c'est pas mal. Allez, hop, on y va. Attends, je vais mettre un coup sur la gueule à Toff. Voilà. Allô? Allô? Oui. Oui, bonjour. Bonjour. Voilà, pourquoi insultez-vous mes enfants? Pardon? Ouais, mais je t'emmerde. Je commence à en avoir marre que t'insultes mes enfants, ok? Donc t'arrêtes d'emmerder mes enfants. Moi, je vais arrêter de t'emmerder, mais t'arrêtes de les emmerder, c'est clair? Vous êtes sûr que vous adressez à la bonne personne, là? Non, mais je t'emmerde. Déjà, tu me parles autrement, ok? Elle parle. Allô? Il faut en 3 minimum, hein, Colline. Donc elle ne m'entend pas, mais enfin bon. Alors là, tu m'emmerdes, mais un point. Non, ça compte pas, ça. Tu sais même plus parler. Eh bah, ben, ça va finir sur une vieille égalité. Oh lolo, besoin d'handicapé ou quoi? Eh ben, elle a raccroché. Eh, tu en as mis 2, là, Colline. Qu'est-ce que t'as fait? J'en ai dit plein de je t'emmerde. Non, t'as dit vous m'emmerdez. Je suis désolé, c'est pas pareil. Il faut mettre je t'emmerde, ce qui n'est pas la même chose. Oh là là, 2 et 2. T'en as fait 2, Colline. T'en as fait 2. Colline, arrête de négocier. Je te dis que t'en as fait 2, on les a comptés. Bon, c'est pas grave, on va départager. Hein. Le premier qui arrive à en placer plus que 2 aura gagné, d'accord? Ok, je commence. Comme par hasard, Nicolas. Tiens, maintenant c'est lui qui veut prendre la main là. Allez, on y va, c'est parti. Vas-y, Nico. Premier qui place, plus que 2 aura gagné. Toujours la même règle, conversation logique, etc., etc. D'accord? Allez, c'est parti. Et merci pour vos numéros. Hein. Vous en avez envoyé plein aussi par Facebook, notamment et Twitter. Allez, c'est parti. Allô. Oui, bonjour. C'est Paul Marie. Est-ce que vous foutez de ma gueule? Pourquoi tu me dis ça? Non, mais je t'emmerde, ok? T'es sérieux? Ben ouais, je t'emmerde, et alors qu'est-ce que ça fait? J'ai le droit de t'emmerder, non? Eh, t'es qui? Ben, moi, je suis un mec qui t'emmerde, mais beaucoup, tu vois. Ah ouais? Parce que, tu sais très bien pourquoi, hein? Toujours que 2, hein? Vas-y, dis-moi. Ouais. Non, un mec qui t'emmerde, ça marche pas. Ouais, quand tu fais, 3, tu ça y est. Mais ne prends pas ton cas pour une généralité, hein? Oh, super drôle, sans jaille. Connard, va! Ouais, tu viens d'où? Hein? Je viens de Marseille. Tu veux pas me dire? Ah bah, si, je viens de Marseille. Ah ouais, Marseille, toi t'es un ouf, toi. Et Marseille, et tout Marseille, ils t'emmerdent. Toi t'es un ouf, toi, mec. Connard! Ah ouais, t'as bien peu? Ouais, salut. Il est parti. Ah oui, il est parti. Ah bah voilà, bah écoute, ça y est, c'est fait, hein, ça a été départagé, t'as été le premier, t'as eu l'avantage. Bravo à toi, pour le coup, hein. Bon, même si, franchement, il faut quand même dire les choses, on a déjà été habitué à du. À du plus lourd, hein, là. À du plus lourd, hein. Mauvais. Ah, vous avez fait dans la limite, mais vers le bas, quoi. C'est mieux que 2. C'est mieux que 2 quand même. Bah c'est mieux que 2, mais enfin bon, tu t'es pas emballé non plus, quoi. Il y avait moyen d'en placer, mais un festival, là. Là, il en a fait 4. Il en a fait 4. De quoi, Nicolas? On pouvait en passer, genre, mais je t'emmerde et je t'emmerde. Bah, il fallait une conversation logique, mais tu pouvais en mettre un à la fin de chaque mot, quoi. À la fin de chaque phrase, si tu voulais. Ouais. Bon, bah, c'est pas grave. Écoute, Colline, hein, c'est pas grave, tu retentes ta chance quand tu veux. Hein. Pourquoi il a eu 2 fois, lui? Bah, pas toi aussi, il a eu 2 fois, Colline. J'ai dit après, on l'a départagé, j'ai dit le premier qui arrive à en placer plus que 2 à gagner. Bon, en l'occurrence, c'est lui qui avait pris la main la première fois, donc c'est lui qui a gagné. Colline, c'est pas grave, on va quand même te filer un pack fun. Et puis, Nico, toi, tu repars avec l'autre cadeau, tu vas gérer ça avec Kelly au standard. Hein. Il y a aussi, je vais y arriver, moi, il y a les trucs de circuit, machin, etc. Donc tu vas gérer ça, Nico. Au pire, ça fera un cadeau pour papa. Salut à vous deux! Merci, ciao. Allez, à bientôt. Ciao à vous. Allez, vas-y, Nico, vite. Une seule personne, hein. Une seule personne, hein. Ok, bon, mais dédicace aux deux Maxime. Allez, hop. Eh ben, très bien. Eh ben, voilà. Allez, hop, c'est plié. Salut, Nico, bonne soirée. Ciao. Allez, ciao à toi, à bientôt. Bon, ben, restez sur Fun Radio, puisque je vous cale aussi dans un instant Stromae. Allez, ça arrive dans le prochain quart d'heure sur Fun Radio, la leçon de Stromae, restez sur Fun Radio. Et puis on accueille Donovan avec nous, là. Donovan toujours là? Oui. Bon, très bien, Donovan, on va jouer ensemble maintenant évidemment avec la colle, je rappelle que c'est toujours pour repartir avec la PS3 qui est à gagner ce soir. La PS3 a gagné sur le Facebook de l'émission, facebook.com/mikaelofficiel. Et donc pour la gagner, bah, c'est simple, il suffit tout simplement de répondre correctement à la colle de Donovan. Donovan, vas-y, fais péter la colle. On y entre par un trou et on en sort par 2. On y entre par un trou et on en sort par 2. Très bien. Si vous avez la bonne réponse, à vous de jouer. Si personne ne trouve la bonne réponse ou si quelqu'un a trouvé la bonne réponse, qu'il est tiré au sort, qu'on l'appelle et qu'il ne décroche pas, Donovan, tu gagnes la PlayStation 3. Si jamais quelqu'un trouve la bonne réponse à l'antenne, tu ne gagneras pas. Et c'est cet auditeur qui repart avec la PS3, d'accord? Ouais. Bon, allez, à vous de jouer maintenant, facebook.com/mikaelofficiel. Il y a un message qui dit la bouffe, est-ce qu'on l'a déjà dit? Ouais, on l'a déjà dit, mais c'est pas la bonne réponse, hein. Hein, Donovan? Ouais. Bon, il y a Théo aussi qui dit pour la colle, je dirais les aliments et boissons qui entrent par la bouche et sortent par le pipi et les excréments. Non. Non, c'est pas ça non plus. Bon, bah très bien, à vous de jouer donc hein, pour les autres. Facebook.com/MickaelOfficiel, il y aura une photo là avec la PlayStation 3. Vous cliquez dessus, vous laissez votre réponse en commentaire. Et puis on vous tire au sort. On va vous demander votre numéro de téléphone en message privé. Donc guettez bien les messages privés évidemment. Et puis il faut nous répondre avec votre numéro de téléphone. Et si à 00h30 on vous appelle et que vous avez la bonne réponse à l'antenne, vous repartez avec la PlayStation 3. Donc on y entre par un trou et on en sort par deux. Qui suis-je? C'est bien ça, Donovan? Oui. Parfait, c'est noté. Eh ben écoute Donovan, on te récupère tout à l'heure, hein, dans moins d'un quart d'heure, pour un petit coup de colle encore, d'accord? Ok. Salut Donovan. Hey Donovan. Oui. Ça va? Prends un petit Red Bull, hein. Ouais, ouais. Ah ouais, non, d'accord, ok. Non, mais c'était pour être sûr, Donovan, parce que comme il avait l'air un petit peu endormi. Bon, il y a Brandon qui dit bouh, Colin. Oh, oui, là, ouais, non, pas été très bon, effectivement. Très, très, très, très. Ah très, là là, très c'était mauvais. Pas terrible, terrible, terrible, terrible. Bon, enfin bon. Bon, le jeu du Je t'emmerde revient évidemment dès la semaine prochaine, bien entendu. Avec de meilleurs auditeurs. Ah bah, j'espère, avec des candidats, effectivement, un petit peu plus au taquet. Bon, parlons des teubés de la télé maintenant, tiens, avec bah, les ch'tis, bah oui, bah oui, bah oui. Hein, Amandine? Ça te parle, toi, oui. Les ch'tis, là, hein? Oui, hein. Ah bah tiens, tu m'étonnes, hein, puisque tu viens du Nord. C'est sur W9, et donc Paris Hilton, tu suis un peu les ch'tis ou pas, toi, dis-moi, Amandine? Non, pas trop. Ah ouais, c'est dommage, tu devrais, hein, parce que c'est quand même très très drôle. Et donc c'est sur W9, Paris Hilton qui a fait son arrivée, et Hillary donc essaye d'utiliser des expressions anglais, mais évidemment, elle a un petit peu de mal à comprendre. Tu parles anglais, toi? Non, du tout. Do you speak English? Je sais pas, je comprends pas l'anglais. D'accord. Bah c'est un peu comme elle, écoute. Paris Hilton, you are the best, you are so beautiful, you are a smile, you are tout. Tu es vraiment magnifique, magique. Même quand tu parles et que tu dis love that, tu as trop la classe. Ok, d'accord. Donc là, elle a tout compris, hein, parce que you are beautiful, you are cool, you are smile, voilà, tu es sourire. Et après, elle te continue en français. Donc là, Paris Hilton, elle a dû se regarder en disant. Il est quand même plus con que moi alors. Ouais, je pense qu'effectivement c'est acté, c'est fait. Et alors et une autre hein, qu'on comprend pas très très bien évidemment, c'est Alexia dans Secret Story. Pourtant elle parle français. Enfin, j'aime bien moi Alexia. Ouais mais a priori elle parle français. De toute façon Vincent, les choses les plus vraies qui ressortiront à l'extérieur et il y aura que nous qui serons maîtres de tout le monde et les gens ils pourront nous dire ce qu'ils veulent. Bah, si nous deux il y a un truc qui se fait à l'extérieur, je dis pas que j'espère quoi que ce soit, mais tout ça on le saura que à l'extérieur par nous. Non, non mais c'est improbable quand même, sans déconner quoi. Qu'est-ce que on c'est que ces trucs? On à l'extérieur par nous. Mais oui. Hey, 2-3 bécherelles pour. 2-3, tu mets carrément toute une collection là. Oh, c'est énorme. Je suis assez d'accord avec toi effectivement, mignon. Hein. Oui, on a compris, c'est bon, c'est pas la peine d'insister sans savoir. Alors si tu veux, ouais, bien sûr. T'avais compris quelque chose toi, Amandine? Rien du tout. Attends, on va réessayer quand même pour être sûr. De toute façon, Vincent, les choses les plus vraies qui ressortiront à l'extérieur et il y aura que nous qui serons maîtres de tout le monde et les gens ils pourront nous dire ce qu'ils veulent. Ah ben si nous deux il y a un truc qui se fait à l'extérieur, je dis pas que j'espère quoi que ce soit, mais tout ça on le saura que à l'extérieur par nous seuls. Voilà, par nous seuls. Écoute, bon bah ok. J'ai envie de dire très bien, pas de problème Alexia. Bon Amandine, reste avec nous, on va te reprendre dans un instant. On va parler encore des piercings avec Juliette dans quelques instants, l'une millième qui voulait réagir. Et puis eh bien, on va aussi parler des parents là qui vous ont mis la honte avec encore une histoire de Toff qui va débarquer dans un instant. Et alors hier on a fait la connaissance du mec qui se prend pour Dieu. C'est Dorian Rossini. Alors écoutez son répondeur hein. Quand on l'a appelé hier en direct, ça a donné ça, on était surpris hein. Tu es sur le portable de Dieu. Moi, Dorian Rossini, je ne suis pas là pour le moment. Je suis sûrement en tournage ou au soleil en train de bronzer parce que voilà, il fait beau, il fait chaud, c'est merveilleux. J'espère que vous passez de super vacances. Je pense énormément à vous. Je vous aime. Et n'oubliez pas, si je réponds pas, c'est que je suis occupé. Tournage, piscine ou rendez-vous professionnel. Mais ne vous en faites pas, je pense à vous et je vous aime. Gros bisous, moi, la réincarnation de Dieu. Grâce à vous, je suis au top et je explose tout en audience. Gros bisous. Et j'explose tout en audience. Il faut savoir qu'il m'a envoyé un tweet tout à l'heure en disant ouais, hey, je passe à quelle heure et tout, machin. Donc j'ai dit écoute, on va taper tout à l'heure vers après minuit quoi. Ok, bah préviens tout le monde, on va cartonner l'audience. Ah bah oui, on va alors, la cartonner. Bon, bah, ouais. Moi j'attends, alors pas de problème. Donc il attend mon appel, donc on va pouvoir parler à Dieu. Et ça me touche énormément quand même hein, de pouvoir parler à Dieu, c'est assez exceptionnel. Eh, on pourra lui mettre un coup de pelle. Mais puis on va voir. On va d'abord l'appeler, on va voir comment ça va se passer. Très bien. Bon, Dorian, on va t'appeler si jamais tu nous écoutes déjà maintenant. Parce qu'il y en a plein qui envoient des messages. Hein. Jerry aussi qui dit le gars qui se prend pour le fils de Dieu, là, appelle-le. T'inquiète, c'est prévu, on va faire ça dans un instant. Et puis, il y a un petit message de Drasco qui dit « Mickaël, comment est-ce qu'on peut tuer le hamster de ses enfants, sérieux ?» Alors, moi j'ai une technique infaillible. Ouais, mais dis pas ça, on va avoir des problèmes. C'est dommage parce qu'elle marche très très bien. Allez, va. J'imagine. Bon, ben donc, on va revenir dans un instant. On va parler des pires hontes dans un instant que vous avez pu taper peut-être éventuellement à vos enfants, hein, si jamais vous nous écoutez. Ou alors si vous êtes justement les enfants et que ce sont vos parents qui vont se taper les pires hontes. On en parle dans un instant. Appelez-nous 01 42 48 5000, c'est le numéro du standard de fun. Et pour la Belgique, 02 851 4x0. On va se faire au cœur de plus de... Oh là là, tellement longtemps sans pub. En gros, cherchez pas, hein, jusqu'à la fin d'émission, il n'y aura pas de pub. Comme ça, on est à la cool. C'est Mickaël No Limite jusqu'à 2h. Et le son de Stromae qu'on écoute maintenant, c'est Papa Outé sur Fun Radio. Dites-moi d'où il vient, enfin je saurai où je veux. C'était le son de Stromae à l'instant sur Fun qui était, je rappelle, hein, l'invité ce matin de Bruno dans la radio, que vous retrouvez d'ailleurs demain à partir de 6h sur Fun Radio. Bruno dans la radio sur Facebook, vous pouvez le retrouver aussi. Hein. Prenez le contrôle, appelez le 01 42 48 5000 sur Fun Radio. Oh, et dans un instant, on va se mettre mon son préféré là pour l'instant. Là, ça va être le son de Showtek. Le son de Showtek avec Bouya. Voilà, on vous l'avait fait découvrir la semaine dernière, là, depuis on est fan, on le met tous les soirs. Voilà, on va faire ça tout à l'heure sur Fun Radio, restez bien là, dans le prochain quart d'heure, vous savez ce qui vous attend, et puis on aura aussi le son de Florida, ce sera avant une heure. Florida et Pitbull sur Fun Radio, Ken Golevitz. Et puis je vous rappelle également, hein, que vous pouvez venir pour être et devenir le top tweetos de ce soir, celui ou celle qui sera le plus réactif, en tout cas le plus influent sur le Twitter de l'émission, la twitter.com. Vous tapez Mickaël officiel d'ailleurs au passage, si vous me faites un follow, bien entendu, je vous followerai à mon tour. Pareil sur l'Instagram. Instagram, vous tapez simplement également Mickaël officiel, vous me faites un follow et moi aussi je vous ferai un follow avec plaisir. On en est où dans le top 5 là? C'est qui le cinquième pour l'instant là? Alors le cinquième, c'est le numéro 5. J'essaie de faire la voix. Lotarellana. D'accord. L-O-T-A-R-E-2-L-A-N-A. Donc c'est la cinquième la plus influente sur le Twitter de l'émission. Exactement. Très bien. Bon, et elle en est où, le prince Nadia là? Elle est bien aujourd'hui, elle est bien. Troisième. Oh là là! Hier elle était cinquième, elle a fini huitième, donc ouais, faut le savoir. Bon, bah attention, parce qu'il est que minuit 8, on verra comment ça se termine tout ça. Hein. Donc je vous rappelle le principe, hein, il n'y a pas de jeu en particulier, hein, sinon vouloir absolument être numéro 1 ce soir. Vous mettez le hashtag Mickaël dans vos conversations, dans toutes vos conversations, même si elles ne concernent pas l'émission, sur Twitter. Et donc forcément, bah du coup, vous serez influent dans l'émission. Et si vous êtes à la fin de l'émission numéro 1, c'est vous qui gagnerez et vous serez le top tweetos du soir. Ouais, enfin, ouais. Je veux pas mettre la pression, mais ça va être dur d'être premier. Ça, pourquoi il y a toujours les SBFreaks qui est devant là? Oh là là. Bon bah si vous voulez la battre, hein, reste un seul truc à faire, hein, c'est elle qui a déjà gagné hier soir. Donc si vous voulez la battre, un maximum de hashtag et Mickaël dans toutes vos conversations, que vous parliez à n'importe qui, n'hésitez pas, les retweets, les tweets, tout fonctionne. Donc je compte sur vous si vous voulez évidemment dépasser Let's Be Freaks, qui était donc la top tweetos hier soir. Florian aussi qui dit Mickaël, il aura besoin d'un sale coup de pelle sur la tête pour montrer quel con il est. Ah, j'imagine qu'il parlait de Dorian qu'on va voir dans un instant. Oui. Et Poupoulinette qui dit attends, c'est un honneur d'avoir dû en direct. Et il n'accorde pas d'interview comme ça. Et oui, c'est vrai, c'est bien pour ça qu'on est sur Fun Radio et c'est pour ça qu'il a été d'accord de venir sur Fun. Oui. Et c'est le principal. Il y a Félicia aussi qui dit j'ai soif mais j'ose pas quitter ma radio de peur de louper un truc. Oh bah ouais, en plus Félicia, c'est con, il y a plus de pub là avant la fin de l'émission, donc tu pourras pas partir à un moment ou à un autre. Et alors Jules qui dit 1 heure que j'essaie de dormir, rentrez demain, heureusement que vous êtes là. Ouah, ça va aller, t'inquiète, dans 1h50 on est parti. Donc dis-toi que dans 1h50 tu peux dormir. Ouais. Ça va quoi, c'est plutôt pas mal. Héloïse qui dit le rire de ma mère, c'est tout le temps la honte d'ailleurs. On continue à parler d'ailleurs de la honte dans un instant sur Fun Radio. Et il y a Grace qui est avec nous là, 19 ans là. On dit Grace ou Grâce? C'est toujours la même et on dit Grâce. On dit Grâce. Toi, attends, on t'avait déjà eu au téléphone Grâce. Ouais, hein, et je t'avais posé la même question. Ouais. Oui, mais je pose la même question parce qu'il y en a qui veulent Grace, il y en a qui veulent Grâce. Bon, bah voilà. Bon, t'appelles du Val d'Oise, c'est bien ça? Ouais, c'est ça. Bon, très bien. Tu fais quoi dans la vie? Je suis étudiante. Ah, t'es déjà rentrée là ou pas encore? Ah non, je rentre le 23 septembre. Oh là là! Oh l'autre, elle est tranquille, hein? 23 ouais. septembre! 23 septembre! Putain! Mais ça tu fais quoi là? Ça vaut pas la peine de Je rentre en école de commerce. École de commerce, d'accord, ok. Bon, bah très bien, à la cool, hein. 23 septembre, sympa quoi. Sympa, bon, bah très bien. Bon, toi, tu voulais nous parler des hontes là. Qu'est-ce que t'as déjà eu comme honte avec peut-être les parents ou je sais pas qui, frère, ouais, sœur, peu importe? Ouais, avec mon père, on était partis à un voyage en fait pour revenir du Congo pour venir en France. Ouais. Et il y a eu un problème parce qu'en fait les trucs pour faire pour vérifier ce qu'il y a dans les valises, enfin le truc normal qu'elle nous a repris, il marchait pas. Ouais. Et du coup, la personne qui était avant mon père, elle s'est pas fait fouiller. Mon père, lui, s'est fait fouiller. Il a pété un câble. Il a dit à la personne, oui, vous savez qui je suis. Vous me prenez pour qui? Moi, vous fouillez pas ma valise. Oh, bah, c'est justement comme ça que t'as justement envie de fouiller, quoi. Non, vous fouillez pas ma valise, vous savez pas qui je suis. Ah non, excusez-moi, bah allez-y, hein, monsieur. C'est genre le mec, ça se trouve, il a une bombe à l'intérieur, on sait pas quoi. Et donc après, alors, il s'est passé quoi? Et donc après, il y a tout le monde qui nous regardait. Enfin, il y avait la famille de mes parents qui était encore là, qui se demandait, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils partent pas? L'avion, il va partir. Voilà. Mon père, il a pété un câble et tout. Et au final, j'ai pris le sac de mon père. Je lui ai fait, c'est bon, maintenant, on ferme là. Et, après, j'ai pris sa valise, je l'ai donné. Il avait que des strings à l'intérieur, des tenues léopard. C'est pour ça qu'il voulait pas l'ouvrir. Mais en plus, il avait rien du tout. Mais je sais pas pourquoi il a pété un câble. Et ça m'a foutu devant tout le monde. Et après, j'ai pris son sac, j'ai donné au monsieur, il a fouillé, il a juste regardé. Et après, on est parti. Et puis, voilà. Oh là là, putain, c'est vraiment chier pour chier. Ça. Mais le problème, c'est que, bon, l'avantage plutôt, c'est pas un problème, c'est que t'étais au Congo, au final, tu connaissais personne. Non. Enfin, non, la famille qui était là, mais... Ah oui, il y avait la famille aussi, ouais, d'accord. Ouais, mais il connaissait ton père, il savait qui c'était, quoi. Mais attends, est-ce que la honte de Tov va dépasser la tienne? Je pense que je suis imbattable. Attends, oui. attends, tu t'emballes peut-être, t'es peut-être en train de t'emballer, la Tov, hein, quand même. Hein. Je pense pouvoir être sûr de moi sur cette honte. Bon. Roulement de tambour. Attends, on a tous un tambour. Ouais. Oui, c'est un peu long, hein. Non, mais c'est le suspense, Grace. Grâce, pardon. Grace. Alors, ladies and gentlemen, la pironde de Tof. Alors, donc, pour ceux qui s'en souviennent, j'ai fait les scouts. Mais je voudrais bien savoir ce que tu vas dire. Ah, oh, bah. Et donc j'ai fait les scouts et je faisais mon premier camp scout. Ouais. T'as fait les scouts aussi, toi, ou pas, Grace? Ah, non, pas du tout. Hein. D'accord, bon. Bon, et donc tous ceux qui ont fait les scouts et qui ont fait leur premier camp vont savoir de quoi je parle, c'est que il y a pas de toilettes. Ouais. Et donc t'as deux possibilités, soit tu chies dehors, soit tu chies dans les bois. Ouais. Soit tu chies dans l'espèce de chiotte qui a été creusée dans le sol, oh, et là qui là est plein de mouches et qui est dégueulasse. Quelle horreur. Soit tu chies dans ton pantalon. Oh là là, avec les exactement mouches. Exactement. Avec les mouches, oh, et merde, tout là. Pas que ça. Et donc donc finalement, au bout d'un moment, il fallait que ça sorte, et donc j'ai chié dans mon fut. Et donc comme je voulais... Attends, c'est pas fini, parce que ça c'est que le début de l'histoire. Donc je chie dans mon fut, et comme je voulais pas le dire, machin, je voulais pas le montrer, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris mon caleçon et je l'ai bazardé dans la forêt. Oh, je me souviens, c'était la honte, moi-même j'avais honte, hein, c'est pour vous dire. Attends, maman. J'avais honte de mon fiche. Et donc à la fin du camp, donc il y a le rassemblement. Attends une seconde, t'es pas saoulé là. Voilà. Non, j'en avais plein le cul là, cette mouche, elle m'a saoulé. Là. Donc à la fin du camp, il y a le rassemblement où t'as tous les chefs qui remettent le celui qui a été le meilleur. Oh putain, et nous voilà. Ah merde. Bon, vas-y, continue, tant pis. Donc celle qui a été celui qui a été le meilleur, celui qui a fait les meilleures constructions, machin, etc. Et tout à la fin, ils font tous le tour des objets trouvés. Ouais. Et donc... Et donc dans les objets trouvés, il y a un mec qui finit par sortir mon ce caleçon plein de merde. Bien sûr, la merde bien sèche puisque ça a traîné. C'est vrai. Donc le caleçon plein de merde qui a dû traîner, mais genre pendant une semaine dans les bois, tu vois. Oui, je me souviens. Et donc moi j'avais très bien reconnu le caleçon. Je fais semblant que je sais pas à qui il est, tu vois. Oh, c'est ouf. Je fais non, je sais pas à qui il est. Et là ma mère qui est venue me chercher. Et là il y avait la petite étiquette que tu sais qu'avait sa mère avait cousu avec marqué Christophe. Et donc mais j'avais chié dessus donc elle se voyait. Et donc là ma mère, qu'est-ce qu'elle trouve? Elle trouve rien de mieux à faire que dire oh mais c'est à mon fils. Oh la honte. Oh putain, ouais, là effectivement je pense qu'il t'habite à Reims, Grâce, hein. Ouais, je pense qu'il m'a battu effectivement. Oh putain, il y a Nicolas qui dit les parents klaxonnent devant l'école et te disent par la fenêtre à tout à l'heure mon loulou. Ouais, c'est vrai que c'est pas mal, mais ça vaut pas la honte de Tof, hein. Si vous avez pire que la honte de Tof que sa mère lui a mise à l'époque là, n'hésitez pas. Il y a Jonathan qui dit les hontes des auditeurs me font tellement marrer. Et alors il y a Loïs qui dit le rire de ma mère c'est quand même bien la honte. Et alors il y a aussi Fanny qui dit j'imagine pas du tout Tof en scout, mais pas du tout. Ouais. Oui, c'est moi non plus. Pourtant 15 ans. Et pourtant, oui, il fait 15 ans de scout. Ouais, 15 ans, j'ai fait 15 ans. Ah ouais, quand même. Ah ouais, quand même. Bon, bah merci, Grâce, en tout cas, d'être passé. Hein. De rien. T'as pas de merde, de piercing, toi, de piercing ou tatouage? Ah non, j'ai pas de piercing, j'ai pas de tatouage. D'accord, j'ai trop peur de me faire. De quoi, de la piqûre? Enfin, de la piqûre, voilà. De l'aiguille? Ouais. Mmh, je comprends. Bon, ben gros bisous, Grace. Et puis à bientôt gros alors. Bisous, hein. Salut. Allez, ciao à toi, bye bye. On va essayer d'appeler Dorian là, dans quelques instants. Là, celui qui se prend pour Dieu, justement. Ce sera d'ici quelques minutes sur Fun Radio. Et puis on va continuer à parler de vos hontes. Hein. Dites-nous si vous avez déjà eu des hontes, justement. Alors on dit aux parents, avec les parents, mais ça peut aussi être avec votre copain, votre copine, ça peut être un petit peu tout. La plus grosse honte que vous avez vécue. Voilà, dites-nous un petit peu quelle est-elle. Quelle est la plus grosse honte que vous avez vécue? 01 42 48 5000. Ou alors 02 851 4x0. Il y a le prince Nadia qui dit: j'avoue que c'est une honte imbattable, celle de Toff. Je peux pas le battre. Mais quel chiant son Franck. C'est la daronne. Il y a Félicia Lovina qui dit: oh my god, la honte internationale. Et Julie qui dit: j'avoue, la honte de Toff, là, quand même, là, c'est... Alors, c'est du lourd, hein. Là, je pense qu'on est quand même dans un... On est au-delà de toutes les espérances possibles et inimaginables, là. C'est presque 10 ans que je connais ce mec. Et on ne connaissait pas cette histoire. Comme quoi, on peut apprendre tout le temps, hein. Non, mais attends. Ah ouais, et il y a Florent qui dit: tuer la mouche. Oh là là. Ouais, ouais, on l'a tué, là. Oh putain. Ah, attendez. Restez calme. Ne bougez pas. Elle se calme, elle arrive tout près là. Attendez. Ça m'insupporte. Voilà. Ça y est. On en est débarrassé, Florian. Mission accomplie. Il y a Abby aussi qui dit sur le Twitter: on ne peut pas avoir une honte pire que celle de Toff. C'est le summum. Ah non, mais c'est un truc de malade. Mais j'attends, j'attends. Est-ce que vous avez déjà la pire honte de votre life, là, justement? Quelle est-elle? On attend ça avec impatience. S'il y a quelqu'un, alors, s'il y a une personne qui arrive à battre Toff, faut lui offrir quelque chose. Non, ouais, mais là, ouais, c'est ouais, pas franchement, possible. Ouais. Là, j'en ai non, pour 10 c'est vrai. Ans. Bah, à côté de ça, ouais, j'avais une honte aussi, moi, mais c'est à base de videur dans une boîte, donc on aura l'occasion d'en reparler, évidemment. Mais bon, voilà, ces petits joueurs par rapport à celle de Toff, quoi. C'est limite, j'ai honte d'en parler, justement, c'est le cas de le dire. Et alors, Max qui dit: mort de rire, Toff, la honte, j'en peux plus, là. C'est dingue. Non mais c'est assez exceptionnel, effectivement. Bon, on attend en tout cas vos messages, n'hésitez pas. Et puis on va continuer et terminer avec Juliette également maintenant. La Juliette qui nous avait appelé du Val d'Oise, qui voulait se faire percer le nombril, ses parents voulaient pas. Et à Ludmilia qui est avec nous là de Lavore. Salut Ludmilia. Salut. Comment ça va? Bien, vous? Eh, original Ludmilia là, ça vient d'où ça? Non, c'est ma mère qui l'a inventé. Et t'es content elle ou pas? Quoi? T'es content, Ludmilien, ou t'as honte, ou t'es, t'es fier, ou c'est quoi? Ben ça, je suis content, moins personne là. Ah, ça c'est sûr, ouais. ça c'est certain. Ouais. Enfin, si tu veux, tu me dis, moi je mets un coup de lance-flamme dans la gueule de ta mère, hein, pour te venger. Ouais, allez, vas-y. Non? Comme tu veux, t'es sûr que tu veux pas? Ouais, vas-y. Allez, vas-y, tiens, pour la gueule de ta mère, là, parce qu'elle t'a appelé Ludmilien. Non mais c'est vrai, attends, il y a un moment, faut quand même pas déconner, Ludmilien, quoi. Ludmilien. Je pour mon frère, parce que tu me ton frère, c'est comment? Donatien. Donatien. Oh là là là là. Oh putain, Ludmilien et Donatien. À toi, c'est la honte, vraiment, ça, c'est honte. Bah là, je pense que tu viens de dépasser Toff. Non, je plaisante. Non, ça dépasse pas Toff. Mais non, c'est pas mal. Bon, alors, Ludmilien, tu voulais réagir, toi, Juliette. Et j'ai l'impression de faire la radio aux années 50. Ludmilien, Donatien, Juliette. Donc, Roméo, et on est au top, là, hein, pour le coup, quand même. René, enfin, Jean-Louis, tout ça, on est au top du. Jean-Charles, enfin, etc. Bon, alors, du coup, Ludmilien, tu voulais donner quoi comme. Je voulais réagir sur les parfums, un peu. Vas-y, t'as un, toi, Ludmilien? Ouais, j'en ai un sur le cartilage de l'oreille. Ah ouais, ça va, c'est encore, ça reste, enfin, basique. D'habitude, c'est plus sur le, mais comment on appelle ça, l'espèce de merde qui pend là. On appelle ça sur l'oreille, c'est pas le lobe, mais c'est le lobe. Je pensais qu'il était au-dessus le lobe. L'espèce de merde qui pend. Ouais, il y a une espèce de merde qui pend là à mon oreille. Non mais c'est vrai, c'est un truc qui sert à rien. Mais non, mais ça sert à rien, regarde ce truc là. Ah mais oui, ça mais ça sert à rien ce bazar là. Cette merde qui pend. Non mais c'est dis, vrai. Mais où il y a de la merde. Bon, donc t'en as fait un là, mais ça reste encore relativement basique, t'as pas eu trop mal, si? Si, un peu, pendant 3 semaines, à peine on touche, ça fait mal. Quand même? Ah ouais, 3 semaines. Bon, moi j'en ai aucun piercing, hein. Je suis trop douillet pour avoir des piercings. Alors vous imaginez même pas un tatouage, hein. C'est encore pire. Mais ouais. Et donc du coup, toi, comment tes parents, ils ont... Parce que t'as quel âge, toi, Ludmilien? 14. Et tes parents, ils étaient d'accord que tu fasses un piercing? Bah oui, je l'ai dit à ma mère, elle a fait, tiens, bah, les sous et je suis allé. Ah bon? Et elle est même pas venue avec toi, bah et donc? Bah non, il y a juste mon frère qui est venu avec moi. D'accord, ok, bon bah très bien. Et donc du coup, ouais bah ça l'aimerait bien Juliette pour le coup, hein. Ouais. Ah bah tu m'étonnes, c'est-à-dire, bon bah écoute, maman je vais faire un piercing, oui pas de problème, tiens 100 balles. Ok, bon bah allez, à tout à l'heure, hein, ciao. Non écoute, là pour le coup Juliette, si tes parents veulent pas, enfin tu peux le faire de ton côté, hein, après tout t'es majeur, mais c'est vrai que si comme tu disais que t'avais un problème au niveau de la cicatrisation, ouais, il vaut peut-être mieux pas tenter le diable quoi. Non mais j'ai demandé au médecin en fait, il m'a dit il n'y a pas de risque, tu peux le faire. Bon bah écoute, à ce moment-là, et voilà, je vais pas te conseiller de foutre la merde avec ta mère, mais t'es majeur, si le médecin il n'y voit pas d'inconvénient, bon bah fais comme tu sens quoi. J'ai envie de le faire, mais on m'a toujours dit que ça fait super mal. Ah ouais, non mais là par contre ça fait mal. Hein. Non mais c'est vrai, moi j'ai jamais essayé, mais ça fait quand même mal l'humilien. Tu m'as dit que pendant 3 semaines t'avais eu mal. Ouais, mais c'est au cartilage, je crois, en embrouille, non, ça fait pas mal. Parce que ah bon mère, elle en a... Et toi, il a fait un cartilage sur la bite? Non, c'est vrai, ridicule. Hein. J'ai les photos, il veut pas que je les mette en ligne, mais j'ai les photos. Ouais, c'est pas le cartilage, c'est sur c'est le gland. Mais toi, t'as fait sur le gland, toi, c'est encore pire. Mais ça fait pas mal. En fait, ils lui ont mis parce que le pire, c'est que cette espèce de mongol, il a voulu qu'on vienne, donc on a fait des photos. Non. Si, on a fait des photos. Dis la vérité, raconte la vérité. Bon, alors, je vous explique. On était en train de faire une émission de radio et il a voulu faire son malin encore, comme d'habitude. On avait fait un pari et donc c'était, je sais plus quoi. Donc s'il faisait le truc, s'il gagnait le truc, s'il perdait le truc ou s'il gagnait, non, je sais plus. C'était pas ça. T'as dit, ouais, est-ce que toi tu le ferais? J'ai dit, bon, moi je m'en fous. Ah oui, c'est tant bah, que ça se voit pas, c'est pas grave, ça me gêne pas. Voilà, c'est ça. Et en plus, je peux l'enlever si j'ai envie. Voilà. Et donc, il voulait pas le payer. Et donc, on lui a dit, on va le payer. Voilà, voilà. Je dis ok. Donc okay. Je savais très bien que Mickaël était à peu près de ses sous. Arrête ton cinéma. Oh, petit, arrête, tu payes pas pour ce genre de truc. Peut-être, faut voir. Non, tu préféreras qu'on aille bouffer dans un bon resto que de payer pour ça. Oui, ça c'est vrai. D'ailleurs, je viens de reprendre ma pièce. Bon. Et donc une auditrice arrive en disant, ben moi, si vous voulez, je suis perceuse, donc je viens le faire dans la bite de Toff. Et donc il a été. Et il s'est fait percer la bite. On lui a mis un espèce de produit en plein milieu dans l'urètre. C'est de l'anesthésion. Anesthésion dans l'urètre. Et là, sa mère débarque, non? Oui, mais alors, justement. Après, parce que là aussi, après, c'est la honte. Ouais, après, c'est la honte. Attends, je raconte. Alors, il y aura l'autre après, il y aura la deuxième honte après. Mais deuxième c'est honte après. Si, je peux faire toute l'émission avec chaque chose en son temps. Chaque chose en son temps, on va la faire juste après. On va prendre d'autres auditeurs aussi avec les pirons. Tu auras Yannick dans un instant d'ailleurs aussi. T'es là, Yannick? Ouais, je suis là. Bon, très bien. Bouge pas de là, Yannick, hein, pour parler des hontes. Là, tu restes là, Yannick. Et Ludmilien, merci à toi d'être passé. En tout cas, tu reviens quand tu veux, hein. Ouais, pas de soucis. Salut Ludmilien, et ça a été l'entrée là? Ouais, ça a été, et j'ai une question, je crois passer une dédicace. Allez, vas-y, à une personne. Merde, pardon, Ouais, j'aimerais passer une dédicace à Alex de mon internat. D'accord. Il y en a deux, mais je les passe aux deux. Bon bah très bien. Voilà. Et bah le message est passé. N'oublie pas Ludmilien, préviens tous tes potes à l'internat, hein, qu'on est là tous les soirs, 23h à 2h, ouais, et tous les dimanches. Ouais, c'est ce que j'avais dit, maintenant ils sont parfait. Tous sur fun. Eh ben ça fait plaisir Ludmilien, bah bravo. C'est parfait. Et ben en plus on va te filer un pack fun, voilà. Comme ça tu vas gérer ça et avec Kelly au standard. Comment on fait pour l'avoir? Comment? Comment on fait pour l'avoir le pack fun? Eh ben rien, tu vas donner tes coordonnées, on va te l'envoyer. D'accord, faut voilà, dire. Tout simplement, avec plaisir. Merci pour la pub, Ludmilien, ça fait plaisir. Salut. Ciao à toi, Ludmilien. Et Juliette, bah, bon courage, tiens-nous au courant. Et puis oui, ça fait un petit peu mal, mais bon, normalement, il t'endort, mais et tu sens rien, en théorie. Hein. C'est après, quand ça se réveille, que ça fait un peu mal. Tu nous tiens au courant, Juliette? Bah oui, mais moi aussi, je veux un cadeau. Ah bah oui, bah on va t'enfiler, Juliette, c'est pas grave, il suffit de demander, c'est pas grave. On va te filer un pack fun avec un nouveau piercing dedans, tu vas voir, ça va être la folie. Non, je plaisante, on va te filer ça, tu vas retourner chez Kelly au standard, d'accord Juliette? D'accord. Salut Juliette. Et puis vite fait là, Donovan, avant de mettre le son de Chotek et avant de donner la réponse à la colle du jour, Donovan, t'es là? Oui. Bon allez, vite fait encore un coup, la colle de ce soir pour gagner la PlayStation 3. On y entre par un trou et on en sort par deux. On y entre par un trou et on en sort par deux. Si vous avez la bonne réponse, eh bien venez nous rejoindre maintenant facebook.com/mikaelofficiel. Et si vous avez la bonne réponse, eh bien vous allez voir, il y a une petite photo avec la PlayStation 3. Vous laissez un commentaire en mettant la réponse, tout simplement. La colle est écrite d'ailleurs sur le Facebook. Donc on y entre par un trou, on en sort par deux. Si vous êtes tiré au sort, à vous la PlayStation 3. Donovan, on te reprend dans moins de 5 minutes, d'accord? Ok. Allez, bouge pas de là, et comme promis, bah justement dans moins de 5 minutes, la réponse à la colle. On va appeler Dorian aussi dans un instant, celui qui se prend pour Dieu. On avait eu son répondeur hier soir, souvenez-vous, là, c'était juste une surréaliste. Ouais. Pas plus surréaliste que la honte de Toff, mais surréaliste quand même. Et puis on va prendre Yannick dans un instant. Restez sur Fun Radio, on fait ça dans quelques secondes. Et puis on écoute le son de Chotek maintenant, c'est Booyah. Sur Fun Radio, c'était Chotek. Et puis il y en avait sur le Twitter qui demandait le son de Martin Garrix. Ah bah Martin Garrix, il va arriver tout à l'heure avec Animals, promis. Et avant 1h du match, je vous cale aussi Flo Rida. Et si vous êtes sur le point de vous endormir là, continuez à garder les yeux ouverts. Mettez-vous un peu de flotte sur le visage là. Non mais c'est vrai, on est encore là, pas de problème. On est là jusqu'à 2h sur Fun Radio, c'est Mickaël No Limite, soyez les bienvenus si vous arrivez. Il y a Deria qui dit la pire honte à la piscine, j'ai perdu le haut de mon maillot en plongeant qui a été aspiré dans un tuyau de la piscine, j'ai pas pu le récupérer. Putain merde, on n'était pas là. Ouais, toujours. Tout, on rate toujours les meilleurs plans. Ouais. Le prince Adia qui dit la pire honte pour les auditeurs est de ne pas écouter Mickaël No Limite. C'est vrai, le prince Adia, tu as raison. Et Wendy qui dit les mythos, les hontes, tu nous gâtes, Tof, même après toutes ces années, on te redécouvre sous un nouveau jour chaque soir, et c'est vrai. Et alors Miss Sizibou qui dit aussi sur Twitter, la mère de Tof doit juste être exceptionnelle. Oui, mais elle est exceptionnelle, vrai. Ma mère. Ah ouais, là, pour ça c'est vrai. Et Olivier qui dit, moi perso, elle s'approche de celle de Tof à une soirée de voisins. Mon père a essayé de faire de la corde à sauter en short. Tout est tombé et sa bite allait de haut en bas et il l'avait pas remarqué. Oh là là, la honte aussi ça. Et Marine aussi qui dit salut à tous pour le piercing au nombril, ça fait pas mal à tout le monde. Ouais, mais ça c'est vraiment le genre de conseil, ça fait pas mal à tout le monde. Donc au final t'as une chance sur deux quoi. T'y vas, tu te dis bon je vais avoir mal, je vais pas avoir mal, je sais pas, on va voir. Ouais mais enfin bon. Moi si j'ai pas eu mal au gland, normalement ça doit aller quoi. Non, ça veut rien dire, après il y a des endroits qui font mal. Bon, donc on continue à parler de vos hontes dans un instant. 01 42 48 5000 si vous avez déjà vécu la pire honte de votre live, venez nous en parler. Pour la Belgique, 02 851 4 x 0. Et puis on va parler des députés anglais aussi hein, qui eux n'ont pas honte de regarder des films porno au Parlement hein. Mais ils ont raison. Ah mais c'est du lourd hein, ça c'est clair, on va en parler d'ici quelques instants. Mais avant cela c'est le moment d'appeler Dorian, celui qui se prend pour Dieu. Alors on l'avait passé hier en fait hein, celui qui se prend pour Dieu. Et bah Dorian c'était un petit peu ça quoi. Il est arrivé, il voulait conquérir Paris. Je vais envahir Paris, je suis arrivé enfin sur Paris, sur la capitale. Je vais conquérir. Ouh. Voilà, il allait conquérir, voilà. La présentation pour Dorian, c'est ça, pour ceux qui viennent de débarquer. Cannes, 10h du matin. Voici Dorian, un DJ de 22 ans célibataire qui habite chez ses parents. Dorian a un rituel qu'il ne rate jamais quand il se lève. Il se place devant son miroir et se contemple. Et ben voilà, il se place devant le miroir et se contemple. Et puis là où je suis quand même très content, c'est que, écoutez, moi il me follow sur Twitter. Excuse-moi, mais je peux te tweeter, je mets un tweet sur toi, ça te dérange pas? Non, je pense pas que t'es assez populaire sur Twitter. Voilà, donc ça c'est le journaliste qui lui demande s'il peut parler de lui sur Twitter et il dit répond non. Il répond non. Et donc du coup en fait, bah, on l'a appelé hier soir, on est tombé sur son répondeur pour ceux qui débarquent. Et son répondeur, écoutez, il est véridique, on n'a pas remonté, on n'a rien fait, on a vraiment repris l'enregistrement tel quel. Alors écoutez, donc on appelle. Et on tombe là-dessus, écoutez surtout bien le début. Si tu n'es sur le portable de Dieu. Quoi? Moi, d'horaire au fini, je ne suis pas là pour le moment. Vous êtes sur le portable de Dieu. En tournage ou au soleil, en train de bronzer, parce que voilà, il fait beau, il fait chaud, c'est merveilleux. J'espère que vous passez de super vacances. Je pense énormément à vous. Voilà, etc, etc, etc. Donc on va essayer de l'appeler maintenant, puisqu'on lui a proposé de faire une interview là. Donc on va appeler Dorian maintenant, Dorian Rossini, donc qui a fait. C'était quoi l'émission encore, j'ai oublié. Tellement vrai. Ah oui, tellement vrai, voilà, c'est ça. Déjà ça sonne, hier c'était le répondeur direct. Allô. Allô Dorian. Ah Dieu, oui. Pardon, je sais pas si on doit t'appeler Dieu ou Dorian. La réincarnation de Dieu, ça ira. Oui bien sûr, la réincarnation, voilà. En toute simplicité. J'étais en pleine prière, tu vois, donc c'est vrai. Tu as appelé au bon moment, mais ah, voilà. Parfait. Mais... c'est pour ça que je t'ai dit tout à l'heure, pas m'appeler plus tôt, parce que voilà, moi je fais une prière jusqu'à 4h du matin, c'est très important pour moi, pour ma évidemment. Santé, pour mon bien-être. Et pour le business. Pour mon bien-être. Et pour l'audience. Voilà. L'audience, il va cash avec et moi. Il va parce que là, je vois la courbe, elle monte là. Ah bah, c'est obligé, attends, je suis dans la réincarnation de Dieu, attends. Là, je vois la courbe d'audience de Fun Radio, là, c'est-à-dire qu'on est en train de monter. Ah, il va avoir plein de tweets et tout, mais après, tu m'as passé vraiment tard, t'aurais dû m'appeler dès le début, tu vois. Ah ben non, mais tu m'as dit pas avant et tout, machin, donc moi, j'essaye de gérer, tu vois. Et puis, oui, en fait, tu vois... Bien. Et c'est sur une radio, l'audience va à 23h, il y en a, puis ça diminue au fur et à mesure. Donc moi, je t'ai pris exprès à minuit et demi pour que tu remontes l'audience, tu vois. J'ai besoin de toi, quoi. Je le savais, ça, je le savais. De toute façon, je le savais, tu vois, je vois dans le futur, donc forcément. Ah, d'accord, ok. Mais voilà, donc tu as appris à me connaître, tu m'as suivi un peu dans les médias et tout. Bien sûr, mais attends, et nous, on est hyper fans. Ah, tu es fan. Mais on adore. Tu as vu quoi sur moi? Tu as vu comment je me priais devant ma glace et tout? Mais bien sûr, on a vu que t'as été conquérir Paris, vu que t'étais la réincarnation de Dieu. En parlant de ça, si tu veux un soir, je passe dans ton local et je fais une prière. Dans mon bocal. Oui, je vais dans ton local, parce que nous sommes une petite radio associative. Dans ton local et je te fais une prière en live avec toute ton équipe, comme ça. Ouais. Mais prière de quoi concrètement? Parce que si tu veux, nous on a déjà Dieu avec nous. Ah non, mais il n'y a pas de Tof et tout, c'est pas des dieux. Hein. Mais c'est rien à voir, il est avec nous là, bonsoir mon père. Bonsoir. C'est moi qui suis avec vous, voyons. c'est moi qui savais que vous voyons. Voilà, il est, non, il est là. Voilà. Je suis là. Franchement, il faut que tu aies bien vu. Tu as bien vu les records d'audience. Allô. T'en fous de ce que je dis. Allô, c'est quoi cette voix? Cette voix, c'est ma voix. Oui, c'est moi. Arrête de te faire passer pour moi. Là, tu fais du blasphème. C'est pas bien. Hein. Vous me priez. Hein. Le stop. Seul qui blasphème ici, c'est stop. Toi. Stop, stop. J'aime pas ta voix. Allez, oust. Moi non plus, je dégage. Ne t'aime pas. Oui, tu ne me ressembles okay. pas. Tu ne ressembles à rien. Ah, je suis divin, moi. Toi, tu es pas divin. Tu es une voix du ciel. Tu es, voilà, c'est une voix d'ordinateur. C'est ça. Je suis une voix du ciel, donc je suis divin. Tu l'as dit toi-même. Je suis de l'ordinateur, donc casse-toi de là. Allez, vas-y. Non, mais Dorian. Oui. Dis-moi, un moment. Oui. Tu fais quoi comme vrai métier? Ah mais je l'ai dit, moi je suis DJ producteur, tu vas sur iTunes, je vends mes musiques et tout, mais à côté de ça, je suis la réincarnation de Dieu, comme j'ai dit dans tellement de statuts. Non mais en vrai, parce que la réincarnation de Dieu, bon c'était rigolo à la télé, mais là en vrai. Ben, je suis la réincarnation de Dieu. Comme je l'ai dit, c'est sorti d'une base où il y a un pote qui m'a filmé en soirée, qui m'a pris en photo, et il y a une auréole qui est apparue sur ma tête. Ah ouais. Et là, j'ai compris. En fait, t'es un peu déjà que l'original est pas très cher, mais t'es un peu le Michael Vendetta en solde, quoi. Eh ben non, pas du tout, parce que Michael Vendetta, il était invité sur un plateau, il a parlé de moi, et on lui a posé la même question que toi à lui. Il a dit non, ça a rien à voir. Moi, c'est la bogositude, et Dorian Rossini, c'est la réincarnation de Dieu, c'est dans la religion, donc c'est différent, tu vois. Ouais. Mais après Vendetta, voilà, ça il est bien, je l'aime bien. Mais il y a une différence, tu vois, il y a une différence. Moi je suis Dieu, tu vois, j'ai créé le peuple. Et je veux que le peuple il me prie tous les soirs, tu vois. Vendetta, c'est voilà, je suis beau, je suis trop beau, c'est lui Vendetta, tu vois. Ouais, ok. Donc voilà. Alors tu vas voir là, l'audience, elle est encore en train d'augmenter. La courbe est Ah oui, bah, je suis pas sûr, mais oui. Ah ben voilà, c'est cool. Et alors ton équipe, oh, je suis triste ce soir, parce qu'il n'y a pas Sandro, j'ai appris qu'il n'y avait pas Sandro. Ah non, malheureusement elle est malade. T'aurais dû le voir ça, non? Eh ben oui, mais qu'est-ce qui se passe? Elle était fan de moi, moi j'étais là. Bah ouais, je sais bien. Attends, on fait une petite pause. Hey. Allez, tous ensemble. Allô? Tu connais la musique ou pas, Dorian? Eh, tu veux que je te joue du pipo? Ouais, attends, vas-y. Attends, vas-y, allez, pipo. Et puis je vais. J'ai une surprise pour toi. Rapproche-toi bien du téléphone. Pipo, c'est quoi ça? Rapproche-toi du téléphone. Voilà. T'es prêt? C'est quoi Pipo? Dans ta gueule! Bon, Dorian. Oui. Bon, concrètement là, c'est l'interview est terminée là. Bon, je t'explique un dernier truc avant de partir. Ah ben un dernier, alors parfait. Bon voilà, moi là je suis encore en tournage, comme t'as pu le voir sur mon magnifique répondeur. Qu'est-ce que t'en as pensé du répondeur? Écoute, on a bien rigolé. Ouais. Oh, c'est bien marré, ridicule, oui. Ça te va. Ah, déjà, important, il faut que la vidéo, l'interview, tu la mettes sur YouTube. Ouais, bah bien sûr, évidemment, on est là aussi. Non. Toi, mais bien sûr. Des millions de vues, tu vois, donc ça va te faire de la pub à toi et en même temps. Ah, il y a un message de. Attends, il y a un message de DJ Brubru aussi sur Twitter qui dit mais c'est qui ce mec qui se met au-dessus de tout le monde, il se prend pour Dieu, laisse-moi rire, en plus il se dit DJ, c'est excellent. Et oui, mais il a qu'à écouter ma musique, il va écouter ma musique, tu vois. Et voilà. Toute la musique de Dorian, c'est ça. Hein. C'est quoi ça? Bon, je veux te donner une exclue. Ah, vas-y, avec plaisir. Je veux te donner une exclue, comme tu es fan radio et comme tu as eu le plaisir de m'inviter, d'inviter mon Dieu, je vais te donner une exclue en avant-première. Dans les jours à venir, je vais monter nu sur la tour Eiffel. Tu vas monter nu sur la tour Eiffel. Voilà, moi la réincarnation de Dieu. Mais est-ce que tu vas tomber de la tour Eiffel? Non, je vais pas tomber parce que je m'entraîne pour voler. Tu sais aussi que je m'entraîne pour marcher sur l'eau. Ah, mais c'est beau ça. Attends, pour l'instant, je glisse et je coule, tu vois. Allô? Oui. Pour l'instant, je glisse et je coule, donc c'est un entraînement. Non, mais franchement, je suis content de t'avoir parce que t'as l'air d'un mec sympa. Mais bien sûr. Et Dorian, tu sais que moi, je suis content de t'avoir aussi parce que je sais, j'ai appris apparemment, j'ai vu ça sur Twitter partout, que toutes les radios voulaient t'avoir et que t'as choisi Fun Radio. Et là, pour ça, c'est fort. Ah oui, non, mais sincèrement, alors je vais t'expliquer un truc. À la matinale, je suis passé sur une autre radio, mais là, pour le soir, j'ai choisi Fun Radio. T'as bien, franchement, ça nous touche, hein, vraiment, là. parce que voilà, et avant, il y a 2 ans, tu étais sur une autre radio, je crois. C'est vrai, c'est vrai. Voilà, et à cette époque-là, déjà, j'aurais bien voulu que tu me... Mais voilà, j'avais pas... Dieu n'était pas connu à travers le monde encore. Non, voilà, Dieu, voilà. Parce que Dieu est connu depuis l'année dernière, il a fait un carton d'ailleurs, il était dans le, ouais, dans le top voilà. 50. J'ai fait plein de trucs, et même si tu as vu là, là, voilà, mon portrait que tu as passé, il est même passé dans le grand journal. Du oui le grand journal qui a 2 millions d'audience. Hein. C'est donc, vrai, c'est vrai. Mais tu sais que petit, gens... tu peux même passer dans le zapping, ça veut pas dire pour autant que t'es une star. Hein. Voilà, les gens, ils me connaissent, ils me voient, ils disent « Ah, ils passent partout dans les zappings !» Oui, ils passent partout, ouais. Ouais, voilà, c'est ça. Bon, j'ai compris. Bon, en tout cas, on reste en contact et quand j'ai des avec plaisir. Ben, on s'appelle, tweet. On se fait une bouffe. Voilà, on se fait une bouffe comme ça. Parfait. Avec toute l'équipe. Bah, tu nous invites. Sandro, elle est belle, hein. Elle a une belle tête, Sandro. Ouais, mais là, elle est malade. Si tu voyais sa tête maintenant, je pense que tu la kifferais beaucoup moins, là. Mais ah, si okay. tu veux, il y a Kelly, tu peux aller la voir, elle est sur le Facebook. Hein. Et on a mis sa photo, là, hier. Facebook.com/Michael officiel. Hein. Tu peux aller non, la voir. Non, Michael, c'est pas un fake, la Kelly, là. De quoi? Non, non, non, c'est pas un fake. Attends, je rigole. Mais bien sûr. Ah bah vous employez des bonnes filles alors. Ah bah attends, bien, hello, hello, qu'est-ce que tu crois? On est à fond ici, je crois là. C'est bien, Dieu est content alors. On, bah exactement, ouais. Bon, salut Dorian. Hein. Partir ou pas? Rendez-vous sur la Tour Eiffel, hein. Oui, voilà, la Tour Eiffel, et je vais passer vous voir au studio dans la semaine prochaine. Oui, okay. Bah pas trop vite, ça marche. Allez, salut, allez, hein. Vite. Ciao. Ah on a perdu Dorian. Bah oui, bah ça c'est sûr, hein, c'est 300 mètres, hein, ça, c'est évident. Donc c'est il est sérieux alors hein, dans ouais. sa tête. Hein. Wendy qui dit nettoie l'antenne de ce petit con, lance flamme s'il te plaît. Allez, oui, on oui. y va. Allez hop, on nettoie tout ça. Et Lucie qui dit mort de rire, il me fait trop rire, monsieur Dieu, la coup de lance-flamme dans la gueule. Bah on l'a fait, c'est bon, il est grillé là. Et alors Laurine qui dit Dorian se prend pour quelqu'un de supérieur aux autres et c'est pathétique son nom. Un petit coup de pelle dans sa gueule également. Allez hop là, c'est fait. Ce mec mérite des claques. Allez hop là, une bonne, c'est pas possible, un mec catastrophe comme ça, sérieux. Et alors répondeur pire que ridicule, c'est pathétique. Michael Vendetta en solde, mort de rire, non mais stop. Ouais, je le trouvais original le Michael Vendetta en solde. Et alors Laurine qui dit plus con que ça tu meurs, la connerie humaine personne. Oh, après s'il nous invite à manger hein. Ah bah hey, on sait toujours bon à prendre hein. Bah, bah c'est ça, on va pas chipoter non plus hein. Bon, retour avec Yannick dans un instant avec les Pirontes. On aura Clémence également là. T'es là Clémence? Clémence? Oui. Ah voilà. Bon, dans un instant on va parler des Pirontes également. Oui. Parfait. Donc ne bouge pas de là et puis du coup on est à la bourre, on va appeler maintenant hein, pour la PS3. C'est parti Donovan, t'es là pour la PS3 là? Oui. Allez, c'est parti, on y va, on appelle le gagnant ou la gagnante. Quelqu'un qui a envoyé la bonne réponse par Facebook, facebook.com/michaelofficiel. On appelle, si la personne maintenant qu'on appelle décroche et donne la bonne réponse, tu ne gagnes pas, Donovan. En revanche, si elle ne décroche pas, tu gagnes. Ou si elle a la mauvaise réponse, évidemment. Allez, c'est parti. Magnifique musique. Ça a l'air d'être bien parti, là, Donovan, hein. Ouais. Ce serait con de rater là. Eh ben voilà, on laisse un message. Messagerie Orange, bonjour. Bonjour. La personne que vous essayez de joindre n'est pas disponible. Et là, elle décroche. Laissez votre message. Avec plaisir. Minutes. Salut la personne que j'essaie Salut. De joindre qui n'est pas disponible. C'est Mickaël, tu es en direct à la radio sur Fun Radio. Et Dorian, Donovan, pardon, va te poser la colle. Vas-y Donovan. On y entre par un trou et on en sort par deux. On y entre par un trou et on en sort par deux. Qui suis-je? Alors, est-ce que le répondeur a une réponse? Ah non, malheureusement, non, non, non, pas de réponse, c'est dommage. Ah là là, quelle déception! Oh là là, là, là, là. Oh là, là. Bon ben Donovan! Ouais. C'est quoi la réponse? Un pantalon. Eh ben c'est gagné. Bravo. Eh ben voilà Donovan. Eh ben comme quoi finalement ça arrive aussi à ceux qui posent les cols. Hein. Il y en a qui disent ouais mais ceux qui posent des cols ils cachent jamais. Bah la preuve que si. Hein. Voilà, bravo ouais. Donovan. Bah la PlayStation 3 elle est pour toi mec. Ouais. Félicitations. Et puis désolé pour celui ou celle là, qui écoutera le répondeur demain matin en allant en cours dégoûté. C'est ça. Mais il fallait pas aller dormir si tôt. Qu'est-ce que je vous dise. Bon ben salut à toi. Et Donovan tu vas rester au standard. On va prendre tes coordonnées d'accord. Ok. Et on va te filer ça avec plaisir. Gros bisous Donovan. Bonne soirée. À bientôt. Ouais. Ciao et merci à tous ceux qui ont participé également sur le Facebook de l'émission facebook.com/michaelofficiel. Venez nous rejoindre également, j'ai mis une photo également de François Hollande là, elle est au taquet. Hein. Oh là là là là là là là là. Comment vous expliquer que le mec quand même dirige un pays, hein, la France en l'occurrence. Un grand pays. Un grand pays, voilà. Et donc il est là dans une école et il a une tête, on dirait un clown. Mais vraiment, quand j'ai vu la photo, je me dis oh putain, il y a l'enculé, il a trafiqué. Ouais. Et puis quand je me suis rendu compte qu'en fait c'était une vraie, qu'elle a pas été trafiquée, je me suis dit mais c'est une blague. Est-ce que c'est sérieux? Si vous l'avez pas encore vue, des fois vous viviez sur une autre planète, allez la voir également, elle est sur le Facebook de l'émission, facebook.com/mikaelofficiel. Vous allez y jeter un œil là maintenant. Elle est juste exceptionnelle. Aujourd'hui, c'est la rentrée François Hollande au taquet. Hein. Voilà, facebook.com/mikaelofficiel. Dans un instant, on parlera comme promis encore des hontes avec Yannick, avec Clémence également. Et puis on aura aussi le occasion de parler des députés anglais qui eux n'ont pas honte de regarder des films de ball. On en parle dans un instant, le temps d'écouter le son de Calvin Harris. Ça paraît pas mal ça, Thinking c'est About cool. You. Ouais. Eh ben, on écoute ça tout de suite sur Fun Radio. Calvin Harris maintenant, je vous rappelle également qu'on aura le top tweetos tout à l'heure. On élira hein, le ou la plus grande fan et la plus active. Active, ouais, c'est le mot que je cherchais. Sur Twitter, à vous de jouer, vous mettez le hashtag Mickaël et pour nous rejoindre sur le Twitter, eh bien vous me faites un follow, je vous fais un follow également. Vous venez sur le Twitter, vous tapez M-I-K-L underscore officiel et vous nous rejoignez. On écoute Calvin Harris, c'est maintenant sur Fun. Calvin Harris sur Fun Radio, Thinking About You. Et je suis d'accord avec Popo Lillet qui vient de faire un petit message sur Twitter là. On peut se demander si la photo de Hollande est pas plus honteuse que la honte de Toff qu'il a raconté tout à l'heure avec le caca au scout. Non, le caca du scout là. Ah, c'est... elle est pas mal. Hein. La photo c'est de Hollande, donc de François Hollande qui est sur le Facebook, allez-y, hein, facebook.com/mikaelofficiel. Et Denis qui dit si je le vois dans la rue, je me barre en courant. Là, il y a des malades quand même. Et alors, ça c'était par rapport à Dorian qu'on a eu. Et un message aussi de Clem qui dit il fait pitié le mec quand même. Et Brittany qui dit j'adore votre radio, vous mettez de l'ambiance. Vive Fun. Merci Brittany. Gros bisous à toi. Et puis on salue également les nouveaux qui viennent de débarquer là. Tous les soirs, il y en a de plus en plus des nouveaux, hein, notamment sur le Facebook, le Twitter. Et puis derrière leur radio. Et je rappelle également que sur Twitter et sur Instagram, si vous tapez Mickaël officiel et que vous m'ajoutez, eh bien moi aussi je vous ajouterai. D'ailleurs, je viens d'ajouter à l'instant Colia, il y a également Clément, il y a Palaisi, il y a I'm Nono, il y a Khalid également qui vient de débarquer, il y a Christophe, Kego, Seven Savoie, Marine, pardon, Mickaël, Romain, Jordan, Thomas, Ouni, Mohamed également qui vient d'arriver, Marion également qui est là, Jean-Victor, voilà, ou encore Angelusion. Voilà, donc si vous voulez venir nous rejoindre, n'hésitez pas, avec plaisir, vous tapez tout simplement Mickaël officiel sur Twitter ou sur Instagram et je vous followerai également si vous me faites un follow. Et pareil sur Facebook, si vous voulez nous rejoindre, vous tapez également Mickaël officiel. On va parler encore des hontes maintenant avec Clémence qui est avec nous de Paris là. Bonsoir Clémence. Bonsoir. Comment vas-tu? Ça va et toi? Bah ça va tranquille là. Comment s'est passée la rentrée alors Clémence? Bah c'est de la merde. Ah ouais, bonne rentrée quoi. Pourquoi c'est de la merde? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, classe de merde, emploi du temps de merde et prof de merde. Oh. Ah ouais, d'accord, ok. Ah, genre, tu finis à quelle heure, là, le meilleur jour, tu finis à quelle heure? Oui, bah, je finis tous les jours à 16h30. Oh putain, 16h30 ah, c'est chaud. Oh, quelle angoisse. Moi, j'adorais le lundi, je finissais à 14h. Oh, t'es lundi bien, et jeudi là. Je finissais à 14h. Le mardi je prenais cher, je terminais à 16h30 aussi par contre. Ah belle vie quand même. Ouais. Moi j'ai passé toute mon année de 6ème à finir à 18h parce que j'étais en colle. Ah oui mais ça après c'est un autre de problème. De 16h à 18h. Ah bah ouais mais mec si je m'étais collé violent. Aussi, il fallait être intelligent et pas se faire coller. Non, j'ai bien un autre colle. Bon bah t'inquiète pas Clémence, hein. On est au mois de septembre là, on est déjà le 5 hein, techniquement. Donc reste plus que 10 mois. Hein. Ouais mais c'est compliqué quand même, dis-moi, avec un emploi du temps jusqu'à 16h30. Ah ouais j'avoue, ouais. Bah beaucoup, franchement je préfère ma place que la tienne. Hein. Ouais mais tu sauteras 2-3 cours et puis ça passera tout seul. Ouais ça aussi ouais. Bon Clément, c'est quoi tes pires hontes toi? Alors ma pire honte c'est que l'année dernière quand mon père est venu me chercher au collège, ouais. Déjà quand je le remarquais pas il m'appelait « Ah ma petite grenouille » comme ça devant le dos de l'enfant, n'est-ce pas? Ma petite grenouille, oh là là, vas-y. Et quand il croisait mes potes, il leur faisait à chaque fois des blagues de merde et il était tout seul à rigoler. Oui, bah oui, forcément. Et ça, c'est les darons, ils sont tous comme ça. En général, c'est comme ça que ça se passe. Ouais. Mais parce qu'eux, ils se rendent pas compte, tu vois. Ils se disent, ouais, c'est mignon, c'est affectueux. C'est, petite grenouille. Ma grenouille, c'est mon chéri, mon amour, etc. Oh, et je ferai pareil. Si un jour j'ai un enfant, très loin, parce que j'ai que 22 ans et demi, ouais. Et ben, je ferai pareil. Voilà, il jouera du pipeau. Je jouerai du pipeau. Exactement, ouais. Voilà, 16h30. Tu lui as dit à ton père que t'avais honte qu'il fasse ça ou pas? Non, je l'ai pas dit parce que sinon j'aurais pas eu mon téléphone. C'est bien, tu devrais être politicienne toi, tu vois, c'est bien, t'as des trucs comme ça, tu réfléchis et tout, c'est pas mal. Attends, on va prendre l'avis de Yannick également là, qui est là, qui appelle de Drania, c'est ça? Salut Mickaël, c'est toute l'équipe de Draguignan dans le Var. Ah, Draguignan, oui. Bah pour le standard, tu appelles de Drania. Pour ça, Draguignan, je ne savais pas où c'était, mais Draguignan, je vois mieux, effectivement. Bah, c'est à droite. Bah voilà, c'est Draguignan. Ça. Bon, Yannick, alors, il y a un message qui est arrivé aussi, tiens, d'Alena sur le Twitter qui dit « Moi, ma honte, j'ai eu mes règles avec un pantalon blanc pendant une réunion avec 50 personnes. Oh. Je présentais le projet en diapo face à ces gens. » Oh, putain, ça c'est dur. Ah, ah ouais, là, c'est ça, exactement. Bon, Yannick, c'est quoi ta honte, toi? On parlera de celle de Toff juste après. Alors moi j'étais en soirée et tout, un peu alcoolisé tu vois. Ouais. Et je vais aux toilettes, je démoule un cake et tout. Ouais. Le truc c'est qu'il n'y avait plus de papier et je gueule parce que j'étais alcoolisé. Ouais, emmenez-moi du papier, on me donne du papier. Je sais pas ce que j'ai fait, je sors, mais le truc c'est que je me suis pas essuyé. Je retourne dans la salle avec tout le monde et tout. Il y a une fille qui va aux toilettes et elle arrive avec le papier rouleau neuf et elle me dit, mais Yannick, devant tout le monde, t'as pas utilisé le papier WC, tu t'es pas essuyé le cul. Et bon, je m'étais pas essuyé le cul et devant tout le monde. Et depuis on m'appelle le cabochard. Ah, oh, c'est bon ça. Et bah oui, donc du coup ça te suit évidemment, pas de bol. Ah ouais, non, mon surnom maintenant c'est le cabochard. Cabochard. Le cabochard, mais quelle idée aussi hein. Et ouais, mais je sais pas, j'étais alcoolisé, je sais pas ce que j'ai fait. Et moi je croyais que je m'étais essuyé et quand elle m'a emmené le papier, il était encore. Mais attends, mais tu t'es pas rendu compte quand tu marchais qu'il y avait un truc un peu glauque? Je sais pas, non mais j'étais vraiment alcoolisé, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Ah ouais, ouais, je confirme, à consommer avec modération, comme ça tu l'auras fait complète là. Ah ouais, putain, attends, parce que là, déjà c'est une belle honte, effectivement. Clément, c'est une petite honte. On avait raconté la honte de Toff tout à l'heure avec sa mère par rapport au scout, hein, quand il avait caché son... Bon, il avait chié, il s'était chié dessus, ouais. Et donc il avait planqué le calbut, et donc il y a vraiment la fin des scouts, le mec a dit, ah bah tiens, on a trouvé un calbut, et sa mère a fait, ah oui, j'ai celui de mon fils. C'est celui de mon fils. Donc du coup, c'est la honte. Et alors, autre honte maintenant, du coup, Toff, la suite. Alors attends une seconde, je te prépare quand même le scout au cas où. Si tu veux t'esquiver en loose dé là. Alors vas-y, c'est quoi la honte? Donc c'est, on a après... Attends, je vais te mettre la musique quand même. Après avoir fait le piercing, donc j'ai dû rentrer à la maison, parce qu'à ce moment-là, je vivais chez mes parents. Voilà. Enfin, presque un peu comme aujourd'hui, mais enfin, souhaite. Ouais. Parce que maintenant, je vis sous les ponts, c'est pas mal. Arrête ton cinéma. Et donc, j'arrive à la maison avec, tu sais, tous les... Parce que au tout début, tu dois rincer, tu dois faire des bains pour désinfecter. Des bains de sel. Ouais, des bains de sel pour que la plaie ça cicatrise bien et que ça s'infecte pas. Ouais. Donc, forcément, moi, je pose tout ça dans ma chambre. Ouais. Et donc, le matin, ma mère passe et elle me fait, ouais, c'est quoi ça? Je lui fais, oh, c'est rien. Et là, elle me fait, mais t'as quand même pas fait le truc que vous avez dit à la radio hier soir. Et donc là, je suis obligé de lui dire que si. Bah si, forcément, elle est pas débile. Hein. Donc là, elle m'a traité tous les noms, elle m'a engueulé pendant une demi-heure, mais tu fais n'importe quoi dans cette émission. Enfin bon, voilà. Bref. Donc on peut s'imaginer que là, on sait ça, il s'est fait enguirlander par sa mère. Et pas du tout, il y a une suite. Eh bien pas du tout, parce que justement, donc après, je pars à la radio pour faire l'émission. Et là, ma mère, qu'est-ce qu'elle fait? Eh ben, elle décide d'aller chez la perceuse parce qu'elle avait vu le nom du truc où ça avait été fait sur le site. Exactement, pour aller dire à la perceuse, mais est-ce que vous avez un diplôme, hein? Est-ce que vous avez les bons matériaux là pour avoir perché le gland de mon fils? Pire que ça, elle lui a demandé de voir l'endroit où elle le faisait, comment elle désinfectait le matériel. Ah, mais c'est pas possible. Et si elle prenait des trucs stériles ou pas? Oh là là. Ah non, mais c'est un truc de ouf quoi. Elle l'a pourri la pauvre personne. Ah, bah vous avez vu Yannick et Clémence, il y a encore du level au-dessus hein. Ah oui, là c'est grave là. Ah ouais, il y a le prince Nadia aussi sur le Twitter qui dit moi ma grand-mère elle m'appelait ma chatte, c'est affectueux. Ouais, c'est un peu affectueux, mais bon, c'est vrai que c'est... Bon, après, c'est la grand-mère, hein, tu vois, elle essaie de faire son mieux, évidemment. Ouais, moi, j'avais mon grand-père, il venait me chercher en Lada à l'école. Mais c'est pour ça que c'est un trou du cul aujourd'hui, il a été terrorisé à l'époque, putain, en fait, c'est pas sa faute. J'allais raconter mon histoire de... Mais je suis ridicule, ma mais oui, mais même moi, j'avais une histoire avec avec des videurs en sortie de boîte. Moi, j'ai craché dans la bouffe d'une fille. Ah oh, c'est tout? Ouais. Oh vas-y, casse-toi, ça sert à rien. Et en fait j'ai positionné, il y avait plein de crachats là. Oh c'est nul. Ah oui, tu vois. Oh t'es un nul. Ah oui. Bon ben merci Clémence et Yannick hein. Ben merci à vous tous les soirs, franchement vous êtes au top hein. Merci Yannick et n'oubliez pas de faire la promo. Clémence, Yannick hein, n'oubliez pas hein. Faites hashtag la promo. Ah ouais, hashtag et Mickaël et puis prévenez vos potes qu'on est là. De quoi Qu'est-ce qu'il y a Clémence? Est-ce que je peux faire une pub pour ma page de Facebook? Ouais vas-y Clémence, ça parle de quoi ta page? Y'a quoi dessus? Ma page c'est le swag. Ouais. Waouh, t'es swag toi? T'es swag. Elle a le swag. Yeah. Mmh. Et j'ai pas beaucoup de j'aime, donc j'aimerais bien qu'il y ait plus de j'aime. D'accord, et c'est quoi? C'est le swag ta page? Non, c'est swag avec 2G. Swag avec 2G, d'accord, ok, très bien. Bah toi, il va aller faire un tour, tiens, je vais aller liker. J'y vais direct. Attends, je vais aller voir aussi en même temps. Attendez, comme ça, je vous dis si ça vaut la peine d'aller. Hein. Ouais. Alors, attendez. Swag avec 2G, t'as pas beaucoup de likes, il y a juste un million, quoi. Swag, t'es sûr que c'est la même? Bah, ça doit pas être elle. Parce que des swags. Avec, ah, mais il y en a blindé. Avec 2G, 2G, 2G. Avec ouais, 2G, ouais. Et ben, SW. Ah ouais, 1 71 000, donc, bah oui, effectivement, mais à mon avis. Nous, là. Attends, c'est laquelle? Attends, c'est laquelle? Non, mais il y a Swagger, ouais, il y a Swag, 106 000 likes. Ouais, c'est difficile de trouver, hein. T'as un nom qui est relativement emmerdant, quand même, hein, pour le coup, avec Swag, là. C'est SWA2G, c'est ça? Ouais. Ah ouais, ouais. Et quand on tape ça, on se retrouve avec plein de trucs. Bon, écoute, tu vas donner un peu plus de détails peut-être en antenne, comme ça on va le trouver plus facilement. Parce que là, c'est pas très très clair, Clémence. Hein. Bon, en tout cas, je te fais des gros bisous. Bisous. Salut bisous, Clémence. Merci Yannick, à bientôt. Hein. Ben merci à vous et je vais vous écouter jusqu'à ma rentrée. Eh ben écoute, et j'espère après aussi quand même. Attends. Oui, bien sûr, non, mais je vous un peu plus tôt. Oui, bon, ben d'accord. Oh, et n'oublie pas de faire la promo de l'émission hein, quand tu rentres, hein, d'accord? Je compte sur toi. Pas de soucis. Bon, ben salut. Soucis. Allez, ciao à toi, Yannick. Bon, je vous en parlais tout à l'heure, là. Je vous avais dit qu'on allait parler des députés anglais, là, parce qu'ils sont champions du... porno. Eh ouais. Donc les mecs, en fait, qui sont censés gouverner le pays, passent leur temps à mater des films de cul. Alors, il y a 5000 employés, hein, 5000 employés, et il y a 300 000 connexions à des sites de cul. Ah oui, quand même. Ce qui est quand même assez exceptionnel. Donc maintenant, vous savez pourquoi on a des lois de merde, hein, et des lois quand même parfois complètement en bois. Donc ce qui serait bien, c'est qu'on essaye de les appeler, là. Mais en fait, avant, je comprenais pas pourquoi les mecs ils passaient la nuit et tout au Parlement. Mais maintenant, ouais, je sais. Mais voilà, maintenant, c'est ça. Maintenant, on sait exactement pourquoi, en comment et qu'est-ce qui se passe. Ouais, ils se paluchent entre eux, ouais. Voilà, donc je propose qu'on appelle l'Assemblée. Allez, on appelle l'Assemblée. Il y aura encore quelqu'un cette heure-ci? Ah oui, c'est 24. H24 24. Ah d'accord, ok. Bon, enfin, attends, on va appeler. Permanence, quoi. Il y a un mec qui d'accord, décroche. D'accord. Bon, on va appeler à l'Assemblée maintenant. En plus. Et tu vas demander quoi? Pour voir s'ils ont des films de cul ou c'est bah, quoi? Pour voir si je peux pas venir bosser là-bas. Quoi. Ah oui, oui, oui. Bah oui. Je suis con. Allez, c'est parti, on y va, on appelle. L'Assemblée maintenant sur Fun. Le standard de l'Assemblée, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir. Oui, bonsoir. Voilà, en fait, je viens de voir aux informations que les députés anglais passaient plus de temps à regarder des films porno que vraiment à débattre des lois. Ouais. Et du coup, je voulais savoir si c'était possible de se faire engager à l'Assemblée pour venir regarder des pornos. Il y a des concours de temps en temps qui sont organisés. Il faut vous tenir informé, notamment sur le site internet de l'Assemblée nationale. Mais c'est-à-dire, il y a des concours pour voir si je connais assez de porno pour pouvoir rentrer? Ah, ça, je sais pas, monsieur. Oui. Et vous pouvez pas me donner 2-3 sites où je pourrais aller parce que... Non, déjà, moi, je suis pas parlementaire, hein, je suis standardiste. Donc. Ah oui, d'accord, mais peut-être vous pouvez me passer quelqu'un qui est un peu calé dans le domaine, que vous connaissez. Non, pas vraiment, non. Et puis là, je crois qu'on fait référence à la Grande-Bretagne et pas au Parlement français. Ouais, mais justement, normalement, en France, on est un peu plus... Enfin, on est un peu plus chaud, quoi. Je crois qu'il y a des filtres qui ont été installés à l'Assemblée pour pallier à cet inconvénient. Ah, mais on peut plus regarder alors l'Assemblée? Ah, je crois que c'est plus possible. Ah, non. Merde. Et si j'appelle au Sénat, vous pensez que je pourrais? Ah, ça au Sénat, je sais pas. Ah ouais, parce que je sais qu'à l'Assemblée, il y a un filtre puissant et qui interdit toute tentation. Ah ouais, l'Assemblée, ils sont plus vieux. Enfin, au Sénat, ils sont plus vieux, donc c'est peut-être un peu plus cochon. Allez savoir, je pourrais pas vous dire. Ah bon, bah écoutez, je vais les appeler alors. Si vous me dites que chez vous il y a un filtre et qu'on peut pas, ça sert à rien que je vienne, quoi. Si c'est que pour ça que vous venez, non. Ah oui, moi c'était que pour ça. Hein. Non, je pense que ce serait... Non, vous seriez déçu, à mon avis. Ah oui, bon bah écoutez, je vais appeler au Sénat alors. D'accord. Bah merci quand même, hein, monsieur Pompidou. Je vous en prie. Bonne soirée, monsieur. Au revoir. Ah, il est cool, hein, mec, à l'Assemblée, là. Bon, on va appeler le Sénat dans un instant. Bah, bougez pas, on va faire ça dans un instant sur Fun Radio, le temps d'écouter Floride avec Pitbull et de lire quelques messages. Il y a Bouli Dharma aussi qui dit on peut les fournir en vidéo. Pour nous, on est en train de rénover un sex shop. Ah bah, avec plaisir, hein, nous, on prend aussi. Mickaël qui dit mais qu'est-ce qu'il est con, ce Toff, quand même. Denis aussi qui dit j'avoue que Toff, qu'à côté de Toff, l'histoire de Polo, elle est nulle. Oui, ça, je suis assez d'accord. Ah oui, j'ai une merde. Ouais, Fanny qui dit j'ai une honte horrible. Moi, j'étais en exposé devant ma classe avec ma braguette ouverte. Quelqu'un l'a eu. Hurler, du coup paralysie, bah, tu m'étonnes. Et Lucie qui dit j'ai glissé sur une plaque de verglas devant tout le monde quand j'étais au lycée. Florian qui dit ah on chie tous dans notre froc ou quoi? Bah, écoute, ouais il y en a beaucoup. Hein. Et Alexandre BBS qui dit je me suis inscrit cette nuit sur Twitter juste pour faire une radio et tu m'as même pas fait une dédicace. Ben voilà c'est fait Alex et merci à toi en tout cas, c'est très gentil. Et alors un message aussi qui dit il faut le faire soigner franchement Toff. Oui je suis d'accord. On va revenir dans un instant sur Fun Radio. On est là en plein cœur de plus de 2 heures sans pub, ça c'est cool. On écoute Florida avec Pitbull maintenant, Can't Believe It. Juste après ben, on appellera au Sénat. On va encore essayer de rappeler le mec d'Amandine pour faire un plan à 3. On aura Anthony bien entendu dans quelques instants et puis bah vous en direct sur Fun Radio 01 42 48 5000 et 02 851 4x0 depuis la Belgique. Florida, Pitbull, on écoute ça maintenant, c'est Can't Believe It sur Fun, c'est Mickaël No Limits. 0, c'était pratique. Le nouveau Florida à l'instant sur Fun Radio avec Pitbull. C'était Can't Believe It. Et puis dans un instant, restez là, on l'avait demandé, on vous le passe sans problème. Martin Garrix sur Fun Radio avec Animals. Et je vous rappelle que si vous avez envie d'écouter un son en particulier avant 2h, bah faites-vous plaisir, hein, n'hésitez pas. Vous mettez le hashtag Mickaël maintenant sur le Twitter de l'émission et puis vous faites vos propositions. C'est pas plus compliqué que ça. Hashtag Mickaël avec vos propositions et on en parle. Et en parlant de hashtag, justement, faisons un petit tour du côté des top tweetos. Là. Comment ça se passe au niveau des top tweetos? Eh ben écoute, ah, ça a bougé un peu quand même. Ah, alors je rappelle le principe. Hein. Donc on élit tous les soirs eh bien, le plus influent, voilà, les auditeurs les plus influents. Influence sur la page de l'émission, donc sur le Twitter avec le hashtag Mickaël tout simplement. Et si vous voulez venir nous rejoindre, donc ça se passe tout simplement sur twitter.com. Vous tapez M-I-K-L underscore officiel, vous me faites un follow et moi aussi je vous ferai un follow pour vous suivre également. Alors, du coup, on était au le numéro 5, c'était qui tout à l'heure? J'oubliais, c'était Lotarellana. Ah oui, c'est ça. Et voilà. Donc maintenant, elle est 6ème. Ah, elle a perdu une place. Et qui est parti 5ème alors? Et donc, c'est Lolo Ricou. Lolo Ricou, bah bravo Lolo Ricou, pour l'instant, t'es 5ème. Et bah hier je rappelle que c'était Let's Be Freaks qui était arrivée première. Va-t-elle terminer première encore ce soir ou pas? On verra. Et où en est le Prince Tadia qui était troisième tout à l'heure? Toujours troisième. Toujours troisième. Et très bien. Ça va aller un peu d'avance sur le quatrième, donc normalement ça devrait le faire. Parfait. Et bah le Prince Tadia qui dit un coup de marteau piqueur, Mickaël. Ouais, bah sur ouais, la mais gueule tu. De Toff. Ah mais sur la gueule de Toff, alors d'accord, alors pas de problème. Il reste du caca quand il était petit. Là, très bien. On va enlever tout ce caca. Ah bah là il faut décoller là. Ah ouais. Ah, attention, et il y a Théo qui dit Toff ou pose caca. On va appeler pose caca maintenant, ouais. Mais c'est énorme cette histoire. Pose caca. Pour ceux qui n'étaient pas là tout à l'heure, là, bah, c'est dommage, vous avez raté un truc. On va vous le rediffuser demain. Bah, éventuellement, ouais, on peut y réfléchir, c'est vrai. Et alors, il y a Miss Izu qui dit déception totale, on peut plus regarder de porno à l'Assemblée. Ouais, on peut plus rien foutre à l'Assemblée, hein, franchement. Ouais, je suis assez déçu. Pauvre député, là. Ouais, franchement, je suis assez déçu également. Bon, on appelle le Sénat alors, puisqu'on a appelé l'Assemblée. Et l'Assemblée a dit que bah, il fallait appeler au Sénat. Oui. Parce que je rappelle que donc c'est des Anglais, hein, donc c'est au Parlement, c'est ça? Ouais, ouais, bien. Ouais, c'est au Parlement en fait, ils sont genre 300 000 connexions. Ouais, pour 5 000 employés, trouvez l'erreur. Bon, allez, on appelle au Sénat maintenant, on va vérifier s'il y a moyen de mater des films de cul là-bas, c'est parti. Sénat. Attends une seconde. On appelle, bon, on appelle dans un instant, t'as pas le bon numéro Il n'y a pas le bon numéro du Sénat. Bon, bah, c'est pas grave, on va l'appeler dans un instant, vous inquiétez pas. On va aussi appeler des gens, si vous voulez qu'on appelle des gens là pour essayer de gérer des doses au niveau des films de cul. Si vous pensez que les gens ont des films de cul éventuellement à partager, enfin n'hésitez pas quoi. Et on parle encore des hontes avec Joséphine aussi qui dit « Je me suis déjà tapé la honte avec ma mère, mais avec ma grand-mère dans un magasin, je cherchais un truc en bas du rayon. Là, elle se tourne dos à moi et me lâche une caisse en pleine tête, la honte que j'ai eu en plus. Il y avait un monde dans le rayon, en plus c'était un truc de dingue. Oh, la honte. Ah ouais, plutôt effectivement. Et Brittany qui dit j'attends le scooter de Toff là, vous êtes géniaux, Fun Radio. Ah bah attends, ouais, Brittany, attends. T'inquiète, c'est quoi, on va te faire un tour. Attends, on va te faire faire un tour avec le scooter de Toff. Alors démarrage. Allez. Oh, merde. Putain. Ah il veut pas, hein. On va le noyer là, Mike. Allez, bon, une seconde, j'arrête, attends une seconde. Mets un coup de kick là. Attends. Un coup de kick. Attends. Ah ouais, je me suis foutu de votre gueule, hein, c'est mon scooter ça. Bon, attends, on va démettre sur du Toff là. Voilà, est-ce que le mien c'est ça? Waouh. Ah, et tout de suite c'est un autre modèle, hein. Ah, c'est de la mécane ça. Eh, hey, vous avez vu que je gère dans le studio là, hein. Ouais, putain. Eh, hey, je gère là. Rassurez-vous, j'ai mis le casque. Attends, je prends le scooter top. Vas-y. C'est la course. Ce scooter de merde. Bah oui, mais qu'est-ce que tu veux faire, c'est un scooter de merde. Qu'est-ce que tu veux qu'on en fasse, on n'y peut rien nous. Bon, du coup on va rappeler ou pas, Toff là? Tu te ramenais un petit peu là. Ouais, hop là, c'est parti. Non, tu pars chercher un café, tranquille. Ah, il était en train de réparer le scooter. Je remettais les roues là. D'accord, d'accord. Bon, allez, on appelle. On a chié dans ton caleçon. On appelle le Sénat. Là aussi, c'est H24 Sénat. Pousse caca. Ah oui, il y a des permanents. Pousse caca. Allez hop, pousse caca, on y va là. C'est parti. Il y a Flanck, il y a l'assemblée de pervers, ouais. Bah justement. Allez, on appelle le Sénat. C'est parti. Il va pas s'en remettre. Allez, c'est parti, on appelle le Sénat. Parfait. Bon, je crois que ça a décroché au Sénat. Le Sénat, bonsoir. Oui, bonsoir monsieur. Oui, bonsoir monsieur. Oui, en fait je vous appelle parce que je viens d'appeler l'Assemblée nationale. Oui. Et parce qu'en fait je les avais appelés au sujet d'une information par rapport aux députés anglais qui passent leur temps à regarder des films porno. Ouais. Et donc il m'a dit qu'à l'Assemblée nationale c'était pas possible de regarder parce qu'ils venaient de mettre un filtre et tout, il n'y avait plus moyen. Mais du coup je voulais savoir si au Sénat vous pouviez regarder encore des films porno. C'est pareil. Ah c'est pareil. Bah alors, qu'est-ce qui s'est passé? Bah je sais pas moi. T'as coupé? Bah non. Bon bah c'est pas grave, écoute, on va essayer de rappeler le Sénat, c'est pas un problème. C'est pas un problème, on va rappeler dans quelques instants. On écoutera aussi Martin Garrix avec Animals dans un instant. Il y a un message de Ludo tiens, qui vient d'arriver qui dit « Salut les gars, merci beaucoup pour votre radio, est terrible à écouter, merci et bonne soirée. » Ah bah merci Ludo. Félicia aussi qui dit « Le Sénat, vous êtes des oufs. Je pense pas qu'ils vont être très très fun. » Ouais mais en même temps c'est pas le but tu ouais. Me diras. Florian aussi qui dit assemblée de pervers ouais. Serkan 2 qui dit à cause de vous j'arrive pas à dormir tôt maintenant, je suis obligé de vous écouter, sinon je dors mal. T'as raison. Moi-même si je fais pas l'émission du ouais, coup si je vais dormir, du coup mal. Je dors mal effectivement. Et alors il y a Amity qui dit Tof je te bénis, tu dépasses tout le monde avec tes hontes, respect à toi. Mais non mais c'est même merci, pas à lui, merci. C'est à sa mère. Parce que sans elle, déjà il ne serait pas là. Et puis bah sans oui. elle, oui. il n'y aura pas toutes ces hontes. C'est vrai, il n'y aurait pas tout ça. C'est ça le principal. Florian aussi qui dit, il demande s'il chie beaucoup aussi au Sénat. Et Let's Be Flux, il dit, Polo ne va pas se remettre de pause caca. Là, on est effectivement, on en a pour un petit bout de temps. Oh, avant de s'en remettre, je te le confirme. Bon, Anthony qui est avec nous également là. Bonsoir Anthony d'Ajaccio. Salut. Comment vas-tu? Ça va et vous? Bah écoute, ma foi plutôt pas mal, hein. on est plutôt bien là, on est en mode à la cool, 1h12 du mat, sans pub, pépère quoi. Tu fais quoi toi Anthony dans la vie? Ouais ben moi j'ai rentré au lycée. Ah merde, c'est quand que tu rentres? Lundi. Samedi? Non lundi. Ah lundi, j'ai eu peur, je me dis putain les mecs en plus même le samedi. Bon ça va, t'en profites encore de cette semaine, en plus il fait beau là pour l'instant. Non, tu me diras Ajaccio il fait toujours beau, mais enfin bon. Bon Anthony, ouais. On parle de quoi dis-moi avec toi. T'appelles pourquoi? C'est une anecdote, enfin une idée, on était en boîte avec plusieurs potes et copines et pour fêter l'origine du permis d'une copine et... Attends j'ai rien compris, pour fêter quoi? Le permis d'une copine. Ah le permis, d'accord ouais. Voilà donc et on va dire que c'est un peu parti en sucette. C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, on a fait un concours. Enfin, moi, je sais pas parce que je vais conduire après. Donc, il y a un pote qui a. Ouais, toi, t'étais le Sam. Voilà. Voilà. Il y a un pote. Ouais, t'as le swag. Il y a un pote qui a bu beaucoup plus que les autres et. Il a tout vomi. Non, c'est pas ça. C'est qu'il a. Il y avait un autre gars qui était homo et. Vu que mon pote était pas homo, donc il allait vers ce gars. Ils sont allés dans les toilettes et il s'est passé. Il s'est passé quoi? Et ils ont fait l'amour en fait. Oh bah ça rien de grave, c'est sûr ce qui arrive. Entre potes? Non, le mec, il y a que moi qui le connaissais, mais il était baisé, mais mon pote non. D'accord. Et bah du coup, et en fait ton pote il était tellement bourré qu'en fait il s'est pas rendu compte. Ou alors il a peut-être des tendances homosexuelles, hein, pourquoi pas? Ah peut-être, hein, mais je sais pas. Hein. Bah du coup, mais c'est pas très grave, La question, c'est surtout comment ton pote l'a réagi après, parce que c'est-à-dire que si lui n'est pas du tout gay, et qu'il y a un moment le lendemain on lui dit, alors t'as kiffé avec Robert là dans les chiottes, mais comment ça, quoi. Il a dit, en fait, il a pas trop bien capté ce qui s'était passé, donc. Dans le même, on a bien animé. Oh putain, mais t'imagines un peu, ça c'est quand même violent, parce que quand t'es pas gay du tout et que t'es même pas bi ni quoi que ce soit, c'est-à-dire que le lendemain. Tu te rends compte que tu t'es fait niquer par un mec dans les chiottes d'une boîte parce que t'étais bourré, c'est quand même violent. Hein. Ouais. C'est clair. Ouais, mais c'est. Après, il y a eu deux copines qui sont exhibées sur la piste alors qu'elles étaient pas bourrées. Ah putain, il faut que tu nous appelles hein, quand t'as des soirées ouais, comme ça. Donc, je veux bien venir. Hein. Non, mais parce que là, ouais. Comment t'expliquer? Bon, autant le mec dans les chiottes là en moyen, mais si t'as des copines qui s'exhibent comme ça sur la piste alors qu'elles sont même pas spécialement bourrasses, c'est bien. Hein. Non mais quand je dis exhibé, ils sont mis vraiment mis à poil. C'est ce que je dis, hein. Il faut que tu nous appelles, hein. Nous on vient. Hein. Ah ouais, non, vraiment, aucun problème, Anthony. Bah, dites-nous d'ailleurs si vous avez déjà eu des petits problèmes comme ça, des anecdotes, genre quand vous avez peut-être picolé un petit peu trop, hein, si vous vous en souvenez, évidemment. 01 42 48 5000 ou alors 02 851 4x0. Pas de souvenir, Tof, pas d'anecdote avec ta mère, l'alcool, tout ça, non, c'est jamais. Avec post-caca, faites-moi rire. Avec post-caca. Ah non, pas d'anecdote? Non. Non, Christophe, non, pas avec ma mère, quoi. Après, je peux vous raconter des anecdotes avec de l'alcool, mais il n'y a pas ma mère, quoi. Bon, ben, on en parlera dans un instant. Ouais, encore heureux, ouais. Ah non, vous avez dit avec ma mère. C'est vrai, on en parlera dans un instant. Anthony, reste avec nous, et puis on va récupérer Amandine aussi dans un instant, là. Amandine? Oui. Ah, Amandine est de retour, et on va donc devoir appeler Ludo dans un instant. Hein. C'est vrai qu'on avait, ça fait 3 jours que ça traîne cette affaire, 3 jours qu'on n'arrive pas à le joindre. Hein, qu'on tombe sur sa mère, hein, tout, on tombe sur son frère, et lui jamais. Alors à chaque fois, je dis à sa mère que j'appelle à 23h pour que ce soit plus tôt, et il décroche jamais. Résultat, bah, je vais de nouveau téléphoner en pleine nuit, ils vont gueuler, forcément. Forcément. Bah évidemment. Ah, on a récupéré Virginie apparemment qui est là aussi, là. Virginie. Ouais, je suis là. Bah, on n'arrivait pas à joindre tout à l'heure, là, Virginie. J'étais occupé, dis donc. Qu'est-ce que tu faisais? Vous faites partie du service de l'ordre? Bah ouais. Service. Ça m'étonnerait fort. Elle est occupée avec Ludo. Eh, moi je suis de la police, hein, qu'est-ce que tu crois? S'il vous plaît. Excusez-moi. Alors Virginie, les papiers là? Oui, merde, voilà. Vous faisiez quoi? Déjà de à Michael, je préfère vous dire tranquillement à tête reposée. Amandine, pour elle. Allez-y, tapez-vous des barres, mais le jour où vous allez avoir les figurez-vous, c'est téléphone à la gendarmerie, là, ils vous écoutent. Bah attends, elle est déjà là, elle est déjà là, la police, là. La police nationale, s'il vous plaît. Regarde, ils sont tous là. Allez, c'est vrai. Je vais prendre le scooter, là. Eh, je peux aller en scooter, là? Ouais, vas-y, ouais, si vas-y, tu veux, ouais. Scoot. Alors, attends une seconde, là, parce que il est garé où, le scooter? Il est là, tiens, ça y est. Il est dans le fond, là. Scooter, il est là. Qui a un avion de chasse là dans l'équipe, hein? Bon, alors du coup là, il s'est passé quoi? Je comprends pas là. Attends, est-ce que je vais arrêter là? On vient d'arriver là. Hop là, voilà, c'est bon. Qui a un avion de chasse? Non, c'était moi qui suis passé avec la voiture, mais bon, c'est une voiture un peu rapide, quoi. Oh, voilà, c'est ça. Bon. Un coup de paix, s'il vous plaît. Alors, bah d'accord. Alors. Bon, Virginie. Allez, hop, sur la porte, on est tranquille maintenant, là, on est à la cool, on est en voiture, on est pépère. Ouais, j'écoute. Bah, je sais pas, c'est toi qui disais un truc. Bah alors, Virginie. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Bon, on l'appelle ou pas Ludo alors? Ouais, on l'appelle. Ouais, bah vous pouvez l'appeler si vous voulez, mais à ce que j'ai à dire, Amandine, elle m'a fait passer pour que je ne suis pas devant je ne sais combien de personnes, mais j'ai pris gentiment. Eh, Virginie, ferme ta gueule, j'ai rien dit. T'as rien dit? C'est toi qui as peur que je me tape Ludo. Mais t'inquiète pas, je vais me le taper, je vais lui sucer sa grosse bite de noir, tu vas voir. Et tu prends pour qui? Je sais où il habite, j'ai son adresse, il fallait pas me la montrer. Voilà, donc là, ils nous entendent plus, donc là, je pense que... Je t'emmerde, grosse vache. Moi, pour dire que je vais te prévenir. On se met de manger jusqu'à 2h. Moi, je t'emmerde, grosse vache, va courir dans ton régime, quoi. Putain. Va te laver, tu pues. La baisse même dans son cercueil, dans son cercueil. Nique ta mère, sale pute. Ouais, c'est bien. Bon, eh oh, dis donc, vous êtes les meilleurs amis du monde, là, Amandine et Virginie, quand non, même. Non, c'est pas vrai, on n'est pas mais des si. Meilleurs amis. Hein. Ouais, si, vous êtes les meilleurs amis. C'est une grosse cinglée, alors. Amandine, aimez-vous. Virginie. Ouais. Aimez-vous les uns les autres. Du pinard et du cul. Oh. Aimez-vous les uns les autres. Non, il n'y a pas moyen, laisse tomber. Allez, on fait un tour en voiture. Moi, mais bon. Allez, venez. Eh, hey, pousse quelqu'un, rentre, là. Allez, viens. Bon, on y va? Ah ouais, on y va? Allez, c'est parti. Je mets la sirène. C'est pour éviter les embouteillages. c'est des Mongols. Merde, il est pété mon klaxon. Ah bah ouais. Bon. Bon, Virginie, allez, fais un bisou à Amandine. J'en veux pas. Allez, allez. Bon, Amandine, fais un bisou à Virginie. Mais certainement pas. Je veux faire un bisou à Ludo, moi. Oh. Oh là là. Bon, on appelle Ludo. Allez. Bah, vu que tu as toujours l'appli, il a débranché ton fixe, c'est ballot, hein. Bah, c'est pas grave, on va rester, on sait jamais. Au pire, on essaiera demain, il y a bien un moment où il va le rebrancher. Bah, vous pouvez toujours essayer, à moins qu'il le rebranche. Fais gaffe, ne nous mets pas au défi, parce qu'on est capable d'appeler jusqu'au mois de juin. Hein. Je m'en fous, j'ai trouvé ton numéro de portable. Trois fois par jour. Tu tentes rien à rien, mais vous subirez les conséquences. D'accord, t'inquiète pas, j'ai le bras long à la police. Tu vas faire quoi là? Bienvenue au club alors. Hop, hop, hop, on a un paquebot. Hey, tu vas faire quoi? Nous vous mettons en liaison avec la police ou la gendarmerie nationale. On a une pelle, on a un lance-flamme, on a un paquebot. Voilà. Et on a même une mouche. Apprivoiser la mouche. Exactement. Hop. Mais je l'ai tué tard la mouche, ça a dit. On en a pas une autre, Toff? Dans ton caca là. Ah bah voilà. Attends, et moi je gère hein, pour les mouches là. Oh putain, un moustique. Oh merde. Ah, il décroche plus là, Virginie, hein. J'ai pas des paroles de pute. Non mais qu'est-ce que tu parles mal par ah contre. Ah ouais, Virginie, dis donc. Je m'en bats les couilles. Oh là là. Fais un effort. Dis, je ne m'intéresse pas à vos propos. Alors attendez, voilà. Parce qu'il y a Lucie qui va envoyer un tweet là. En fait, je pige pas leur histoire. Alors je réexplique, c'est vrai que j'aurais dû le faire. Amandine et Virginie nous ont appelé. Ah attendez. Oh là là. Ça m'a saoulé ce métier, ils m'ont rendu ouf. Bon, donc, c'est pour m'emmerder. Je vais lui rouler dessus avec le vendeur. Déjà premièrement, et deuxièmement, c'est pas avoir un cadeau complètement stupide. Parfait. Pour la voir. Bon, alors du coup, donc, Amandine et Virginie nous ont appelé lundi. Elle kiffait. Est-ce que je peux remplacer une Virginie? Elle kiffait toutes les deux le même mec. Et comme elles n'arrivaient pas à se départager, elles ont proposé de faire un plan à trois et d'appeler le mec pour lui proposer un plan à trois. On a essayé d'appeler, on est tombé sur la mère qui l'a mal vécu, qu'on l'appelle à 1h30. J'avais dit, t'inquiète pas madame, on te rappelle demain. On appelle demain vers 23h pour tomber, Virginie. Pour tomber donc finalement sur personne quand on appelait le lendemain à 23h. On a donc appelé à 1h du mat, on est tombé sur le frère, c'était hier soir. Donc entre temps, Virginie a pété une durite puisque du coup elle voulait pas qu'on appelle. Et donc du coup elle est arrivée à ça, à s'insulter comme du poisson pourri. Exactement. Comme elles sont. Voilà, j'ai bien résumé? Oui. Virginie? Sans commentaire. Bah non, est-ce que j'ai bien résumé? Sans commentaire. Est-ce que j'ai bien résumé? J'en ai marre d'utiliser ma salive pour des conneries, voilà. Oh, dis donc, Virginie, allez. Bon, fais le langage des signes, alors. J'ai bien résumé? Parfait. Tu vois quand tu veux. Bon, alors. Il y a Alexandre aussi qui dit, fais-lui un petit bisou, Virginie. Allez, fais un bisou. Allez. Fais un bisou. Je t'aime, Virginie. De l'excuse. Oh, mais l'autre, là, c'est pas possible. Oh, Virginie. C'est beau. Bah, Virginie, dis-moi des mots d'amour. Il y a peu de jours, tu voulais me faire minette. Oh là là. Allez, faites-vous un bijou. Je vous mets un petit slow. Oh putain, quelle grosse salope celle-là. Allez, faites-vous un bisou. Non, moi j'en fais pas. Faites-vous un bisou. Maintenant, c'est elle à me faire un bisou. Vas-y Virginie. Quoi? Bon, je suis pas en claquement d'eau comme ça, mais t'as vu la Vierge ou la Vierge, quoi? Moi j'ai vu la Vierge, elle était bonne. Ah bah. Et ne blasphème pas, s'il te plaît. Hein? Hop, hop, hop. Tu me dégoûtes. Tu te mets dans le cul, c'est bon maintenant. Tu me dégoûtes. C'est bien. Arrêtez vos conneries la dernière. Tu te mets dans le cul, c'est bon maintenant. N'importe quoi. Tu me dégoûtes. Non mais calme-toi. Oui. Voilà. Vous êtes des fils de pute. Nique ta mère. Oh hein? Ouais, tu vas te dire. Nique ta mère. Je sais que c'est une voix qui me dit ça, mais attention à ce que vous dites quand même. Hein. Attention. Nique ta mère. Et moi je dis que ton père t'a... Tu te mets dans le cul, c'est bon maintenant. Je sais que c'est une voix qui a été enregistrée. Tu me dégoûtes. Eh bien, tu me dégoûtes. je parle à nouveau. Non, mais calme-toi. On va me prendre pour une dame, je parle à nouveau. Yo. Je veux plus avoir de nouvelles de toi. Est-ce que tu comprends? Qu'est-ce que tu veux, toi? Je t'avais dit que je voulais plus t'entendre. Allô? Oui? Virginie? Non, c'est Amandine. Virginie? Elle est morte enterrée. Virginie? Si tu réponds pas, ça veut dire que tu veux plus Ludo et que tu le donnes à Amandine. Mais couille avec, ouais. Ah, c'est fait. Je l'aurai, Ludo. Bon, ben on rappellera demain, du coup, hein. Pas de problème, on va essayer de la voir, hein. Ah bah, y a pas de problème. Penser, hein. Bon, ça marche. Bon, ben gros bisous les filles, hein. Gros bisous les deux meilleurs amis du monde. Bisous. Salut, à vous deux, à bientôt. Salut. Ciao, bye bye. Oh là là là là là là là là là là. C'est quand même un truc de ouf quand même. Bon, message aussi de Louise qui dit coup de pelle à Virginie, elle veut pas fermer sa gueule. Allez hop, ça y est, c'est fait. Et puis il y a aussi MMLP2 sur le Twitter qui dit je viens de me faire retweeter par l'immonde personnage qui se prend pour Dieu, Mickaël. Par l'immonde personnage qui se prend pour Dieu, c'est Dorian là tout à l'heure. Et il y a Virginie qui a aussi envoyé un message qui dit on kiffe trop ce que vous me faites. On sera toujours là pour vous écouter et on parle de vous. Merci Virginie, ça fait plaisir. On écoute Martin Garrix. Ouais. Ça me paraît pas mal. Pose quelqu'un, tu veux ou pas? Mais grave. Eh bah oui, il adore évidemment. Allez, venez parler avec nous, prenez contrôle de la radio, on est là jusqu'à 2h. Et venez également nous rejoindre sur Twitter. On va faire le top tweeté au stade avant 2h. Vous appelez MIKL_officiel pour venir nous rejoindre. N'hésitez pas, vous me faites un follow et moi aussi je vous ferai un follow sans problème. Stéphane Radio et Martin Garrix à l'instant avec Animals. On va reparler dans un instant avec Anthony. Il y a également Adrien là qui voulait nous parler aussi de conneries qu'il a faites quand il était bourré. T'es déjà là Adrien là, dis-moi. Ouais, salut les gars. Ça va bien? Ça va et toi? Bah tranquillement, t'appelles de Lyon toi, 22 ans, c'est bien ça? Exactement. Ouais. Et dans la vie, tu fais quoi? Étudiant, tu travailles déjà? Ouais, je travaille, ouais. Travaille, très. Sécurité, ouais. Tu fais quoi? Agent de sécurité. Agent de sécu, d'accord, ok. Ouais. Donc toi, t'es là, t'es en train de travailler, là? Hein? Ouais, je suis au travail, là, ouais. Ouais, ça s'entend, hein. Ouais, non. Donc tu es là, écoute la radio, pépère, tranquille. je parie que t'es sur Twitter, Internet et tout ça, non? Ouais, bah oui, je me suis dit. Ah bah oui. Attends. Eh, bah, évidemment, évidemment. Et est-ce que comme tous les agents de sécu, tu joues en réseau à Call of? Bah attends, normal aussi. Bah oui, évidemment. Films de cul. Mais normal. Bon, Adrien, reste avec nous. Tu vas nous raconter un truc qui t'est arrivé quand t'étais bourré. Donc bouge pas de là. Avant ça, on va donc rappeler le Sénat maintenant là. Ça avait merdé tout à l'heure là. On rappelle le Sénat du coup, Tof. Allez, on y va. Allez, c'est parti. Direction le Sénat. Je rappelle que en fait, c'est parce qu'on s'est rendu compte que à l'Assemblée en Angleterre, en fait, il y avait 5000 personnes qui y bossent, 5000 employés, et qu'il y avait 300 000 connexions sur des sites de cul. Donc du coup, on voit si c'est pareil ici. Hein, donc allez hop, c'est parti. Direction le Sénat. Et puis on appellera des gens aussi tout à l'heure, hein, essayer de négocier. Le Sénat, bonsoir. Oui, bonsoir monsieur. Oui, bonsoir monsieur. Oui, en fait je vous appelle parce que je viens d'appeler l'Assemblée nationale. Oui. Et parce qu'en fait je les avais appelés au sujet d'une information par rapport aux députés anglais qui passent leur temps à regarder des films porno. Oui. Et donc il m'a dit qu'à l'Assemblée nationale c'était pas possible de regarder parce qu'ils venaient de mettre un filtre et tout, il n'y avait plus moyen. Mais du coup, je voulais savoir si au Sénat, vous pouviez regarder encore des films porno. C'est pareil. Ah, c'est pareil? C'est pareil, oui. Ah ouais, en France, on peut plus alors? Non. Ah bon, et dans les ministères, vous savez s'il y a moyen? Ah, bah, il faut que vous appeliez les ministères, monsieur. Ah oui, parce que peut-être qu'eux, ils ont des filtres un peu moins puissants. Je sais pas, Mais d'où vous est venue cette idée? Bah, je regardais BFM TV, vous voyez, et ils parlaient des députés anglais. Et là-bas, en fait, il paraît qu'il y a eu 300 000 connexions sur les sites porno dans le bâtiment du Parlement. Appelez les ministères, monsieur. Ouais. Mais vous savez, pour vous, c'est qui le ministre le plus cochon? Comme ça, je peux peut-être appeler directement là-bas. Non, je peux rien vous dire là-dessus, monsieur. Ah, vous pouvez pas? Non, du tout. Bah, vous avez bien une idée quand même. Non, du tout. J'ai pas de temps à perdre pour ce genre de recherche. Ah oui, mais vous avez bien une idée personnelle, monsieur. Du tout. Ah, pop. Aucune. Ah, allez. Aucune. Vous êtes vraiment sûr? Je suis certain. Ouais. Si je vous donne des noms, on peut faire un code. Ce que je vais faire, monsieur, je vous souhaite une bonne soirée. Ah déjà? Oui. Bah attendez, on vient à peine de faire connaissance, je sais même pas comment vous appelez. Du tout. Bon, ce que je fais, je relève votre numéro de téléphone, hein. D'accord. Hein. Et puis on essaiera de... De se recontacter? De se recontacter, oui. D'accord. Voilà. Bah j'attends votre appel, alors, et vous me direz qui c'est les plus cochons. D'accord. Bonne soirée, monsieur. Oui, à tout de suite. Au revoir. Ah bah il est parti. Ah il va me rappeler pour me dire qui sont les plus cochons. N'empêche, cool aussi là, t'as vu la sonnerie derrière là. Ring, ring, ah ouais, on sent qu'ils ont un téléphone high-tech, totalement high-tech. Bon, non, tu me diras, sur les iPhones, tu peux mettre des vieilles sonneries aussi, ouais, mais je pense pas que c'était quand même un téléphone high-tech pour le coup. Bon, si vous avez des numéros de téléphone, vous connaissez des gens là qui sont collectionneurs de films de boules, dites-nous. Hein. C'est peut-être quelqu'un qui était en train d'appeler pour dire qu'on l'appelait. Ah oui, pas con, effectivement, c'est possible. Donc dites-nous, et puis on les appelle avant 2h du mat, donc 01 42 48 5000 ou alors 02 851 4x0 depuis la Belgique. Alexandre qui a envoyé un message également qui dit « Je suis agent de sécu et ouais, je joue à Call of le défouloir ». Mais ouais, mais voilà. Tous les agents de sécu, ils jouent à Call of. Adrien, on a trouvé des mecs pareils que toi. Hein. Ah, c'est bon ça. Eh ouais, il y a Serkan aussi qui dit 300 000 connexions sur les sites de cul. Il doit y avoir un trou dans leur sécurité. Ah oui, oui, je pense aussi, ouais. Et Marine qui dit vous êtes grave avec vos films de cul, les mecs, sérieux. Bah non, mais bon, après, nous, si c'est disponible, on prend quoi, tu vois ce que je veux dire? Bah oui, voilà. on va pas cracher dessus. Bah si, oui. Peut-être, mais bon, c'est une manière différente de voir les choses. C'est moi le crado dans cette émission. Il y a Claim aussi qui dit je compatis à ton petit surnom, Pose Caca, on m'a appelé comme ça aussi le lendemain d'une soirée. Et Lucie qui dit en fait, j'ai pas pigé leur histoire. Ah bah non, mais ça c'était. Ah si, je t'ai déjà raconté ça, c'est un message que je viens de relire, autant pour moi. Et alors un message aussi qui est arrivé de Miss Sizou aussi, Miss Sizibou, qui dit et moi j'ai pas le droit à mon tour en scooter avec Toff. Ah oh, bon, allez, d'accord, oh là là. Allez, viens. Mets ton casque. Hein. Ouais, mets le casque parce qu'on rigole pas avec ces conneries-là. Hein. Il y a un message qui dit aussi il est pas sale votre studio avec tous les tours en moto là. C'est Serkan qui a dit ça. Non, ça va encore, hein, ça va encore. Bon, allez hop, c'est pour toi. Petit tour en moto, on démarre. Voilà, petit tour en mobylette, comme ça c'est cool. Adrien, tu veux pas faire un tour en mobylette hein? Bon, c'est vrai. T'as raison. Bon, Adrien, qu'est-ce qui t'est arrivé, toi, quand t'étais un petit peu bourrasse, comme Anthony, qui est toujours avec nous d'Ajaccio, hein? Ouais, moi, je suis toujours arrivé. Et ce qui est bien, c'est que pour le standard, Ajaccio, c'est dans le 21 dans les Côtes d'Or. Là, il y a un moment, c'est pas au même endroit, hein, c'est... On va vous acheter un atlas, les girls. Voilà. Bon, alors, Adrien, vas-y, on t'écoute. Ouais, donc en fait moi ce qui se passe c'est quand je suis en soirée en fait, régulièrement j'invite ma belle-sœur, donc la sœur de ma femme, et à chaque fois que je l'invite, eh bien, ça finit au lit en fait. Mais c'est bon, elle est au courant ta femme? Non, ben non. Ah non, mais on sait jamais. J'ai le bordel dans la famille, c'est au courant? Non mais on sait jamais, c'est pour ça. Je pose la question, tu vois, ça paraît tellement improbable. Mais il y a... Parce qu'elle a des doutes quand même, parce que bon, des fois on s'éclipse... pendant quelques temps et on revient ni vu ni connu à deux, ouais. Donc je pense qu'elle doit avoir les doutes. Elle, tu reviens, t'as le pantalon de travers, elle a la jupe qui est plus tout à fait bien centrée, elle a la bouche qui pue. Non mais une question, y a pas assez de filles dans le monde pour que tu pécho la sœur de ta femme? Ouais, tu pourrais faire un effort. C'est grave quoi. Ouais, non, c'est clair, c'est vrai que ça craint, mais je sais pas, c'est... Mais ça c'est un... Non vas-y, t'allais dire. Ouais, en fait, tu veux, ouais, le problème qu'il y a, c'est que quand je suis en soirée avec d'autres filles, je couche pas avec, mais il y a qu'avec ma belle-sœur, en fait. Mais c'est improbable, pourquoi ta belle-sœur? Mais elle est bonne. Ouais. Non, mais d'accord, mais... Après, non, je sais pas. Non, c'est vrai que c'est bâtard de ma part, après, de la sienne aussi, mais... Et toi, c'est son fantasme, de s'appeler la sœur. Ah ouais, ouais, voilà, c'est de me faire les deux, en même temps. Quelle horreur! J'ai essayé une fois, et en fait, c'est tellement nickel avec elle qu'elle fait ce que je veux, enfin, il y a de la part. Donc tu te trompais de meuf, c'est ce que tu essayes de dire, en fait. Ouais, en gros, c'est ça, ouais. Et pourquoi tu divorces pas et que tu te maries pas avec l'autre? C'est il y a un moment... Non, je suis pas marié, c'est ma copine, mais... Ah bon, bah voilà, mais c'est encore plus facile. C'est qu'en fait, je suis quand même amoureux de ma femme, enfin de ma copine, je suis quand même amoureux, tu vois, mais... Mais non, mais si t'étais amoureux, t'irais pas voir ailleurs. Ben ouais, mais c'est que au lit, et j'ai pas ce que je veux, quand je veux, tout ce que je veux, tu vois, avec elle, c'est genre une fois par mois, donc... une fois, voire deux fois par mois, tu vois, donc c'est... Je suis un mec, tu vois, j'ai des envies, j'en ai déjà parlé, elle veut pas... En genre l'excuse, ouais. Ça va, bah, voilà, mais comme tu me suces pas assez, bah moi, tu comprends, je vais aller voir ailleurs, hein. On peut voir ta sœur. Ouais, non, mais, ouais. Ça, mais bon, je pense qu'elle a compris que moi, de toute façon, je l'aime, mais c'est pas pareil qu'avant, donc je pense que je vais la virer, quoi, parce que... Bah oui, il y a un moment, ouais, sois honnête avec elle, effectivement, ouais, c'est ça, ouais, vire-la. Ouais. En fait, c'est pas un employé, tu la vires pas, tu vois. Ouais. Séparé d'elle. En fait. C'est ça. Et bon, écoute, je vais te donner tes papiers, tire à la compta. Hein, et puis merci de passer. Hein, je te file tes indemnités. Tu rentres ton badge, tes clés, tu te casses. Voilà, c'est ça, ouais. Bon, bah écoute, bah fais le bon choix, Adrien, mais à mon avis, il est déjà fait. Hein. Ouais. Choisis la belle sœur. T'as raison, ouais. Non, je vais choisir aucune des deux, je pense que je vais pas... Je reste célibataire et puis voilà. Mais voilà, c'est ça. Voilà, sois célibataire et puis tu continues avec la sœur de temps en temps. Ouais, parce qu'en fait, je me rends compte que c'est dégueulasse de ma part, tu vois, ça se fait pas, tu vois, j'en ai parlé à mon meilleur pote, il m'a dit que c'était vraiment bâtard de... Mais oui, bâtard, donc, évidemment, ça c'est clair. Donc, voilà, ça fait un an que ça dure et je pense que le mieux, c'est que je pars, quoi. Un an, c'est chaud. Un an que tu te fous de sa gueule, très quelle violence. Quoi. Et avant de les quitter, mets-leur un dernier coup. Ouais. Pour moi, tu m'as pris pour moi. Gratuit. Alors, tu fais la morale. Le mec sale con. Bon, et merci Adrien d'être passé en tout cas. Ouais, de rien. Je peux vous gratter un petit pack fun ou quoi, les gars? Ouais, tu vas gérer ça avec Kelly, t'inquiète, au standard, pas de problème. Salut Adrien. Ciao les gars. Allez, ciao à toi. Ciao. Et Anthony, merci à toi d'être passé aussi. Hein. Je peux avoir aussi un pack fun. Tu vas aussi gérer ça avec Kelly, t'inquiète. Ok, je peux te passer une dédicace. Allez, vas-y, à une personne, hein, tu connais la règle. Ok, elle est divine, ma petite amie, je t'aime, je l'adore. Non, oh, c'est mignon, très bien, je t'aime, je l'adore. Pas de problème, bah, le message est passé, Anthony. Passe une bonne soirée à l'écoute de Fun, bonne nuit là-bas. Aussi. Salut, ciao à toi, bye bye. Et toujours sans pub sur Fun Radio, là on est bien. Et on va prendre Mika aussi, qui est avec nous, le Bordelais. Bonsoir Mika. Salut. Ça va? Ça va, et vous? Bon, ça va, tranquille. Hein. Alors toi, tu voulais parler des films de cul, toi, c'est ça? Ouais, c'est ça. Bon, alors attends, parce qu'on va essayer d'abord d'en gratter. On va d'abord essayer d'aller voir un petit peu s'il y a moyen d'en gratter. Hein, vous avez été nombreux à nous envoyer des numéros de téléphone, notamment via le standard et via les messages privés là sur Facebook et sur Twitter. Et on en a un apparemment qui serait au taquet des films de cul. Donc on va l'appeler, puis on va l'appeler avec Toff là, pour voir s'il y a moyen de négocier, quoi. Bah vas-y, on essaye. Une petite négociation, donc allons-y, c'est parti. Bouge pas, hein, Mickey, on te reprend dans un instant, là, reste là. Ouais. Allez. Il dort, mon ami. Ah, mais les dormeurs, ça dort. Hein. Bah, c'est une ça. Une bonne branlette et au lit. Allô? Oui, bonsoir. Oui? Ouais, ça va? Qui c'est? C'est Toff. Tu te trompes de numéro, mon gars, là. Non, on m'a donné ton numéro, on m'a dit que t'étais un expert en film de cul. Ah non, tu te trompes de numéro, là. Et que t'avais deux trois bons titres à me donner pour que je puisse me palucher ce soir. Non, tu te trompes de numéro. Mais non, t'inquiète, ça restera entre nous, pas de soucis. Allez, ne rappelle plus, va. Hein? Oui, mais pour les titres, on fait comment? Fais le gentil, ne rappelle plus, va. Hein? Allez, fais le gentil, hein. Qui parle avec Lefs. Allez, fais-le gentil, hein. Allez, fais-le gentil. Bon, on va le rappeler. Il est vraiment pas gentil, celui-là. Mais on était en Corse, non? Enfin, en tout cas, il avait un accent du sud. Hein. Ouais, je crois, ouais. Bon, on rappelle. Il va rappelle. Descendre. Ouais, sois ouais. Gentil. Fais gaffe. Ouais. On rappelle. Allez. Je pense qu'il va t'énerver, là. Ah, il va péter une durite. Ah ouais, clairement. Ouais, pourquoi tu veux pas me donner les titres? Ah, c'est un truc, c'est un ordinateur qui parle. Mais non, je suis pas un ordinateur, moi je suis un vrai mec, je veux juste savoir pourquoi tu veux pas me donner les titres des films. Ordinateur. Mais non, je suis pas un ordinateur, allô? Mais non, c'est pas neuf. Mais non, qu'est-ce que vous voulez? En fait, on m'a dit que ton mari, il était un peu chaud et tout, qu'il avait des titres de films de cul à me donner. Va te faire enculer toi-même et tu seras mieux. T'as compris? Maintenant, si tu continues, j'appelle les flics. Mais j'aime pas les Nous vous mettons en liaison avec la police ou la gendarmerie nationale. Ah, elle a pas aimé la police et la gendarmerie nationale, hein, donc non, bah tant pis. Hein. Bon, si vous avez d'autres numéros, n'hésitez pas. Hein. Visiblement, là, on n'a pas eu l'occasion de faire notre marché, c'est bien dommage. Mais peut-être avec Mika. Hein. Mika, toi, tu voulais nous parler de films de cul, toi, on t'écoute. Ouais. Alors, bon, j'ai des compètes de films, franchement. T'as des quoi? J'ai des compètes de films. C'est-à-dire? Alors, si je peux vous conseiller un film, c'est un super film recommandé. Ça s'appelle Les putes de l'autoroute. Alors, je pars immédiatement sur Google. Les putes de l'autoroute. Mais qu'est-ce que c'est naze. Oh putain, et ça c'est effectivement très naze. On en avait une aussi, on était tombé sur un film de merde. Ah c'est bon. Pas un film de merde, un nom en tout cas. Hein. C'était... C'est vraiment le routier en fait, le routier. Qui est vraiment à la carte de France. Mais enfin, vraiment... C'est la carte du monde, on dirait. Et en fait, il se déplie une carte sur lui, il fait juste un petit trou au niveau de sa queue, quoi. Et puis, ben en fait, ben il se tape une pute de l'autoroute, justement. Oh là là. Donc, la pute ne voit pas à qui elle a affaire. Mais c'est pas possible. Un film de 1992 durait 1h20. 1 minute. J'allais dire 1 minute 20, mais non, c'est 1h20. 1h20, ouais. Ça a été remasterisé, alors. Hein. Ah oui, bah bien sûr. Sinon moi j'avais aussi un très bon titre à te proposer. Alors le film on l'a jamais vu, enfin vraiment l'ancien quoi. C'était Une blonde, une brune m'a bité mon couteau. Voilà, ça se passe dans un bois. Ça se passe dans un... Ça se passe dans un mois, donc à voir. Tu dis ? Ouais, à voir, ouais. Voilà, une brune, une blonde, ma bite et mon couteau. Je sais pas ce qui se passe dans la tête des gens, c'est des producteurs de films de cul, parce qu'ils ont quand même des idées quand même parfois tellement improbables. Bah oui, il y a Blanche. Ah, c'est assez farfelu quand même, c'est assez farfelu. Ouais. Bah oui, bah a... Blanche-Neige et les sept mains. Non, c'est Blanche-Fesse. Ouais, j'en ai vu un aussi, c'était Blanche-Neige et les sept mains. Ouais, c'est ça. Oui, non, mais c'est Blanche-Fesse apparemment. Moi, il me semblait que c'était Blanche-Neige et les sept mains. Désolé pour le bruit, c'est les camions qui passent à côté. Ah, c'est toi qui as fait le film. Ben, non. Ouais, mytho, ouais, c'est ça. C'est toi qui as la carte de France sur ta bite. Par contre, moi, justement, je cherche à tourner dans des films porno. Non, ah bon, pourquoi? Mais parce que c'est un truc qui m'intéresse, donc... Mais tu sais que tu rentres pas là comme tu veux, hein. Toff, là-dedans, a également une anecdote à nous raconter, puisque Toff, à un moment, a voulu faire également un film de cul, et il s'est fait... jeter. Recalé. Voilà, exactement, ouais. Trop petit bite. J'ai mon fils aussi qui veut tourner dedans. De quoi? J'ai mon fils aussi qui veut tourner dedans. Ton fils? Vous regardez bien. Quel âge il a? Il a 19 ans. C'est-à-dire? Il a 10, il va faire 20 ans, là, il veut tourner dans des films porno, en fait. Pourquoi? Parce qu'il est assez attiré par les films porno, il voit les femmes qu'il y a dedans, donc ça l'intéresse. Et bon... Bah alors, sinon vous faites... on a des copines, nous, dans le porno. Ouais, oui. Mais sinon vous faites une petite production à deux, vous faites, tu vois, vous faites les films de papa ou un truc comme ça. Tel et père, vous... tel fils. Et vous filmez vos trucs et vous mettez sur les sites genre YouPorn et tous ces trucs là. Mais après ouais, sur YouPorn on a déjà posté Non mais attends parce qu'il faut quand même que je suis pas spécialement, c'est vraiment pourri au niveau de la qualité quoi. Ouais mais après ça dépend ce que t'envoies, mais c'est même pas ça le souci, c'est qu'il y a un moment attends, ils ont pas bloqué les films porno à la radio, non. Donc alors dis pas ils vont le faire demain. Putain ouais, bon là on a un porno là, qui tourne, c'est cool. C'est le film dont il parle, hein. Ah ben bah, oui, c'est le film c'est les putes d'autoroute. Voilà. Non, c'est pas ça. Non, là c'est avec des beurettes. Mais non, non, tout à l'heure, les putes de l'autoroute, c'est dans ce film dont tu nous as parlé. Ouais. Ben voilà, mais donc c'est Toff qui l'a cherché, en fait, il l'a trouvé, donc... Voilà, et là, je l'ai mis en diffusion dans le studio, sur le grand écran. Voilà, sur un grand écran, donc on est là, bon, c'est terminé. C'est, bon, c'est la finale, c'est parfait. Ah, bon, il y a d'autres scènes, hein, il fait 1h20, le film. Et donc, je reviens sur un truc, je suis pas spécialement vite choqué, mais donc, tu vas tourner avec ton fils? Non, c'est mon fils qui veut tourner avec moi. Ouais, enfin, peu importe, mais ça revient au même. Non, vous allez tourner séparément, mec, parce que ouais, toi, non, tu vas être dans un coin de la pièce et lui va être dans un autre coin. Non, mais c'est quand même un peu glauque, non, comme histoire, bah, là, oui, non? C'est dégueulasse. De faire ça avec ton propre fils? Ben, au début, il m'en a parlé de faire ça avec sa mère, donc je lui ai dit non, c'est vraiment pas possible. Ah, mais oui, mais attends, mais c'est sérieux. Je vois mal ma femme faire ça dans... Sans déconner. Non, mais surtout avec le fils. Enfin, mais il est bizarre, ton fils, il a un problème dans sa tête ou quoi? Pourquoi il fait pas ça avec des potes ou avec des gens, enfin, avec son père et sa mère, ça veut rien dire. Bah, après, je sais pas, hein. Je sais pas ce qu'il a dans la tête. Hein. Il faut qu'on l'appelle, hein, l'occasion. Hein. Dis-lui qu'il nous passe un coup de fil ou qu'il appelle le doc. C'est une bonne idée, ouais. Je lui dirais qu'il vous passe un coup de fil là-dedans. Voilà, ouais. Voilà. Il y a Alexandre BBS qui dit souvent, il y a maman, j'ai raté le trou de fion. Oh putain, franchement. Ça, c'est bon. Ouais. Et alors, il y a DJ Brubru aussi qui dit, pour Toff, film de cul, c'est Russian Institute 3. Oh, ouais. Il est énorme. Quoi, il est énorme? Le Russian Institute. Ah faut bah. Si vous pouvez le voir, il est super. Ah ouais, super, ouais. On dirait qu'il nous parle d'un, tu sais, d'un Tarantino, ouais. Il était là, c'est un gros film. C'est énorme. Oh, il est énorme, celui-là. Il est énorme, c'est un dorsal. Ah ouais, il déchire tout, effectivement, ouais. Bon, bah du coup, on parlera demain des films de cul, parce que sinon, là, ce soir, on n'aura pas le temps de bien en parler avec des noms improbables. D'ici là, Toff, il aura préparé toute l'émission, là, dès ce soir. Ouais, il a commencé, là. Ah ouais, demain, il aura tout préparé de A à Z, ouais. Pousse caca, tu me déçois. Oh bah t'inquiète pas. Ouais, je finis de regarder mon film. Ouais, c'est ça. Bon, Mika, merci à toi d'être passé en tout cas. Tu reviens quand tu veux et puis dis à ton fils de passer nous voir. Hein. Et j'ai un pote aussi qui a des films de cul après à parler si ça t'intéresse. Ah bah oui, bah attends, tu vas nous filer le numéro de téléphone et puis on va l'appeler, t'inquiète, on va faire ça dans un instant. Pas de problème, hein. Pas de problème, je te repasse Kelly au standard. Mika ? Oui ? Ah, je te repasse Kelly au standard, bouge pas. Pas de problème. Ça roule, allez, à tout de suite, Mika, merci à toi. On va appeler effectivement déjà, on a reçu les numéros de téléphone là. On va faire ça d'ici quelques instants. Et puis bah on va se faire le son de Tapo et Raya maintenant sur Fun Radio. Quid est-il top ? Je vous rappelle que vous pouvez venir nous rejoindre également sur le Twitter de l'émission si vous le souhaitez. Il suffit simplement de taper MIKL officiel sur le Twitter et bah comme ça vous me faites un follow. Et moi aussi je vous ferai un follow. On fait un petit topo aussi là du Toff, tu peux sortir ton film de cul s'il te plaît. Voir un peu le top 5 là, des top tweetos. Là tout de suite ? Non, bon, après, il faut que la charge, quoi. Il faut que la machine charge. Bon, bah, Tapo et Raya, on écoute ça maintenant sur Fun Radio. Pas de pub, juste il y a au moins 2h du mat sur Fun Radio depuis 23h45. Donc, on est quand même en mode à la cool. On est les seuls, hein, à pas vous faire chier avec de la pub pourrie en pleine nuit, là. Tapo et Raya, on écoute ça maintenant sur Fun. C'est Mickaël No Limit jusqu'à 2h. C'est Fun Radio là, et ouais. Hop là, avec Pause Caca on t'aime, c'est un message de Brandon qui vient d'arriver sur le Twitter là. Merci Brandon. Ouais, il y a Lucie qui dit, bah voilà, je suis accro à vous là, vous êtes condamné à supporter mes tweets encore longtemps, avec plaisir bien. Lucie, t'es la bienvenue comme tout le monde évidemment. Et Colia qui dit, je veux faire un tour de scooter là, j'ai acheté un casque. Bon, alors tour de scooter, et attendez, parce que après ça coûte de l'essence hein, tout ça. Hein. Bon, on démarre. Vas-y. On va essayer. Ça va, elle a bien démarré, hein. On sent que le moteur est chaud là. Bon ben voilà, avec plaisir sur le scoot Colia. Et alors il y a un message de Théo qui dit, il faut dire à Tof d'arrêter de regarder ça, il va se chier dessus. Bon, en parlant de film de cul, là, on va appeler des numéros là. Il y a des gens qui nous ont balancé des numéros de téléphone. On va donc appeler maintenant. Bah allons-y. Allez, c'est parti, direction maintenant, bah je sais pas où on va, mais on va appeler pour essayer de négocier des films de cul pour voir s'il y a moyen éventuellement de bah qu'ils nous filent des titres ou qu'ils puissent nous filer des liens quoi, c'est surtout ça en fait hein. Et vraiment dégueulasse les pubs de l'autoroute. De quoi? Ah, les pubs de l'autoroute. Il y a un mec qui nous conseille Les Ch'tis de Coquine, un film porno, on connaît, mais on le connaît. Ouais. On connaît celui qui l'a fait donc ouais. Très bien, bon. Il est très moyen. Ouais. Ouais, merci pour la critique cinématographique. Bon, allez, c'est parti, on y va, on appelle. Si vous donnez le numéro, sur qui décroche à cette heure-ci, que les gens sont encore debout à presque 2h du matin. Allô? Ah. Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir, je vous appelais pour savoir ce que vous regardiez un petit peu comme film porno. Qu'est-ce que vous me faites là? Bah, je vous demande ce que vous regardez comme film porno quand vous êtes à la maison. Ouais, c'est Benoît? Non, pas du tout, c'est Tof. C'est Tof? Ouais. Mais qui c'est Tof? Bah, c'est moi. Ouais. Et voilà, non, parce qu'en fait on m'a donné votre numéro en me disant que vous étiez un cochon et que vous aviez des bonnes adresses pour regarder des bons films, donc... Ta plaisanterie, elle m'amuse assez moyennement. Ouais, mais j'appelle pas pour rigoler, moi j'appelle pour regarder des films ce soir, là. Ouais, mais tu sais ce que c'est que d'appeler les gens le soir chez eux, ça peut les déranger. Bah ouais, mais c'est pour ça, hein. Si tu me disais tout de suite les titres des films, on arrêterait pas, de... Je sais pas qui t'a passé mon numéro, mais je peux te dire que là tu me fais chier. Donc si tu veux pas avoir des soucis... le mieux c'est que tu raccroches maintenant et que tu arrêtes. Bah moi je raccroche, tu me donnes 2-3 titres et puis ouais. Je raccroche direct. Ouais. Donc je vais raccrocher et je pense. Ah ouais, mais pour les titres de films alors. Si tu essayes de rappeler, je pense qu'on agira autrement. Hein? Ouais d'accord, mais donne-moi des titres alors. Ah ouais, j'aime bien les mecs qui menacent. Ouais. On va le rappeler lui du coup hein. On aurait pu le laisser tranquille, mais cette petite menace. Il sait pas qu'il a affaire à un poste caca. Exactement, oui. Exactement. Qui regarde les putes de l'autoroute. Allez hop, on rappelle. Comment ça se passe? Attends, il est sérieux lui? Bien sûr. Oh là, allez, c'est parti. On y va, on y va, on y va. Mais tu es vraiment lourd toi. Mais non, c'est toi qui es lourd. Moi je t'appelle juste pour te demander un truc, un renseignement, tu veux pas me le donner? T'es vraiment très lourd, je te dis que j'ai pas ça. Et ça m'intéresse pas. Donc il faut que j'appelle les flics là, que j'aille déposer plainte pour savoir qui est-ce qui a appelé. Ah, peut-être que les flics ils ont des bons titres de films. Bah je sais pas, tu leur poseras la question directement. Bah hein? Ouais, mais si tu me les avais donné avant, non. On n'aurait pas eu. Maintenant tu rappelles et après moi j'appelle les flics. Alors je sais pas ce que ça fera, mais j'ai du temps à perdre moi, tu vois. Ah, ouais. Ce qui est sûr, c'est que je te lâcherai pas après. C'est okay? Vrai? Ah ouais. Cool, alors tu me donneras des titres et tout le temps. Allô? Allô? Merde, il y a à nouveau raccroché. Bon, rappelle encore un coup, hein, tant pis. Ah, hein. Une petite dernière pour la route. Ouais, une petite dernière. Enfin, une dernière, on verra bien, mais. Parce que si après il nous menace encore, on l'appellera encore. Ouais? Ouais, t'as dit que tu t'allais pas me lâcher, mais t'as raccroché, je comprends pas. Ah non, j'ai dit que si tu faisais le lourd, bah tu vois, là je vais raccrocher, et puis là je vais appeler les flics, et puis je vais voir. Nous vous mettons en liaison avec la police ou la gendarmerie nationale. Je suis en liaison avec la police, la gendarmerie nationale. Nous vous mettons en liaison avec la police ou la gendarmerie nationale. Oui, allô? Oui, bonjour, c'est la police? Oui. De Pietrozel? Oui, vous êtes qui, monsieur? Mais c'est bien la gendarmerie? Je vais vous rappeler alors directement moi, sur votre numéro. Oui, si vous voulez, pas de problème. Voilà. Au revoir. Je voudrais bien savoir ce qu'il va faire hein, quand il va appeler la police là. Gendarmerie, bonjour. Dites-le, je viens d'avoir un collègue à vous là. Non, c'est pas possible, monsieur. Ah là là là là. Et qu'est-ce qu'ils ont tous avec les flics? Ils ont chose à foutre. Ben oui. Il y a des vraies urgences. Ouais, quand t'es flic là, plutôt que. Oui, c'est un peu comme ça. T'es... Mon voisin m'embête. Mon voisin m'ennuie là, il m'a piqué mon crayon. J'appelle la police. Pose caca a fait caca dans mon pantalon. Exactement. Tiens, il y a le prince qui dit critique cinéma porno uniquement dans nos limites. Ah bah ça c'est sûr. Et Guillaume aussi sur le Facebook qui dit comme film de fesses, il y a aussi Anal Guédon. Et alors Alexandre qui dit il y a 300 000 collections là, mais combien de mouchoirs dans les poubelles? C'est ça la vraie question. Ah oui, c'est par rapport au Sénat, non, à l'Assemblée en Angleterre où ils se sont rendu compte en fait qu'il y avait 5000 employés et 300 000 connexions à des sites porno. Il y a Sandra qui dit arrêtez de lui dire de se taper d'autres meufs que sa belle-sœur, dites-lui d'être fidèle simplement. Ben non, Sandra, oui, bien sûr, t'as raison dans l'absolu, c'était par rapport à l'auditeur qui est passé tout à l'heure, mais c'est juste que s'il la trompe, c'est qu'il kiffe pas sa meuf, donc qu'il arrête, qu'il casse avec elle. C'est pas plus compliqué que ça, tout simplement. Et Rodolphe qui dit un jour, ça va finir en partouze en Angleterre. Il y a de fortes chances. Et pour terminer, il y a Brandon avec nous maintenant. Bonsoir, Brandon. Brandon, oui, Brenda. C'est drôle ça? Ouais, je sais. Fan de Beverly Hills, bien évidemment. J'en suis fan. Ah ouais? Bon, t'es là, Brandon? Et non. Non, visiblement, il n'est pas là. Brandon. Brandon une fois. Brandon deux fois. Brandon. Ah, ben quand même, sur le fil, Brandon. Qu'est-ce qui t'est arrivé? J'ai dit allô, mais. Ah bon? Mais là, pourtant, j'ai. C'est très dommage de couper là, quoi. Ah bah oui, j'ai rien touché, Brandon. Bon, dis-moi, Brandon, tu as quel âge? T'appelles d'où? Alors moi j'ai 28 ans, j'appelle Lorraine. Très bien, et tu fais quoi dans la ville, dis-moi Brandon? Moi je travaille pour dans la téléphonie mobile. Voilà. D'accord, très bien. C'est vraiment des petits téléphones. D'accord. J'ai des idées pour les films de cul par contre, je peux pas vous aider. Ah merde, putain, dommage. Moi j'ai pas de problème là quoi en fait. C'est pas un problème. Ah, visiblement, effectivement, tu n'as pas de problème, Brandon. Qui est la demoiselle qui écrit derrière, là, qui rigole plutôt? Non, la demoiselle, en fait, pour la petite histoire, en fait, c'est que moi, dimanche soir, je suis allé sur un site de rencontre dont je sais pas si je peux dire le nom. Oh, si on s'en fout, hein, vas-y, c'est alors, quoi? Donc, Badou, voilà. Et d'accord. Puis, j'ai été très cash avec une fille, et puis cette fille-là, en fait, est venue une heure après, donc chez moi, parce que j'avais proposé un petit jacuzzi. On a fait ce petit jacuzzi, on s'est bu une petite bouteille de champagne, et donc, on a, voilà, c'est cette fille-là, en fait, est devenue ma sex friend. Wow. Et ça va finir que ça va devenir ma coloc début octobre. Waouh. Ah ouais. C'est ça, c'est le couple sans les inconvénients. Hein. C'est ça. C'est la coloc, ouais, c'est ça. Ouais. C'est le couple sans les inconvénients. Attends, c'est quoi le site? C'est Badou. Ouais, moi, Badou. Je m'inscris direct. Hein. Ouais, parce que Polo, il va aussi directement. Ah, mais moi, je vais pécho, là. Ouais. Mais attends, mais comment ça s'est passé? C'est-à-dire que vous vous êtes parlé, mais vous êtes dit quoi au début? Bah non, parce que voilà, moi je vais pas sur Badou, après faut pas se leurrer, voilà, les princesses, les machins, moi c'est pas trop mon délire, donc voilà, j'ai été cash, je lui ai proposé un verre chez moi, et que voilà, j'ai un appart sympa et tout, donc voilà, et puis elle est très ouverte d'esprit, donc elle est venue, et puis... Ah bah pas que d'esprit, hein. Ah bah dans tout, voilà, dans tout quoi, mais c'est vrai qu'on a passé une excellente soirée, jusqu'à tard, jusqu'à... dans la nuit. Et tu l'as tard aussi. Bah écoute, je vais te la passer, elle va t'en dire plus. Ah bah passe-la nous, avec plaisir. Allez, c'est parti. Comment tu t'appelles? Salut les garçons. Salut, comment tu t'appelles? Ouais, moi c'est Anna du coup. Eh ben Anna du coup, très bien. Salut Anna du coup. Bon, alors explique-nous un petit peu comment ça s'est passé là, je suis curieux. Bah en fait, tout simplement, il m'a envoyé un message et puis enfin, à chaque fois moi je suis mon instinct et je sais pas pourquoi avec du coup Brandon, ça passait bien, enfin même sur le premier message, j'ai fait bah, j'aime bien rencontrer des nouvelles personnes. Et du coup, j'ai fait et puis ce côté aventurier que j'aime bien et je suis allée directement. Ouais, je vais te couper voir. deux secondes, c'est juste pour bien me mettre dans l'esprit. Combien mesures-tu? Je suis petite, je suis 1m61. Combien pèses-tu? 55. Quel est ton tour de poitrine? 90B. Et la taille du pantalon que tu as acheté? Comment? La taille du dernier pantalon que tu as acheté. 38. Nous pouvons aussi te faire des messages. Oui, je peux t'envoyer des messages sur Badou quand tu veux. Quel est ton pseudo? Je veux bien qu'on voulait en même temps. Ah oui, voilà. De quoi tu dis, Brandon? Brandon, il disait on pouvait venir vous voir quand vous voulez. Bah demain. venez. Demain, on arrive, hein. Bah voilà, c'est ça, hein, pas de problème. Non, mais cela dit, si vous voulez passer à la radio, vous êtes les bienvenus, hein, comme tout le monde, il n'y a aucun problème. Mais du coup, vous allez devenir donc coloc alors? Bah voilà, en fait, le truc, c'est que le feeling est tellement bien passé qu'on en arrive à la colocation. D'accord, c'est non, bien. Mais bah... Vu qu'on a exactement le même état d'esprit, la même conception des choses, on s'est dit, ce sera la meilleure coloc, quoi. Donc vous êtes sex friend, et alors le jour où il rencontre une meuf ou inversement? Bah, figure-toi que justement, on en a parlé tout à l'heure. Je lui ai dit, bah, imagine, je rencontre quelqu'un. Ouais, imagine, on se rencontre quand tu viens à la radio. J'ai dit, c'est pas possible parce qu'on aura notre dos, ce coup de ça. Et voilà ce qu'il m'a répondu. Ouais, c'est pas très... C'est-à-dire que si tu rencontres un mec et que tu en tombes amoureuse, ou lui rencontre une meuf, il en tombe amoureux. Non, mais oui, non, mais après, il y aura toujours le respect de l'autre. Hein, ouais, Non, mais c'est sûr, mais ça, on verra par le temps. Quoi. Ouais, on verra par le temps. Ouais. En fait, nous, on se prend pas la tête, on vit le jour au jour, on sait pas ce que sera fait demain, et puis... C'est sûr, c'est pas la tête que vous vous prenez. Hein, ça dépend. Parfois, il lui prend un peu la tête quand même. Ouais, parfois, ouais. Bon, ça dépend. Bon, tant mieux, c'est parfait. Si ça marche comme ça, c'est parfait. Bah, passez-nous voir à l'occasion. En tout cas, vous êtes les bienvenus tous les deux, il n'y a pas de souci. Hein. Avec Kelly, on verra ça. Pas de problème. Viens avec une copine ou deux. Ouais. Viens avec des Badou Girls. Ah, il n'y a pas de Badou Girls. Viens avec deux, trois cochons. Non, mais en plus, je viens de m'inscrire dessus. J'avoue qu'il y a quand même des mecs assez canons dessus. Mais bon. Ouais, mais alors, à mon avis, il doit y avoir des cassos aussi. Hein. Comme partout, hein, tu me diras. Regarde dans l'émission, hein, y a des mecs canons quoi, comme moi, il y a des cassos comme Toff. Tu vois, c'est... Puis après, il y a des personnes lambda comme Polo. Oh l'enfoiré, voilà, c'est ça. C'est ça. Il y a des choux, Polo. Tu vois, il se passe un truc. Je vais t'écrire des poèmes, Anna. Ah oui, écris-moi des poèmes. Avec plaisir, Anna. Anna. Ah, t'as une belle voix. Je t'en remercie. J'ai un scooter. D'abord, c'est pas ton scooter, c'est mon scooter. Tu veux faire un tour avec un scooter ? Ouais, mais donc, le paquebot est à moi. Attends. Et j'ai un paquebot. Et il a un pipo aussi. D'abord le pipo. Le pipo ? Pipo. Ça faisait longtemps. Je l'ai garé en bas de la radio. Exactement, t'as vu ? Ouais, magnifique. C'est quand tu veux, Anna. Ouais, Polo, bah non, c'est à la reine, hein, y a pas de soucis. polo@funradio.fr. Mais si je puis me permettre, Anna, moi j'ai un hélico. C'est quand même vachement plus sympa. Hein. Hélico, ah ouais, c'est quand même mieux l'hélico, tu préfères venir avec moi. Ah oui. Ah bah voilà. On pourra s'envoyer en l'air. Ah, c'est possible. Moi j'ai une mouche. Il y a Brandman qui voudrait. J'ai une mouche, moi. Il veut dire, vas-y, dis-nous. Je vous le passe, du coup. Vas-y. Bon, Mika, ça n'a rien à voir, en fait, avec ce qu'on disait, mais moi, je voulais te faire un petit compliment, dans le sens où que je suis un grand passionné des libres antennes de l'époque d'une certaine personne qui animait sur Fun Radio. Et de Max. Voilà, tu t'en rapproches. Hein, on s'est rencontrés déjà et tout, et je trouve que tu t'en rapproches beaucoup, que tu as beaucoup de talent pour ça, et j'espère que tu vas continuer à nous faire... Mais dis donc, c'est qui me suce la bite, là. T'aimes les hommes. Non, mais j'en ai dit à Kelly il y a un petit moment, c'est vrai que moi, ça me rappelle un peu la voix et tout ça. Est-ce qu'on peut te rappeler à 18h demain? On a un truc, on aimerait bien que tu parles avec nous. Parce qu'il faut savoir qu'on a rendez-vous tous les soirs à 18h avec le boss de la radio qui nous dégomme tous les jours. Donc, c'est gentil d'avoir... c'est vraiment gentil pour le coup, Brandon. Moi, j'ai été bercé avec ce qui s'est passé à l'époque sur Fun avec Max et tout ça. Ouais. Et ça me rappelle les moments-là. Et c'est vrai que j'en ai parlé à Kelly. Et voilà, je voulais te le dire parce que c'est sincère. Quoi. Et bah, c'est gentil, Brandon. Moi, je veux Anna, je m'en fous. on peut venir avec Anna dans les studios, comme je suis déjà venu déjà quelques fois. Venez, ouais. Non, mais vraiment, hein, pour le coup, si vous voulez passer demain ou dimanche, ouais, ou n'importe quoi. J'ai la place d'Anna, là. Ouais, c'est ça. Demain, mais on va organiser ça. Ouais, ça marche. Bah écoute, tu gères ça avec Kelly au standard, il n'y a pas de problème, en tout cas. Merci à toi. Comme ça, avec toute l'équipe. Merci beaucoup, c'est gentil. Et embrasse Anna sur le téton rouge. Allez, gros bisous, à bientôt tous les deux. Ciao. À demain. Allez, oui, bah demain si tu veux, là, pas de problème. Ça marche. Allez, ciao. Salut. Bye. Bon, et puis des messages aussi, il y a Sandra aussi qui dit pour les histoires de honte. On était sur la plage avec ma meilleure amie, la ficelle de son tampon dépassée de son bikini, et les gamins à côté criaient « Maman, elle a une souris dans sa culotte ». C'est, oh, putain, ouais, c'est ça, mignon, c'est beau. Et ça, c'est très très dur. Et DJ Bobru qui dit il y a le Da Vinci God aussi qui existe, c'est vrai. Et Anthony qui dit salut les mecs, vous êtes des bons de lâcher rien. Une claque dans la gueule à Toff. Ah, avec plaisir. Merde. Non, c'est bon. Ah. J'avais allumé le lance-flamme, je suis désolé. Mais je l'ai éteint directement, rassurez-vous. Rodolphe qui dit un jour ça va finir en partout en Angleterre. Et puis Théo qui dit vous kiffez le surnom que j'ai trouvé à Toff. Ah bah ouais, pose caca, comment t'expliquer que ça lui va comme mec, un gant quoi. Non mais tout là, c'est voilà. L'histoire, plus le surnom, moi je kiffe. Voilà. Ça va comme un gant, exactement. Et cette espèce de con, il est en train de regarder son film de cul depuis tout à l'heure. Et là, il me montre en plus. Il mais me oui, montre. Évidemment. Attends, bon. Hey, franchement, tu vas aimer la scène. Coupe le truc, les top tweetos là. Bah, une seconde, je suis occupé là. Non, t'es pas occupé. Attends, là. Sur les pouces caca, on doit rendre. C'est là. Ça. Ouais. Bon, merci à Laurine en tout cas d'avoir été connectée ce soir. Fénicia également. Il y avait également Michael, Joséphine, Brittany, Mathias, Manu également, Héloïse. Qu'est-ce qu'il y a aussi qui était là Drasco ce soir, Laurine, Christopher. Et très nombreux, Let's Be Freaks qui était là également, bien entendu. Et puis très nombreux, il y a plein de nouveaux qui sont arrivés ce soir là. Merci à vous. En tout cas, je vous rappelle que vous pouvez venir nous rejoindre sur le Facebook, bien sûr. Vous tapez facebook.com/michaelofficiel. Vous pouvez venir nous rejoindre également sur le Twitter et sur l'Instagram. Si vous me faites un follow, eh bien, je vous followerai également. Il suffit de taper michaelofficiel. Bon, le top tweetos, comment ça se passe? Top tweetos, c'est donc élire l'auditeur le plus influent de la soirée. Et donc, hier, c'était Let's Be Freaks. Top 5. On numéro, 5. Alors, caca. Numéro 5. Numéro 5. Loloricou. Loloricou, c'est à nouveau ça? Oui, c'est à nouveau. Ouais, c'est bah, pas mal d'arriver directement, dans le top. D'arriver directement en top 5, c'est pas mal. Numéro 4. On a 3 nouveaux. Alors ensuite, on a Florian CR8. Florian CR8, ouais, celui est arrivé hier par contre, je m'en souviens, ouais. Ensuite, on a le prince Nadia qui est resté 3ème toute la soirée. Pas mal, hein, puisque hier elle a commencé 5ème, elle a fini 8ème. Ouais, c'était pas terrible. Non, effectivement. Ensuite, on a New IBC. New IBC? Oui, parce qu'il y a 2 i. Ah d'accord, ok, très bien, ouais. Donc voilà, qui est deuxième donc. Voilà, et en numéro 1? En numéro 1, à votre avis, qui est numéro 1? Let's Be Freaks, comme hey, hier. Oui, ah ben, voilà. Oui. Et si elle reste le plus longtemps possible, 3-4 mois, Tov se fait un plaisir de l'inviter à dîner. Et d'accord. C'est pour lui apparemment, pose caca, et heureux quand je lui dis ça, regarde-le. Il en lâche son porno. Eh ben voilà, bah écoute, moi j'ai envie de dire c'est beau. Bravo. Moi j'ai envie de dire c'est beau. Moi aussi. C'est très beau, voilà, effectivement. Mais pour ça, il faudrait qu'elle soit top tweet jusqu'à la fin de la saison. Hein. Ouais. Non, pas de la saison, t'emballes pas tout de suite les grands mots là. Bon bah du coup, cela dit, il est capable. Donc bah bravo les Lesbi Freaks, encore une fois, la top tweet, enfin top tweetos ce soir là, a été la plus influente sur le Twitter de l'émission. Et ben on remet le couvert, on remet les compteurs à zéro. Demain à partir de 23h, on remet le couvert. Et on a une vraie on a un vrai site en fait qui fait les vraies stats, hein. On fait pas comme ça au hasard. Non. Bien sûr. Ah, donc oui. On a vraiment les vrais stats et les vrais chiffres. D'ailleurs, elle a fait combien de tweets ce soir, Let's Be Freaks, Toff? 300. Oh, 300 tweets. Enfin, 300 messages avec le hashtag et Mickaël dedans. Retweet, tweet, peu importe. C'est dingue. Donc voilà. Et le second est à combien? 120. Ah ouais, putain. Ah ouais. Ah ouais, il y a une marge, ouais. Donc t'as un peu de marge, Let's Be Freaks. Bon, bah, vous savez ce qu'elle est capable de faire. Donc si vous voulez prendre sa place demain, vous pouvez jouer dès demain dans la journée. Hein. Il n'y a pas de problème. Hein. Vous n'êtes pas obligé de démarrer à 23h. Donc vous pouvez jouer dans la journée, il n'y a aucun problème. Bon, bah bonne nuit tout le monde. Ouais. Bonne nuit. Bah, voilà. Personne lambda te salue. Avec plaisir. Bon, et puis la musique aussi, évidemment, avant de se quitter. Hein. Ah bon, on y va. Avant de se quitter, évidemment, attention, ouais, le générique de l'émission. Attention. 3, 4, c'est parti. Ça ne marche pas. 3, 4, c'est parti. Ferme ta gueule de merde, toi l'enculé. T'as fait sucer, toi l'enculé. Leur temps que je t'en oncle. Ton cul comme toi. Ferme ta gueule de merde, toi l'enculé. C'est toi qui encule ton oncle. T'es un enculé. Tu ne veux plus dormir, on t'a mangé qu'à parler ton oncle toute la journée. Qu'est-ce qui se passe ici? Bah... Que veux-tu? C'est une personne lambda? Ah, que veux-tu? Ils sont canadiens. Allez, taf, avec nous! Attention, pose caca! Toi l'enculé! Pose caca, toi? Toi l'enculé! Ferme ta gueule de merde, toi l'enculé! Quand je te suce, toi l'enculé! T'aimes tellement ça te enculé! Et toi, t'as un oncle, c'est un enculé! Oui, tous les deux, on est des enculés! Allez, merci d'avoir été là, on se retrouve demain dès 23h sur Fun, ciao. 23h, 2h. Fuck Mickaël, no limit. I don't fucking care. Sur Fun Radio. Fun Radio.